Eh ben, bienvenue dans les mondes de l'inattendu, hein. Et bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau monde de l'inattendu, un monde d'autant plus inattendu ce soir puisque nous allons plonger dans l'inconnu avec un explorateur supplémentaire, notre premier invité, mais je vais y revenir. Nous sommes donc le 30 mai, alors bon anniversaire à vous qui êtes nés le 30 mai, une petite pensée notamment à Élise Lucet qui n'aura pas le droit à son jingle car notre réalisatrice est en train de manger sa quiche. Elle n'était pas prête. Donc je disais juste... Oui, bonjour Monsieur Sarkozy, c'est Élise Lucet, cache investigation. C'est voilà, ça c'était Élise Lucet, notre journaliste rentre-dedans national qui est née donc en 1963. Et attention à toi, parce qu'il y a un autre anniversaire qui arrive. Sachez que c'est également un 30 mai en 1898, plus précisément que Sir William Ramsay et Maurice William Travers découvrent cet élément chimique appelé le krypton. Petit jeu de mots à base de Superman, tout ça. Je suis Valentin, de la chaîne YouTube V pour Valentin, et je suis toujours accompagné de trois êtres exceptionnels. Commençons par la réalisatrice de cette émission qui a le ventre vide, Jackie. Salut à tous. À côté de moi, fidèle au poste, se trouve Vianney. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et notre dernier larron, mais non des moindres, Armel. Bonsoir. Eh oui, tout le monde va bien. Ça va très très bien. Bon bah c'est formidable. Mais comme je le disais il y a un instant, ce soir il y a une autre personne autour de cette table, quelqu'un d'exceptionnel puisqu'il est notre premier invité. Et pour que quelqu'un ait autant de courage et d'abnégation pour venir nous parler vous parler dans ce podcast, il faut vraiment que cette personne soit hors du commun. Donc bonjour à toi. Hello, je viens manger vos chips. Eh oui, et on a aussi du saucisson qui dégouline, c'est formidable. Mais alors, vous savez quoi? Vous allez devoir deviner de qui il s'agit, vous, sur le chat, et qui nous écoutez en différé. Et nous verrons, lors de sa rubrique, si vous avez trouvé de qui il s'agit, ou au moins où il travaille, ce qu'il fait dans la vie. Donc, je me tourne vers l'ami Armel ici présent. Sous quel signe avons-nous placé cette soirée, mon cher? Le signe de la science-fiction et de la fantasy, plus précisément de l'humain à travers ces deux facettes. Ah, c'est formidable, on va bien s'amuser ce soir. Grosse branlette intellectuelle. Absolument. Va y avoir aussi plein de kiff du moment, comme d'habitude. Une nouvelle rubrique aussi, dont on parlera tout à l'heure assez rapidement. Notre dossier, du coup, avec notre invité mystère. On aura un petit jeu que je vous ai concocté. La rubrique de Vianney avec ce jingle formidable. Un retour vers le film aussi. Donc, Armel, tu nous parleras d'un film que tu as vu il y a un an. Exactement. Voilà, j'ai ma petite idée, mais tu n'as peut-être pas choisi celui-là, donc on verra. Oui, on verra tout à l'heure, ce sera en fin d'émission. Et puis, ouais, encore quelques petits kiffs pour finir. Mais du coup, j'ai envie de dire, commençons tout de suite cette émission avec le premier... Le kiff du moment. Et ça va être un petit kiff un peu commun, assez vite fait, un petit peu improvisé pour tout vous dire. Jackie, si tu veux, tu peux balancer le son qui est programmé pour ce premier kiff du moment. Le petit son bleu ou je ne sais pas. Voilà. Et oui. En fait, ouais, c'est ça que j'aurais voulu dire. C'est ça que j'aurais dû. Ouais. C'est tellement. C'est ça que je vais te dire au début de l'émission pendant que Vianney me cherche, me sert ma quiche et que du coup je suis un peu éloigné du micro. voilà, il fallait que je te dise qu'on balançait le son. Bref, on s'en fout. On va parler donc de Pokémon Let's Go dont on vient de voir la bande-annonce. C'est pour ça qu'on est un petit peu à l'arrache en train de parler de ce truc-là. À 5h30 du mat, si je dis pas de bêtises. Eh ben, moi je l'ai vu il y a moins de 3h, donc tu vois, c'est. Je l'ai pas vu. C'est quoi les Pokémon? Ah oui, alors formidable. on va aller très vite sur la question parce qu'on va juste se baser sur le teaser qui vient de sortir. On va en parler vite fait, échanger nos impressions. Voilà, ça va être assez rapide. Pokémon, qu'est-ce que c'est? C'est un petit monde de monstres de poche né dans les années 90, au début des années 90. Si vous voulez avoir l'historique, je vous invite 96, à... mais il y a toute une histoire avant qui commence bien avant. J'ai appris ça d'ailleurs de ta bouche. N'est-ce pas? Donc c'est un jeu vidéo où on doit capturer c'est un RPG japonais où on doit capturer des petits monstres et les faire combattre pour les faire gagner de niveau, les faire évoluer, etc., etc. Il y a eu récemment une petite mode Pokémon Go qui a été absolument exceptionnelle où tout le monde ne jurait que par ça. Ça a duré 2 mois et après plus personne n'en a parlé parce que Nintendo n'a pas vraiment fait vivre son application. Donc il s'agissait d'aller dans la rue et de chercher des Pokémon qui se trouvaient sur votre chemin et qu'on pouvait capturer avec son portable. Et aussi qu'il faisait froid. Parce que, enfin, je veux dire, ça a marché parce que c'était... Ah oui, ça a marché parce que c'était l'été, oui, c'est vrai. Ouais. À partir du moment où on a commencé à se geler les couilles pour aller chasser un... Ouais, c'est pas dire un Pikachu, n'importe quoi, les gens étaient beaucoup, beaucoup moins motivés. C'est pas faux. Mais voilà, et donc là, vlati pas que Nintendo a annoncé la sortie d'un nouveau jeu qui s'appelle Pokémon Let's Go, donc qui sera bien jouable sur Switch, la console nomade, enfin la console hybride, on va dire, de Nintendo, mais qui aura un lien avec Pokémon Go, puisque nous pourrons jouer donc sur sa console, sur sa télé. On peut aussi jouer en nomade, donc en prenant sa Switch et aller jouer via l'écran de la Switch dans la rue, ailleurs, où on veut. Et puis, pour ceux qui ont toujours Pokémon Go ou qui veulent reprendre l'application, on pourra aussi jouer à Pokémon Go et utiliser les Pokémon capturés pendant sa marche et les mettre dans ce jeu Pokémon Let's Go sur Switch. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà, c'est une sorte de... Tu veux dire qu'en fait, les Pokémon que tu captures dans ton application téléphone pourront peut-être être utilisés dans le jeu vidéo. Merci, et c'est même pas peut-être, c'est que c'est sûr du coup, enfin si j'en crois la bande-annonce en tout cas. D'accord. J'ai même l'impression que c'est principalement comme ça qu'il faudra les capturer. Oui, absolument, puisque il y a plus de technique de... Alors, il y aura des combats entre dresseurs, il y aura plus de combats avec des Pokémon sauvages, c'est vraiment en mode Pokémon Go, où en fait, on se balade. Alors, c'est une aventure, comme dans les derniers jeux Pokémon sur 3DS, en fait, où on se balade dans des villes Pokémon, etc. et tout. On croise des Pokémon sauvages dans les hautes herbes, comme Naguère, n'est-ce pas? Et au lieu de faire combattre son Pokémon pour l'affaiblir et le capturer, on y va en mode Pokémon Go, en balançant des Pokéballs directement sur le Pokémon, ce qui fait qu'on peut les capturer. Et ensuite, il y a des combats entre dresseurs et tout ça. Ce qu'a prévu Nintendo, c'est aussi de sortir un nouveau type de manette qui a une forme de Pokéball, sans blague, puisque du coup, le jeu se joue via Joy-Con, donc un seul Joy-Con, donc vraiment en une seule main, on peut jouer au jeu. Donc, les Joy-Con qui sont les manettes qui sont les manettes de la Switch, qu'on peut donc il y a un stick dessus et quelques boutons, donc du coup le jeu va se jouer en mode très basique avec très peu de boutons. Et ils ont donc prévu une manette supplémentaire en fait qui a une forme de Pokéball à la place du petit bouton rond que vous avez au milieu. Tout le monde voit ce que c'est une Pokéball. Vous avez un petit bouton rond au milieu, et bien ce sera le joystick qui sera là, et ensuite c'est avec des mouvements de la main que vous pourrez capturer les Pokémon et faire différentes actions dans le jeu. Vous pouvez aussi donc une fois le Pokémon capturé dans votre Pokéball, qui est une manette, vous pouvez l'emmener où vous voulez, et donc il y a un petit haut-parleur dedans qui fait que quand vous secouez votre Pokéball, le Pokémon qui est à l'intérieur fait son petit cri de Pokémon. Apparemment il y aura aussi des actions pour s'occuper de votre Pokémon, on va sûrement, dire. Sûrement comme dans le remake qu'ils avaient fait de Or et Argent. Je sais pas si tu peut-être, non, je n'y ai pas joué. C'était exactement le même principe, t'avais une espèce de truc à connecter sur ta DS. Ensuite, tu le transportais, et là où tu en fait, quand tu te baladais, d'accord, ça faisait augmenter ton Pokémon et tu pouvais éventuellement récupérer des trucs. Ah bah voilà, il est probable que ce soit la même chose. Ouais, ouais. Sauf que là, t'as une interaction supplémentaire où ton Pokémon parle vraiment, et on voit dans la vidéo, donc la bande-annonce que vous pouvez trouver sur internet, à un moment, la personne caresse sa Pokéball d'une manière très... Sensuel, ouais, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Et donc, le Pikachu qui est à l'intérieur réagit d'une autre façon. Voilà, on ne va pas imaginer des choses salaces, mais ce serait tout à fait possible. Le jeu a l'air plutôt joli. Voilà, moi, ça me plaît bien dans l'idée, dans le sens où, par exemple, on se balade avec son Pokémon qui est à côté de soi. Et donc, par exemple, quand on a un Onyx, au hasard, donc, qui est un espèce d'énorme serpent de pierre, pour ceux qui connaissent, Eh bien, ton personnage est sur le Onyx, et donc tu te balades à dos de Onyx dans les contrées de Pokémon. Et à contrario, si c'est un Pokémon plus petit, bah, il t'accompagne un peu comme dans la version jaune de Pokémon qui est sortie il y a une vingtaine d'années, où ton Pokémon te suivait, tout ça. Et donc, je trouve ça plutôt sympa dans l'idée, oui. Non, c'était juste pour... D'ailleurs, a priori, la volonté, c'est de faire presque un remake de la version jaune, dans le sens où il y aura que les 150 premiers Pokémon. Avec une version Pikachu, une version Evoli, mais qui se représenteront un petit peu ce qu'était Pikachu dans la version jaune. C'est ça, oui, j'ai oublié de parler de ça. Effectivement, les deux versions, donc c'est comme feu et eau, par exemple, bleu et rouge, voilà, pardon. Et il y aura deux jeux aussi, donc une version Pikachu et une version Evoli, qui sont bien deux boîtes distinctes, donc on imagine avec des Pokémon distincts, enfin, pas les mêmes selon les versions. La fameuse vache à lait de Nintendo. La fameuse vache à lait de Nintendo, qui reste assez gentille, hein, je trouve, hein, oui. Parce qu'à chaque fois, ça reste quelques Pokémon qui varient, et c'est pas forcément énorme, c'est pas un DLC de Call of Duty, on va dire, quoi. Voilà. Sachant que a priori on pourra se connecter extrêmement facilement, vu qu'on peut jouer avec une seule manette, un seul Joy-Con, ce qui sera potentiellement possible, c'est qu'une personne se crée tout simplement un personnage sans avoir le jeu et te rejoigne directement, parce qu'on pourra jouer à deux. En même temps. C'est ça, l'autre personne qui prend le Joy-Con, ouais, c'est un truc collaboratif, ouais, où tu peux avoir le. Donc il y a deux personnes, si vous jouez à deux, vous aurez deux personnages à l'écran qui. Alors ça reste à voir, c'est pas forcément clair dans la vidéo, mais. Enfin, sur comment les combats se font, comment les combats se déclenchent et tout quand on est à deux. Mais en tout cas, il y a vraiment deux personnages à l'écran. Quand on capture des Pokémon, chacun a sa Pokéball qui peut lancer sur le Pokémon, et j'ai l'impression que c'est un truc de synchronisation où il faut la balancer en même temps pour avoir le plus de chances de capturer un Pokémon. Enfin voilà, il y a des choses un peu comme ça qui ont l'air vraiment sympa. C'est pas un jeu de ouf, on va dire. On s'attend pas à un Zelda Breath of the Wild en version Pokémon, mais ça dépend le prix auquel il sera proposé. Mais le jeu a l'air assez complet, assez novateur dans l'idée, qui joue sur les nouvelles technologies et tout ça. Enfin, c'est assez intriguant. Et moi qui n'ai jamais vraiment joué à un jeu Pokémon, puisque je suis pas fan des consoles portables, pouvoir jouer sur ma télé comme ça me plaît plutôt assez. Je mise 39,90€. Ouais, et bah exactement, je pense au même prix, et j'espère que ce sera ça. Et franchement, si c'est à ce prix-là, je trouve ça tout à fait honnête. Voilà, à voir. Non, mais ça promet de belles choses. Enfin, vraiment, s'ils arrivent à développer le côté jeu à deux, ouais. Ça sera bien. Et puis, j'allais dire un truc intelligent, mais j'ai oublié, donc je vous propose de laisser la parole à quelqu'un d'autre. Très bien. C'était l'instant résumé. merci Vianney. Je sais pas si notre invité est familier des Pokémon, s'il a une réaction particulière face à ce jeu qui a l'air de le passionner. Je vois ça sur son sur son visage. Carrément, bah, j'ai vu au moins 3 épisodes du dessin animé. Voilà. Après, j'ai accompagné des gens dans la rue qui essayaient d'attraper des Pokémon, parfois juste pour aller promener le chien. Hein, donc voilà. j'ai trouvé ça très étrange, mais je me suis dit que finalement, ça avait l'air pas si mal. Alors, peut-être qu'un jour, je ferai du Pokémon. Et puis, quand j'ai décidé que j'allais peut-être en faire, l'application n'existait plus. Enfin, c'est vrai? En tout cas, disons que c'était... C'était has-been, en tout cas. Ouais, c'était has-been, oui. Donc, okay. Du coup, j'ai oublié, une fois de plus. Et j'ai repris ma console vidéo préférée. J'ai joué à Alex Kidd, j'ai cassé des briques. Voilà. Ah oui, donc c'est pas une console très très récente alors, du coup. Bon, ça, il y a eu des consoles depuis la Master System? Non. Non, très peu. Ça me rassure. Hein. Donc, une ou deux vaguement, mais qui a pas très bien marché. Ah oui, je crois. Ils ont essayé la Dreamcast, ça me disait rien. Je préfère ma petite Master System. Voilà, c'est ça. Il faut rester aux bases. Hein. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Il est temps maintenant de découvrir une nouvelle chronique qui s'appelle Ah bah c'est dommage, et c'est Armel qui va nous la présenter dans un instant. Et tu vas nous expliquer de quoi il en retourne. Je vais vous expliquer. Retourne. Déclarisatrice. Ah. C'est un petit jingle orange que j'ai dû mettre. Ou j'ai oublié de le mettre. Ah. Dans un monde. Ah bah c'est dommage. Ah bah c'est dommage. Oui, et c'était bah, pas. Vous hyper n'aurez fifo. Pas de jingle ultra développé parce qu'on n'a pas du dommage. Tout décidé ça il y a 4 heures. Et j'ai un jingle. Ah bah c'est dommage. Exactement. C'est un jingle orange qui est à droite. Normalement je l'ai mis. Je crois bien. Dernière fois. Bah, j'attends le verdict. D'accord. Du coup, regardez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est la rubrique d'Armel, ça s'appelle Oh bah c'est dommage! Parfait! Eh bien, oui, je vais vous parler. Donc, je ne sais pas si on la fera à chaque fois. En gros, l'idée, c'est de parler d'œuvres, de jeux, de livres, de films, je ne sais quoi, qui passent vraiment, vraiment à pas grand chose d'être parfait, au moins très très bien. Et donc, je vous demanderai un petit peu de mansuétude, s'il vous plaît, parce que... Alors, moi, je veux bien te donner de la mansuétude, oui. Mais alors, il faudrait que tu m'expliques ce que ça veut dire. Il faut que vous soyez gentil avec moi, d'accord, et que vous me laissiez m'expliquer jusqu'au bout. Voilà. Très bien. Pour les deux personnes qui ont 6 ans, du fond. Très bien, absolument. Bien, oui, parce que je vais vous parler de The Witcher 3. Comment ah. Oh, voilà. Comment, mais c'est un chef-d'œuvre, ce jeu. Tout le monde dit qu'il est trop bien. Ah bah moi, oui, j'y ai jamais joué, et pourtant, je sais qu'il est formidable, que c'est un chef-d'œuvre. 10 sur 10, jeu exceptionnel, etc., etc. Il a des notes, en effet, exceptionnelles partout. Partout, partout. Alors, on va tout de suite couper court. C'est un excellent jeu, clairement. On est d'accord, il n'y a pas de souci. C'est un excellent jeu. Merci pour ta rubrique. Voilà, Armel. Au revoir. À une prochaine. Ah, c'était bien. Ouh. Merci. Non, en effet, je suis parfaitement d'accord. Là, en fait, je l'ai testé il y a pas très longtemps. J'avais attendu et tout, puis je me suis rendu compte qu'en fait, mon PC tenait largement la route pour pouvoir voir ça. Donc, je vais faire parce que ton PC a des roues. Exactement. Du coup, il tient bien la roue. Mais ça, c'est vraiment excellent. Je vais faire une petite c'était la blague. Présentation rapide de ce qu'est The Witcher 3 pour éventuellement les quelques personnes qui n'ont pas Internet. The Witcher, donc, c'est à la base une série de romans. De quelqu'un qui s'appelle, je vais sûrement l'écorcher de façon horrible, Andrzej Sapkowski. Merci. Qui a donc quand même sorti pas loin de... C'est un nouveau jingle. J'ai bu des vodkas avec lui. Wow. Formidable. Ah, ça donne un indice, du coup. En vrai ? En vrai. Ça vous donne un sacré indice. Oh la vache indice, ah ouais, d'accord. Ouais. Ah putain. Donc une série de 9 romans qui se situe dans un monde médiéval fantasy. Donc on y reviendra plus tard, mais voilà, vous imaginez, chevalier, magicien, très sombre, très dur, avec beaucoup de cul. En gros, c'est plus ou moins Conan dans un monde un peu plus réaliste et un peu plus proche de ce que pourrait être l'Europe dans l'âge sombre. Enfin, l'âge sombre, j'entends le Moyen-Âge, quoi. Voilà. Les Witchers, ce sont des sorceleurs, en fait. Ce sont des personnes qui, via des manipulations, via certains changements, en fait... arrivent à manipuler certaines formes, deviennent des espèces de mutants et partent chasser le monstre après un entraînement draconien. Si jamais il y a des perturbations, quelles qu'elles soient, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ? Donc voilà, ce sont des personnes qui sont entraînées, qui chassent le monstre. Donc vous imaginez un petit peu, voilà, le chasseur de monstres. Ah oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est un loup-garou, vous inquiétez pas, voilà, je vais aller lui faire la peau. Et après, je vous ferai l'amour tendrement dans la paille. J'avais oublié, j'ai relu le premier pour l'occasion, enfin j'ai refeuilleté le premier, j'avais oublié que le tout premier chapitre, c'était quand même le héros qui se tape une ondine sans aucune forme de préparation. C'est-à-dire que R rentre, donc pas de préliminaire. Il baise. Ah, paf. Très bien. Voilà, j'ai ça, oui, j'ai ça, d'accord, c'est le tout premier chapitre, j'avais oublié. Et donc, suite à ces 9 romans, un petit studio de jeux vidéo. Je vais dire une bêtise, CD Red Project, c'est ça, voilà. C'est ça. Merci. Lance The Witcher et c'est un petit carton à l'époque. C'est pas un énorme truc, mais il y a vraiment une base de personnes qui sont là. Le jeu a du succès et ça marche bien. Donc version RPG, à l'occidental, c'est-à-dire on se balade, il y a des petites quêtes et puis à la fin on bute un gros monstre et voilà, tout le monde est content. La petite subtilité, c'était que le héros avait perdu la mémoire à la fin du dernier roman et donc ça permettait de repartir sur de nouvelles bases avec de nouveaux personnages. Dans le tome, dans le volume 2 des aventures du jeu vidéo, okay, je m'embrouille. Dans le deuxième opus, voilà, du coup, du jeu vidéo, la suite en jeu vidéo. Okay. Il y a des romans, oui, bah oui, c'est mélanger ça. Tout et n'importe exactement. Quoi. Exactement. Le 2 a eu très très bonne critique. Ouais. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Et donc, il y a 2 ans, The Witcher 3 sort et c'est un carton. Toutes les critiques sont unanimes, le présentent comme un chef-d'œuvre absolu. Je crois qu'il a été élu meilleur jeu de l'année plusieurs fois, assez régulièrement. Moi, j'ai attendu à ce moment-là parce que mon PC était clairement pas assez puissant pour le faire tourner et puis qu'il y avait de nombreux bugs. Depuis, une version un peu plus patchée est sortie, toutes les extensions sont sorties, donc c'était cool. Et puis j'étais en train de masteriser un jeu de rôle qui était dans une ambiance un petit peu similaire, Moyen-Âge très sombre avec des créatures comme ça un petit peu étranges. Je me suis dit, allez, cherchons inspiration ailleurs. Et puis tout le monde me disait qu'on pouvait commencer par le 3 sans problème, surtout que j'avais lu une bonne partie quand même de la base roman. Parce que moi, alors j'ai pas du tout joué aux jeux vidéo ni rien, je vois à peu près ce que c'est. J'ai vu vite fait le début, mais il me semble que tu racontes ton... Enfin, première partie, c'est tu racontes ton passé pour te essayer de te faire justement de te faire un passé en racontant ce qui s'est passé dans les précédents jeux et des choix que tu as fait. C'est quasiment ça. En gros, il y a une première zone où clairement que tu peux aborder sans autre forme de procès. T'es absolument pas obligé d'avoir connu ce qui s'est passé avant parce qu'il te l'explique très rapidement les principes en fait via le regard des autres personnages. Excellent moyen de narration, j'y reviendrai. Et ensuite, une fois que tu as fait, que tu as bouclé cette première partie, qui sert vraiment d'intro, mais qui est quand même relativement longue, hein. Il faut 5 heures pour, à mon avis, enfin, en tout cas, moi j'ai mis 5 heures pour la boucler de A à Z, c'est-à-dire faire toutes les quêtes qu'on peut faire à ce moment-là. Et ensuite, en effet, tu rencontres quelqu'un qui va te poser des questions sur ton passé. Alors, j'y reviendrai, j'ai trouvé que cette partie-là n'était pas très très bien faite, et que c'était clairement pour les gens qui avaient déjà joué en fait, à The Witcher 2. Mais sur une autre console et qui ne pouvaient donc pas faire venir leur. Comme dans Mass Effect notamment. Enfin, je sais que pour le. Exactement. Coup, sauf que Mass Effect, c'est via format BD, donc tu vois les images, donc tu as une meilleure idée. Là, ah oui, c'est si juste tu n'as pas joué, parlotte, ouais, c'est imbitable. Ah ouais, ah oui. En fait, moi à ce moment-là, j'ai fait une pause. Je suis allé regarder, j'ai lu un résumé du 2. Ah ouais. Ah ouais, merde. Et du coup, après, j'ai pu répondre selon les envies. Ouais, alors, après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens extrêmement cool qui ont fait des super résumés sur internet avec les choix, en effet, ouais, leur implication. Yes. Mais non, ils te balancent des mots, c'est... tu peux pas. C'est... Ah, bah, je sais pas qui c'est. Ouais. Quoi, c'est genre... Alors, machin, vous l'avez laissé filer ou alors vous l'avez tué? Ouais. Mais je sais pas qui c'est. Voilà, très bien. Okay. Je sais pas. Alors, dans le doute, moi, j'ai laissé tout le monde vivant parce que je me suis dit que j'allais les revoir, du coup, dans le 3. Non, puis que je voyais à peu près qui c'était et qu'en plus ça me plaisait de les avoir vivants. Bref, donc on peut commencer le 3 sans avoir fait les autres, c'est possible. Il y a évidemment quelques petites choses, quelques subtilités qu'on ne va pas percevoir, mais c'est vraiment possible grâce à ce subtil moyen de narration qui fait que le jeu est vraiment très très bien. Mais je vais y revenir En troisième partie d'émission dans 3 heures. Donc exactement, précisément. Voilà, pour vous tenir un petit peu en haleine. Donc c'est un RPG, on va récupérer des armes, tuer des monstres, aller de zone en zone. C'est un monde ouvert, mais un petit peu différent. Comme le monde est tiré d'un roman et qu'il a une certaine logique. Pas si on prend Breath of the Wild, le monde est magnifique. Zelda, Breath of the Wild, mais le monde n'a pas de logique. On peut tout à fait passer d'une forêt à une montagne à un désert de sable en quelques instants. D'accord. Du coup, ça me fait penser un peu à Skyrim où pour le coup, c'est une zone d'un pays beaucoup plus grand. Et du coup, Skyrim, c'est énormément de montagnes, voire de plaines un peu, mais ça reste très hivernal et très. Exactement. T'auras pas de désert de sable, quoi. Tout à fait. C'est à peu près ça, sauf que les zones sont un poil plus petites et qu'il y en a 6, mais qu'on peut voyager dans les zones comme on veut. Sauf dans la toute première, au début, c'est pas ouvert parce que c'est l'introduction. Un petit peu comme dans Zelda Breath of the Wild où on est confiné. Comment s'appelle le plateau du prélude. Ouais. Voilà, donc une fois qu'on a fini le plateau du prélude, on l'équivalent, là on a accès aux autres zones. Ouais. Mais pas tout à fait. Parce qu'on peut y aller comme on veut. Dans The Witcher 3. Ouais. Mais chaque zone a des monstres à niveau. Ah oui. C'est-à-dire cela dit, dans Zelda Breath of the Wild, c'était un peu ouais, le cas aussi. Mais c'est pas tout. C'est peut-être moins. En fait, marqué, mais... si tu vas dans une zone où t'as pas le niveau, tu meurs. Dans The Witcher, ouais, c'est okay, clair et ça net. C'est dommage. C'est-à-dire que t'arrives en fait, tu finis, ils disent ah bah la zone conseillée elle est niveau 5. Dis donc, ça tombe bien, je suis niveau 5. Ouais. C'est quoi les autres? Niveau 16. Ah oui, c'est quand même 3 fois plus ouais, haut d'accord, que ce que donc je suis. C'est un faux et c'est monde quoi l'autre ouvert, quoi. 35. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Voilà, donc c'est mais en effet, à partir d'un certain niveau, on a accès à l'intégralité de la zone, sachant qu'évidemment en chaque zone, il y a des zones où il faut revenir plus il y a des petits endroits où il faut revenir quand on est un petit peu plus stuffé. Je suis désolé, mais si vous entendez des coups de feu derrière moi, c'est pas grave du tout. C'est juste Vianney qui ouvre des bières comme donc, un. Donc, du coup, moi j'en ai pas. Et c'est très drôle. Très bien. On s'était pas promis de plus faire si. Ça après en vrai, la moi, première. En vrai, moi je trouve ça très drôle. Ça, c'est drôle. Non, puis ça va maintenant, j'arrive à reprendre. Exactement, running gag. Voilà, je vais pas vous expliquer le jeu plus longtemps. Je pense que vous avez à peu près saisi le truc. Donc, The Witcher 3, merci beaucoup, a eu d'excellentes notes. Vraiment, c'est-à-dire que. Quasiment équivalent à Zelda Breath of the Wild. Du 9 sur 10, du 10 sur 10, excellent, meilleur jeu de l'année. Partout. Pour moi, c'était une grosse bombe et tout, un truc qu'il fallait pas louper. Et vraiment, les gens disaient, c'est beaucoup mieux que Skyrim, c'est vraiment au-delà et tout. Alors, graphiquement, c'est un truc de fou par contre. En effet. Moi, je sais que j'ai pas joué au jeu, mais j'ai vu des images. Attention à pas se tromper. C'est assez taré. Parce que. La version PC, je parle. Ouais, mais t'as vu la version PC que les gens, enfin, c'est-à-dire que les pubs te montraient ou la version PC que des gens te montraient. J'ai vu des gens streamer dessus, j'ai trouvé ça c'est très beau quoi, tu vois. Voilà, bon, on y reviendra. Mais d'accord, je suppose, oui, qu'il y a des zones qui sont très belles. Ah, d'accord. Mais on y reviendra. Mais eh, c'est, y a tu sais que ton PC... Aussi, tu veux, tu veux dire quelque chose ? Il y a un indice, effectivement, aussi, c'est que les gens qui jouent à ce jeu, The Witcher, vont acheter les romans après. Alors, Skyrim, il y a des romans, fait. Des adaptations, je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien que... The Witcher en roman, quoi. Ah non, c'est sûr, mais ça fait partie exactement des choses que je voulais dire. Ah, c'est en une fait, sorte de cross-média. Ne t'excuse pas, souvent c'est bien de lui couper ce qu'il va dire parce que sinon il est trop long. Oui, ah, plus globalement, je dis de la merde. Voilà. Ouais, je le ferai plus souvent alors. Eh bah écoute, tu me fais plaisir. Non, non, mais c'est un point que tu soulèves et que tu as bien raison. En effet, le monde est basé sur une série de 9 romans et j'ai appris récemment qu'il y a eu également 5 comics qui sont sortis, en partie dessinés ah oui, c'est par vrai. Mignola d'ailleurs. Publié chez Urban d'ailleurs en France. Oui, exact, ça va sortir chez... Oui. Ouais, c'est ça, il y a le premier tome qui est sorti chez Urban Comics, ouais. Oui, en tout cas, je sais pas si c'est Mignola, mais ça ressemble énormément au dessin de Mignola, donc l'auteur de Hellboy. Non, c'est pas du Mignola. Non, très bien. Enfin, je crois pas en tout cas dans mon les souvenir, non. Mignola avait fait par contre le cycle des épées de Fritz Leiber. Donc on est toujours dans la Sword and Sorcery, un ouais, petit peu très sombre. Voilà, exactement. Tiens, ouais. C'est marrant parce que il pourrait peut-être plus tard, on pourra en reparler peut-être. Ah, peut-être on s'en verra, on verra. Oh là là, du teasing. Bref, okay. Je vais essayer d'attaquer un peu plus rapidement. Désolé pour cette un petit peu longue. Juste sur ton mon... ouais, où tu reviendras après peut-être. Mais sur les graphismes, pose ta du question. Coup, j'ai des... ouais, bah... ah, oh, c'est beau, t'inquiète ouais, pas. D'accord. Visuellement, ouais, parce que les effets de vent, de pluie. T'as joué ça sur ton ordi ? Oui, j'ai joué ça sur mon ordi. Ton ordi, il est pas très récent. Il a été remis à jour il y a 2 ans. D'accord. Donc c'est pas une bête de course. Je peux pas mettre les graphismes voilà, fond, ouais, sur beaucoup de jeux. Mais non, c'est pas ça. C'est en effet, les effets sont beaux. Les effets de lumière, de vent, de pluie, etc. Tout ça, c'est top. Et en effet, la flotte, moi, je trouve ça assez ouf. Ça enterre Skyrim de base. Je précise bien Skyrim de base parce qu'avec des petits modes, maintenant, c'est très facile. Mais, yes. Voilà. Autre précision, je suis un gros fan de Skyrim, je pense que c'est l'un des jeux qui m'a apporté le plus de bonheur avec Zelda Breath of the Wild. Moi pas. Voilà, mais on en a rien à foutre de ton avis. Ça, c'est dit. Y'a pas un jingle pour ça ? Non, pas encore. Il y avait le pipi. Mais on va pas y passer 4 heures. Donc en avançant, je vais surtout dire pourquoi c'est bien, pourquoi ça mérite toutes les notes et que autant de gens y jouent. La narration. En fait, dans ce jeu, tout est basé sur la narration. Ce qui est top, vu que ça vient d'une série de romans, et que du coup, ça tire une force gigantesque. C'est-à-dire, tous les personnages que vous allez rencontrer, on les a entendus, même s'ils ne sont pas présents dans les romans, on sait qu'ils existent via les romans. C'est-à-dire que derrière, il y a une base de 9 romans qui présentent le monde, qui présentent les coutumes, qui présentent l'ambiance, qui présentent la magie, comment l'univers fonctionne, en fait. La géographie, tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est très malin, d'ailleurs, je vais juste faire une petite coupure, d'avoir séparé en zones, parce que ça permet d'avoir une logique dans la géographie des lieux, et donc de ne pas switcher d'une zone totalement différente. Contrairement à Zelda Breath of the Wild, effectivement, où tu vois en fait qu'il y a même plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs développeurs qui ont bossé sur chaque partie parce que t'as une pierre qui est orange et puis hop derrière tu passes à juste un pas plus loin, t'as une pierre qui est marron quoi. Les transitions de Breath of the Wild elles sont globalement bien faites. Globalement, sauf dans les montagnes. Après, on rentre dans le bref. Non, mais ça reste intéressant ce que tu vas dire, Jackie. Sinon, je te Il y a Bender qui kiffe beaucoup le jeu a priori parce que les tout petits cœurs là dans le chat, il a l'air de bien kiffer. Bender. Ah ouais, ils sont toutes les couleurs. Bonsoir en plus. Bender. Bonsoir. Ah là là, je suis content d'avoir été coupé pour ça. Bien. Ok, d'accord. On n'a pas. Oui, un jingle ce soir je suis en mode enculé. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Il n'y a pas de jingle pour te faire passer pour un connard. Non, mais ça j'y arrive très bien tout seul, non ? Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas. Allez, bon, je continue. La narration, donc, le jeu se base en effet sur une grosse base comme ça, et même à l'intérieur, la façon de jouer va être hyper narrative. Je vais pas y passer 4 heures, je vais essayer surtout de pas vous spoiler. Il y a un scénario qui est hyper développé, le jeu est très très long. J'ai joué 10 heures, j'ai à peine terminé l'intro. Et j'ai en gros vite fait démarré le premier chapitre. Alors, j'ai un souci, je me balade beaucoup. Mais là, globalement, vous mettez dans un monde ouvert, c'est moi et l'histoire principale, ça fait 2. Ouais. Voilà. Mais surtout, ce qui est absolument génial, et ça m'a fait percuter, j'y avais réfléchi un peu avant, mais le média jeu vidéo a vraiment une manière de narrer qui est très particulière, qu'on voit pas assez souvent et qui est pourtant fantastique. C'est récupérer, en fait, ce qu'on peut pas faire avec d'autres médias. Je vais faire un exemple que je vais troncher, mais vous avez très bien... Tu vas troncher ? Oui, c'était pas du tout le moment. Ah bah tronché. Voilà. Ah, on est bien, on est bien, on est bien. Dans la zone de base, il y a environ une petite dizaine de quêtes. Et à chaque fois, on va récupérer une petite information sur ce qui s'est passé il y a 2, 3, 4 ans dans cette zone. Chaque information toute seule n'est pas folichonne, elle s'écoute. C'est oui, d'accord, c'est intéressant. Puis à un moment donné, on dit « Ah oui, tiens, c'est vrai, bon, c'était peut-être machin et tout. » Enfin, une autre information qu'on va recouper. Et à un moment donné, ça m'a fait ça. C'est-à-dire que j'ai fait les quêtes dans un ordre. Hein. Ouais. C'était mon ordre et tout, donc je ne pense pas que ça soit qu'il y ait un ordre parfaitement établi. Mais en tout cas, pour moi, ça a très bien marché. À un moment donné, j'ai fini ma dernière quête dans cette zone-là. C'était une femme qui parlait, et elle a balancé un truc. Comme ça, pareil, sur une phrase, sur l'ancien truc. Et ça a fait tilt, j'étais là, oh d'accord. Ouais, tout se recoupe, quoi. Ah d'accord. Tu fais ton puzzle de ta zone, de l'histoire. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial en termes de narration. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes acteurs de cette narration. L'histoire principale est très cool, hein, y a aucun souci. D'ailleurs, petite parenthèse, le gros problème pour moi de ce que j'avais vu dans le 1 et le 2, c'est que ça reste des jeux qui ont été faits il y a quelques années. Et pour vous donner un exemple, dans le 2, notre coéquipière, qui est censée être l'une des meilleures magiciennes, se fait quand même enlever 3 fois, et il faut aller la sauver 3 fois. C'est parce que c'est une magicienne et pas un magicien. Exactement, on est exactement là-dedans. Alors que toute l'intrigue du 3, en fait, je blague, hein, bien sûr. C'est Gérald, donc le héros. Le pire, c'est qu'il assez, ne blague pas. Assez badass. vous pouvez le voir, pour ceux qui regardent le chat, voilà, c'est... comment dire. Un grudu. Voilà, un grudu, exactement. Bref, tout le jeu, c'est Gérald qui est à la recherche, à la poursuite d'une femme. Je n'en dirai pas plus. Sauf que la femme, après, il court, en fait, c'est un peu pour la sauver, mais c'est surtout pour la retrouver. Parce qu'a priori, elle se débrouille très très bien. Et tout est fait pour nous dire que oui, elle est passée dans cette zone. Elle a fait son petit frichti et après, elle est partie dans l'autre zone. Et c'est un peu toi, en tant qu'héros, qui est là, genre, putain, bon, ok, bah j'y retourne. Et... en fait, a priori, elle s'en sort très bien. Quoi. C'est juste à toi qu'il faut que tu la retrouves pour la prévenir d'un problème et tout. Et tout. Je ne vais pas en dire plus sur l'histoire. Et en plus, le gros truc malin, par contre, là, je spoil, mais c'est qu'on peut jouer à des moments clés l'autre personnage. Ok. Voilà, donc la narration, de ce point de vue-là, excellent. Tout est fait en plus... La rubrique, ça s'appelait comment déjà ? Ça s'appelle... Ah, oui, ah bah c'est dommage, ça s'appelle là en fait, je finis ce qui est bien. Ah ok, voilà. D'accord. Parce que du coup, je suis en train de me dire, c'est un kiff du moment, non ? C'est mortel, ouais. Ouais. Ah non, mais j'ai passé des bons trucs, mais j'y reviendrai après. Et donc, ensuite, l'autre système de narration, c'est beaucoup, beaucoup d'enquêtes. C'est-à-dire qu'on arrive sur une zone, il y a un problème, il faut qu'on résolve, on va utiliser nos sens extra-développés, diverses potions, pour récupérer divers indices, et on va, au bout d'un moment, réussir à arriver donc, au bout du truc. L'histoire principale est comme ça, et chaque quête, en fait, ce sont des quêtes souvent de monstres, c'est-à-dire qu'il y a une zone, il y a un problème, il faut qu'on y aille. Et le monstre est très fort, en général. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on enquête sur lui pour voir éventuellement à quoi il est faible, comment essayer de le piéger, pourquoi il est là, ce genre de choses. Et il y a un vrai retour dans le jeu, c'est-à-dire qu'on a diverses potions et tout et tout. Ça a l'air trop bien, hein ? Ça a l'air trop bien. Voilà, parce que tout ce que je viens de dire, en fait, c'est la théorie. D'accord. En pratique, alors... Ah non, parce que tu as dit aussi que tu avais vécu un moment trop bien où tu avais recoupé des pièces de puzzle, trop tout bien. Ça. Ce moment-là, excellent. Ouais, ok. Mais j'y reviendrai. D'accord. Très vite, parce, okay. Parce que c'est presque fini. Ouais. Pourquoi ce n'est pas parfait ? Mais pourquoi, Parce qu'à côté, c'est vraiment pas foufou. Oh là, oh là, attends, tu as plein, tout un tas de gens là qui vont te tomber dessus, là, tous les fans de The Witcher et même tous oui. les et fans ils ont de raison, jeux vidéo. Ils ont raison. Non, non, en vrai, je le redis, c'est un excellent jeu. C'est juste que moi, on me l'avait vendu comme l'héritier de Skyrim qui enterrait oui, on me l'a vendu comme tout ça aussi. Dans le genre. Ouais, ouais. Bah, je suis désolé, mais dans le terme de gameplay, je m'amuse 1000 fois plus Dans Skyrim et dans Breath of the Wild parce qu'il y a un gameplay qui est extraordinaire. Dans ces deux jeux que tu viens dans de citer. Dans les deux, ouais. En effet. Et je dirais plus parce que dans... The Witcher, ça avait l'air fun aussi. Enfin, quand je voyais des gens jouer, t'avais un système de galipette, des trucs. Enfin, tu vois, des trucs. Je pense que c'est très fun dans les derniers niveaux. Quand tu commences à être vraiment très fort, que t'affrontes des monstres qui sont hyper costauds. Ouais. Tu peux enchaîner des combos, des mouvements, des trucs comme ça. Ouais. Là, j'ai joué quand même 10 heures. Alors, certains me diront, oui, mais c'est parce que t'as traîné, c'est parce que t'es encore qu'au début du jeu. Ouais, enfin, j'ai quand même joué 10 heures. C'est trop narratif, en fait, peut-être aussi, à un moment donné. C'est exactement ce à quoi j'arrive. Ouais. C'est que c'est beaucoup trop narratif et que ça crée, en fait, très vite une dissonance. Mmh. En fait, dans les moments de narration, quand je parlais à des gens, quand j'explorais, quand j'enquêtais, je prenais mon pied. Tout le reste, le voyage, le combat et tout ça, Bah globalement, je m'ennuie un peu. Ouais. Et je suis gentil quand je disais je m'ennuie. Parce que pour le coup, moi, je joue très peu à des mondes ouverts. Le seul que j'ai fait, on va dire, c'est Skyrim. Enfin, moi, ça me botte pas des masses, tout non, ça. Non, mais bien sûr, je peux. Zelda Breath of the Wild, j'y suis allé à fond parce que j'adore l'univers, j'adore je le connais aussi et tout ça, machin. Bon, après, voilà, quand tu te balades, c'est quoi? C'est qu'il se passe vraiment rien dans The Witcher? Ou parce que la balade, exactement, ça reste de la balade, on va dire, quoi. Tu regardes les paysages. Y a un énorme, voilà. Et bah, le paysage. Dans Skyrim, dans Breath of the Wild, les paysages sont magnifiques. Ah oui, dans les deux. Ouais. Alors, évidemment, Skyrim a un petit peu vieilli. Le jeu a quasiment 7 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais alors, j'y ai joué sur Switch, et même si c'est pas mon style, j'ai dû y jouer une 5 heures environ. Beau. Et c'est juste que même si graphiquement c'est pas ouf, enfin, c'est assez. Enfin, c'est suffisamment bien fait pour que ça t'attire l'œil, même si c'est pas hyper réaliste, c'est hyper exactement voilà. Ça. Et c'est il y a un aspect très très fun à regarder dans certains endroits. Ouais. Je trouve ça évidemment très fort dans Breath of the Wild parce que là c'est sublimissime, ouais, l'effet et tout. Mais pour moi dans Skyrim ça marche tout autant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment. Ce qui est d'autant plus admirable que ça commence vraiment à vieillir quoi, même graphiquement. Enfin voilà. Et tout le temps on s'étonne parfois de se retrouver à regarder les paysages. Maintenant dans énormément de supports quand même il est possible. On pourrait venir un jour sur le pourquoi la Switch n'a pas mis les modes. Je ne comprends pas pourquoi. Alors que la version PS4, la version Xbox One, la version PC, les trois ont accès aux modes et donc aux modes graphiques. Est-ce que c'est pas juste maintenant, mais que ça va se débloquer plus tard aussi? Ça me semblerait étrange. Peut-être qu'ils font des tests, je sais pas, bref. Non, je pense que c'est surtout parce que la console n'est pas forcément capable de les supporter, j'imagine. Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Mais du coup, tu mets pas le jeu à 50 euros. sachant qu'il doit. Tu peux le retrouver à moins de 10 euros sur PC. Ouais, mais tu peux y jouer dans le bus. C'est ça. Bref, on s'en fiche. Mais voilà, ça c'est très important. C'est-à-dire que dans ces deux jeux-là, le décor t'invite au voyage. Tu vas balader, tu vas voir un truc, tu vas dire, tiens, c'est quoi ça, je vais aller le voir. Et là, tu vas tomber sur une nouvelle zone magnifique, un paysage magnifique, tu vas dire, oh là là, il y a un temple là-bas, je vais noter. Bah, The Witcher, c'est beau la Bretagne. Ah oui, vu que c'est. Ah bah oui, c'est un univers cohérent. Bah oui. Du coup, c'est qu'un seul paysage. Ah bah, en fait, c'est des collines, des petites rivières et des arbres. Alors, en vrai. C'est moi, quand je me balade en Brocéliande, je surkiffe. Hein. Y a pas de souci. Mais tu le fais en vrai. Mais je le fais en vrai. J'ai les odeurs, j'ai les bruits, j'ai les sons, j'ai le soleil sur ma peau. Enfin, ça n'a rien à voir. Là, bon, bah, globalement, t'es là, oui, bah, ok, c'est des arbres, quoi. Et on n'est même pas dans un truc un peu glauque à la Dark Souls, par exemple, où, bah, c'est pas beau. C'est hyper sombre, c'est hyper gothique, mais par contre, l'ambiance est là de fou, tu te sens oppressé, etc. Non, là, bon, c'est des arbres, quoi. Bah, ok, génial. Ouais, je m'éclate, ouais. Ah, c'est beau, j'ai envie d'aller là-bas. J'ai envie d'aller dans ce coin de terre complètement pérave. J'ai pas envie d'aller. J'ai envie d'aller parce que je sais que je vais rencontrer des personnages complètement pétés du cul avec des chicots dans tous les sens qui vont me parler comme si j'étais la dernière des merdes et que je vais pouvoir dégommer à coups de hache derrière. Ça, j'ai envie d'aller. Mais là, on retourne dans une expérience narrative. Parce qu'en plus, tu peux les manipuler mentalement et ça, c'est trop bien. Mais voilà. Ah. Justement, t'as pas un niveau caché où t'es bûcheron ou... Tu non. peux avoir une tronçonneuse. Bah alors, sur PC, via un mod, peut-être. C'est possible. Mais voilà, en fait, vraiment, c'est la première fois que j'ai ressenti cet effet de dissonance ludonarrative. Voilà, tu utilises trois mots hyper compliqués, là. Magnifique. Non, mais en gros... tu l'as dit, là, j'ai bandé, hein, direct. La narration est d'enfer, le gameplay... Bah, alors, c'est possible, encore une fois, c'est possible qu'après, ce soit le cas. Mais au bout de 10 heures, j'estime que je devrais commencer à m'amuser dans le gameplay. Ce n'est pas le cas. Et donc, c'est à cause parce que je n'ai jamais envie d'explorer. C'est-à-dire que moi, là, je me balade dans le monde pour aller de zone en zone et c'est tout. Il n'y a aucun moment j'ai envie de m'arrêter pour regarder et me dire « Ah là là, c'est beau !» Oui, bah non, c'est de la rivière, hein, avec des graviers. Oui, tu veux dire quelque chose? J'ai demandé au public ce qu'ils pensaient du décor pour ceux qui avaient joué à The Witcher. Et il y a Plop Bruni qui dit « Perso, j'ai bien aimé l'esthétique, mais après, c'est cohérent avec le jeu. On est dans un contexte de guerre et Geralt déteste le décor lui-même. Il le répète tout au long du jeu. Est-ce que c'est vrai tout ça ?» C'est vrai, tout à fait. T'as bien raison. Le problème, c'est que nous, on est joueurs et qu'on doit se balader de là-dedans. En fait, autant dans le 1 et dans le 2, c'est pas spécialement un monde ouvert. On est quand même sur des espèces de petits couloirs, donc on va assez vite. Là, c'est pas le cas. Là, pour faire les quêtes, il faut te balader, il faut aller d'endroit en endroit. C'est-à-dire, c'est un monde ouvert. Même si ce sont des zones, les zones sont quand même très très très larges. La deuxième zone auquel j'ai accédé, elle est immense. Je mets beaucoup beaucoup de temps à le dire. Je dis peut-être une bêtise, mais à mon avis, elle est au moins aussi immense que le DLC Dragonborn de Skyrim, pour ceux que ça voit. En gros, c'est une île gigantesque qui est qui a rajouté en plus. Donc juste la zone 2 est aussi grande que ça. Et il faut te balader, il n'y a pas le choix. Sauf qu'à aucun moment, j'ai envie d'explorer. Je vais de zone en zone. Je mets mon marqueur et j'y vais. Eh bah, c'est pas très très rigolo. Hein. Mais peut-être aussi parce que, alors après, j'ai pas joué, hein, vas-y. Je pose une question dans l'aspect théorique du truc. Peut-être aussi tout simplement parce que ce n'est pas un jeu d'exploration. Mais dans ce cas, tu fais pas un monde ouvert. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est, en fait, pas un jeu vaste. Je parle vraiment de mon sentiment à de titre dissonance. Personnel, ça fait 10 ans que j'attends un jeu avec un monde ouvert où il n'y a pas d'exploration. Mais du coup, peut-être que ça, c'est le jeu que j'attends. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Ah oui, ouais, tu vas avoir des jeux. Bah non, un vrai monde ouvert, et en fait, on s'en fout qu'il soit ouvert, c'est cadré quoi. Mais ça m'intéresserait de voir comment ça peut rendre. En fait, d'accord. Juste, du coup, ce serait un parti pris différent. Après, voilà, faut pas oublier que, a priori, l'histoire, juste l'histoire, t'en as quand même pour 40 heures, et que tu triples le temps juste avec les quêtes secondaires, à un moment donné. Alors, t'as peut-être une manière de jouer qui est très différente de 99% de la population mondiale, hein, mais je pense qu'à un moment donné, tu vas te faire chier. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je dis là, avec tout ce que tu racontes, je trouve ça aussi bandant qu'une partie de Colon de Catan. Hein. Alors, les colons de Catan, moi qui n'ai jamais... Donc c'est un jeu de société, c'est ça ouais, c'est un jeu de société où enfin, tu t'emmerdes quand même royalement parce que c'est ça. Enfin, oui, tu montes des barrières, des choses comme ça, et puis, c'est le hasard. Tour pendant très longtemps. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, mais j'ai l'impression que c'est une référence. Par contre, ça m'a jamais donné envie. Quoi. C'est une référence pour... parce que, encore une fois, le cœur du jeu est ailleurs. C'est pas un jeu de développement, c'est pas un jeu de gestion, c'est un jeu de négociation. Si t'aimes pas la négociation, tu t'emmerdes royalement pendant 2 heures. Si t'aimes ça, je pense que tu peux passer un bon moment. Après... c'est vieux, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est un vieux jeu, là. Ouais. On parle des colons de Catan, on digresse complètement, on va faire la, la parenthèse dans 30 secondes. Maintenant. Effet, ouais. D'ailleurs, je pense que... Sauf que The Witcher 3, c'est pas un vieux jeu. Il a 2 ans. À un moment donné, des méthodes de, comment dire, de gestion de gameplay et de narration, il y en a eu des tonnes et des tonnes. Et en plus, c'est drôle parce que j'ai eu 2 jeux pour s'entraîner comment dire, avant. Et bah là, ouais, c'est chaud. C'est drôle parce que j'ai eu que des échos comme quoi, justement, c'était probablement le premier monde ouvert à vraiment amener une construction, alors non pas forcément narrative, mais scénaristique, à beaucoup de quêtes annexes et où du coup, t'avais vraiment l'impression d'évoluer dans un monde ouvert très riche avec des personnages variés et des histoires très différentes. J'ai l'impression que c'est la narration. Ouais, mais du coup. Et ce qui, toi, t'as pas plu, c'est l'exploration, mais du coup, si un joueur trouve son pied juste à suivre ces histoires-là, est-ce que c'est pas suffisant? Ouais, mais c'est ce qu'il fait lui, en fait. Si, mais du coup, mais est-ce que tu s'emmerdes 10 sur 10? Ah oui, après ça, c'est autre chose. Bah, ah, mais c'est le cœur de mon, c'est le cœur de ma, ah, oui, de mon truc. C'est que tout le monde le présente comme le nouveau Skyrim et tout ça. Au final, le Skyrim a quand même 7 ans. Avait déjà un semblant de narration où c'était ta narration à faire, enfin, je veux dire, c'est le cas, t'as des quêtes dans tous les sens, t'as je crois plus de 1000 livres à lire, c'est toi avec ta lecture du jeu qui apporte ta propre narration. Alors moi après j'adore cette narration, je la trouve beaucoup beaucoup plus exigeante qu'une narration historique qui est un peu bateau au final, j'adore ce système là mais bon. Je trouve ça quand même relativement simple. On joue tous au même jeu à ce rythme-là. Alors que Skyrim, Breath of the Wild, on ne joue pas au même jeu. Même si on va passer en effet par des moments d'histoire équivalents. Là, The Witcher, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs fins possibles. Mais globalement, je pense qu'on va tous jouer au même jeu. Et j'ai eu des échos totalement différents, justement. Oui. C'est possible. Il faudrait que ces gens-là viennent en parler autour du mais, mais voilà, après, moi, je te dis c'est ce qui en est. Bah. De mon point de vue. Moi, de ce que j'ai entendu du truc, c'est que ça donne peut-être pas envie d'explorer face au décor, mais il y a quand même des choses à découvrir, des informations, des petits endroits à découvrir dans la map qui ne sont hors des quêtes, qui sont hors des histoires et tout ça. Oui, en effet. Donc tu dois explorer pour ça, mais je trouve pas ça amusant en fait. Je trouve pas ça amusant. Je trouve que alors encore une fois, je suis qu'à 10 heures, donc pour l'instant, les ennemis que j'affronte, c'est des brigands, des loups. Et le truc le plus excitant que j'ai eu, c'est un grizzly. Alors, il était top, hein. C'était un super grizzly et j'ai adoré le combattre. Mais. Ouais, voilà. En fait, vraiment, ce qui m'intéresserait, c'est que dans 20-30 heures, je suis d'accord. 10-20 heures plutôt, tu reviennes nous en parler. Ce serait vraiment marrant de faire un comparatif. Et, c'est possible. Et après, aussi bien, ce sera pareil. Après, et... je pense que la vie est quand même valable dans le sens où, encore une fois, 10 heures, quoi, les enfants. Quoi. La, 10 vie heures. Est, la vie est valable. Il n'y a que la vie qui importe. Voilà. Seule la vie est importante. C'est ce que le cinquième élément m'a appris. Ça m'a juste le point donc. Je veux attends dire, parce que j'ai fait une blague. Perds totalement. Ah ouais. Vas-y. C'était la blague. Voilà, merci. Oh, ah, c'était très long, c'était inutile. C'était excusez-moi, chiant, c'était ouais. Pardon. Pour conclure. T'es content. Je suis hyper content. C'est un excellent jeu. J'invite les gens à dire. Je trouve qu'il n'est pas aussi parfait qu'on l'a annoncé. Je trouve ça dommage parce que c'est comme ça qu'on l'avait vendu et que j'étais super joyeux à l'idée de le faire et que là. Bah, en gros, juste, enfin, je vais conclure. Skyrim, je l'ai refait récemment. J'étais prêt à me lever la nuit pour y jouer 2 heures. Zelda Breath of the Wild, à n'importe quel moment, je l'allume, je suis reparti. Là, parfois, j'ai rien à faire. Je dis, est-ce que je le lance? Non, je vais plutôt les bouquiner. C'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis, vous voyez? Parfait, merci. Parfait. Merci. Allez. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis. Eh ben exact. Oui, on a bien c'est compris. C'est ça que je dis. Ouais. C'est ça que je dis. D'accord. C'est plus ça que je dis. Très bien. Eh ben c'est formidable. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Et eh ben beaucoup trop dès la deuxième fois que nous dit Jackie. Et d'ailleurs, bah, c'était la voilà. Oh bah ça c'est dommage. Voilà, ça c'était ton avis sur Parfait. The Witcher 3, absolument. Il est top ce jungle. Bravo, c'est Glitchbrain encore ou c'est toi? Ça c'est moi, ça j'ai dû le faire. Ah bah, c'est bien, bravo. C'est hyper à l'arrache. Merci beaucoup Armel. Parfait. Et eh ben. Et sans transition aucune, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un peu parler notre invité là? Si, je pense. Hein, est-ce que vous avez une idée sur le chat de ce que fait ce monsieur, ce grand homme que nous avons autour de cette table? À part de sales blagues, bien sûr. Mais... Et manger. T'as vu les nôtres? Manger toute l'artiche. Mais en attendant de donner votre avis, nous allons lancer hein, typiquement la rubrique de l'invité, bien sûr. Aïe! C'est l'heure de l'invité. Voilà, ça c'est Glitchbrain au niveau du jingle. Mon dieu. Tu es fou Glitchbrain, je t'aime. C'est dur d'enchaîner après ça. Hein. Très bien. bordel. Alors. Alors voilà, il y en a qui ont trouvé qui était l'invité sur le chat. Mais en fait, du coup, si personne n'a d'idée, on va peut-être balancer le nom. Et on va dire qui c'est qui fait quoi. N'est-ce pas? Je le présente. Ouais, ou alors il peut se présenter tout seul, ça dépend comment il est plus à l'aise. Non, en fait. Je préfère qu'Armel me écoute, présente. Écoute, t'introduise. Alors j'irai pas jusque là, mais il peut quand même essayer. Très bien. Magnifique blanc. Oui, bah non mais là, on va vous laisser tous les deux. On essaye d'être drôle comme on peut. Hein. En fait, je te propose juste de dire les deux premiers. Cette blague était vraiment marrante. J'ai l'impression qu'on n'est plus du tout cadré sur le lancement des jingles par rapport aux épisodes précédents. J'ai plus de réflexes. On y arrivait hein, avant, mais là, je sais pas, là il y a un truc. Je propose de te lire les deux premières lignes de ta fiche Wikipédia. Ah, parce que monsieur est suffisamment important pour avoir une fiche Wikipédia. Eh bah oui. Eh bah ça c'est classe. Jésus. Alors, je vais juste pas dire, comment dire, ton pseudonyme, ton nom, pour voir si les gens arrivent à trouver avec ce que je vais dire. D'accord. Alors. Et donc, je vais t'appeler Michel pour que les gens comprennent. Voilà, Michel. Michel, né le 13 avril 1976 à Guingamp, est un écrivain français de science-fiction et de fantasy. Il est l'auteur d'une vingtaine de nouvelles parues en revue et anthologie et d'une dizaine de romans. Il est également éditeur depuis 2010. C'est un sacré CV. T'as vu voilà. Ça, ouais. Ça t'a plu? Ouais, ils se sont trompés, mais... C'est vrai. Ah, bah vas-y. C'est Wikipédia, donc c'est normal. Il me semble... ils sont juste pas à jour. La vingtaine de nouvelles, c'est plutôt 60, quand même. Ah oui, ils sont pas très très à jour, non, effectivement. La liste, après, est beaucoup beaucoup plus fournie. Je pense que c'est la personne qui a eu la flemme de corriger son intro. Mais sinon, pour le reste, c'est à peu près correct. Ce qui serait super drôle, c'est que la personne concernée directement corrige sa fiche Wikipédia et tu sais qu'il te demande les sources. Moi. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, du coup, nous avons là un artiste, n'est-ce pas? Tout à fait. Un grand artiste. Un auteur, quelqu'un qui crée. Quelqu'un qui crée. Alors, qui crée au tableau. Excellent. C'était la blague. Est-ce que tu peux donner peut-être des noms de romans? Je sais pas si tu avais prévu quelque chose. J'ai écrit ou Vas-y. Est-ce que tu veux qu'on parle d'une des raisons pour lesquelles tu es là, je dirais, dans cette date? C'est parce que tu as une actualité. Donc effectivement, j'ai une actualité. J'ai un roman qui est sorti la semaine dernière. Donc bon, il y en a comme des tonnes. Il y en a des tonnes qui sortent la semaine dernière. Voilà. Et qui s'appelle donc. Et qui s'appelle Des sorciers et des hommes. Très bien. Voilà. Et donc là, on a ton nom qui s'affiche. Donc tu es Thomas Géa. Donc voilà. Géa. Oh Géa. Géa. Très bien. Ouais, très bien. Très bien. Et de quoi ça parle-t-il? Donc là, j'imagine que ça ne parle pas de science-fiction, du coup. plus de la fantasy, je dirais. Oui, on est en pleine fantasy, alors de ce qu'on appelle la Sword and Sorcery, dont est héritière justement la fantasy de Sapkowski, qui a écrit justement le Sorceleur. D'accord. Le Sorceleur lui-même s'est inspiré de gens comme Michael Moorcock, qui lui a écrit Elric, le nécromancien. Donc, vous voyez, c'est un personnage. Il y a un jeu de rôle. Albinos, voilà, exactement. Un jeu de rôle. C'est un personnage de guerrier albinos avec son épée Stormbringer. Bon, Pour les plus pressés, on peut aller chercher la. C'est un peu l'archétype. C'est l'archétype de l'elfe noir, en fait. Exactement, ouais. Et Moorcock appelle ça, lui, ses histoires de champion éternel, en fait, quoi. Il en a écrit plusieurs reçus. En toute simplicité. Et donc Moorcock lui-même s'était passablement inspiré de la fantaisie de deux auteurs en particulier, c'est-à-dire de Robert Howard, donc l'auteur et le papa de Conan le Barbare. Je voulais pas dire Cimérien, une connerie, mais ouais, ok. Le Cimérien, d'ailleurs, pas le Barbare. Le Barbare, c'est la version traduction du film avec Schwarzenegger. Et Fritz Leiber, lui, qui est l'inventeur même du mot Sword and Sorcery, avec Moorcock, et qui a écrit un cycle majeur dont se rapproche le plus d'ailleurs justement mon propre roman des sorciers des hommes, qui s'appelle le cycle des épées, et qui met en scène deux méchants, on va dire, une sorte de barbare qui s'appelle Fafford, et un magicien, un sorcier qui s'appelle le souricier gris. Les héros de ton histoire, c'est des méchants. Non, là les deux personnages que tu parles, c'est les deux personnages de Fritz Leiber. Ce sont des anti-héros, en fait. Ouais, des anti-héros, excellent. Et les miens, effectivement, je les ai un peu calqués sur ce côté très anti-héros. Empire, j'allais dire, puisque bon, dans le mien, je crois qu'il n'y a aucune rédemption possible pour aucun de mes personnages. C'est vraiment des connards. Voilà. C'est bon, ça. C'est bon. Ah, je voulais faire une vraie fantaisie à méchants. Et puis, d'un autre côté, en face, ils sont pas mieux, en fait. Non. Bon, c'est comme ou dans la vraie vie, en fait. Ou alors ils sont bêtes. C'est, et du coup, c'est pas grave. Non, ils sont pas mieux. Ce qui anime vraiment tous mes personnages, dans la deuxième partie du roman, en tout cas, c'est l'esprit de vengeance. Parce que, en fait, ces deux personnages qui sont les miens au départ, qui sont justement un sorcier et un guerrier. Donc quelques ambitions notables dans la vie, c'est-à-dire voler, piller, tuer, violer, etc. Bonne chose de la vie, quoi. Voilà, exactement. Dans le but, n'importe quel ordre. Évidemment, dans n'importe quel ordre, c'est même important. S'enrichir, au final, c'est vraiment le but ultime de ces gens-là. La seule chose qu'ils ne voient pas au fur et à mesure de leurs aventures, c'est qu'ils laissent après eux des stigmates chez les gens. Alors bon, parfois ils sont morts, donc c'est pire que des stigmates, ils sont morts. Mais il y a quand même des gens qui survivent et qui sont pas très contents d'avoir croisé leur route, on va dire. Mm-hmm. Et ce qui fait que justement, c'est pour ça que j'ai opté pour ce roman-là, pour une structure à épisodes. C'est-à-dire que ça fonctionne comme une série télé, ou en tout cas une saison de série télé. On a plusieurs épisodes, et puis à la fin, chaque chapitre est une histoire en tant que telle, un début, une fin, puis un fil rouge, quoi. Tout à fait, il y a un fil rouge, en fait. Dans chaque histoire, je dissémine des petits indices, des petits événements. En fait, ce sont ces petits indices et ces petits événements qui font les grands événements ensuite dans le récit, et notamment dans cette deuxième partie, dans ce gros final, en fait, qui prend la moitié du bouquin, où on retrouve, en fait, des personnages qui ne sont pas mon personnage de guerrier et mon personnage de sorcier. Voilà. Et ce sont des personnages, par contre, qu'on a déjà rencontrés. C'est une série ou c'est un tome unique, une histoire unique, on va dire, qui suffit à lui-même, là, on est dans c'est un roman qui suffit à lui-même. Il n'est pas numéroté. Non. D'accord. Après, oui, voilà, peut-être qu'il y aura des suites un jour. Je sais pas, achetez-le, on va voir. Bonne réponse. Ok, non, c'est cool, c'est intéressant. Sans rien spoiler, moi j'étais vraiment surpris de la fin. C'est-à-dire que les deux sont parfaitement possibles. Ah oui. C'est potentiellement, se passer quelque chose qui fait que. Ah oui, il peut y avoir une suite comme il peut ne pas y en avoir. C'est ça. Okay, c'est ça, c'est... Mais ça reste une vraie fin. Ouais, je les mets dans une situation qui est une situation de fin, dans et tous donc, les sens du terme. Il y a combien d'épisodes du coup stand-alone, on va dire, donc, le bouquin C'est bien, c'est une bonne question. Il y en a 5. Alors, il y a 5 épisodes qui sont numérotés. Ça, c'est la première partie, 5 dans la première partie. Voilà. Et après, il y a la deuxième partie qui raccommode un peu tout ça. Deuxième partie qui est l'épisode final, qui s'appelle Impitoyable, au pluriel. Alors, ça recouvre plein de choses, ce mot-là, autant dans un camp que dans l'autre. Donc, D'accord. Voilà. Excellent. Excellent. Et tu avais sorti, si je ne dis pas de bêtises, les deux premiers dans une anthologie, c'est ça ? Ah oui, les deux premiers épisodes ont été pré-publiés dans une anthologie qui s'appelle Dirmea, qui était l'anthologie officielle d'un salon qui s'appelle le Salon Fantastique. Et c'est une anthologie qui avait été publiée par les éditions Elenia. Voilà. On peut donc encore trouver d'ailleurs cette anthologie sur leur site internet, ou sur des salons, quand ils vont sur des salons aussi. Voilà. Mais alors, les textes ont été légèrement retravaillés. D'accord. Jusqu'à la version finale. Ok. Très bien. Avant de partir dans le vif du sujet que Armel a préparé, histoire de te connaître un peu mieux, n'est-ce pas ? Tu écris depuis longtemps tu es publié depuis longtemps en tant qu'écrivain ? Je suis publié depuis longtemps, ça va faire de moi un vieux dinosaure. Ben, oui. De toute façon, il n'y a pas de jeune dinosaure, hein, à part Denver. C'est pas faux. C'était la blague. Elle est pour toi, celle-là. Merci, j'ai mérité. C'était bien. Et donc, ouais, je crois que le premier texte que j'ai publié, ça devait être en 1994, je crois, ou 93. Effectivement. Tu avais donc 4 ans. J'avais, hélas, à peu près 17 ans. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Encore mineur. Donc. J'étais encore mineur, tout à fait, ouais, voilà. Oui. Et puis c'était une nouvelle de mineur, d'ailleurs, hein, puisque c'était une nouvelle qui mettait en scène un amour d'adolescent et qui était contraint, à dire, et du coup, il y avait un suicide à la fin, tout c'était... Chouette, c'est joyeux. Donc ouais, rien à voir avec l'adolescence, quoi. Rien à voir avec le chapeau. Alors, le charbon mineur, oh là là. C'était la blague. Du coup, j'ai oublié la chose intéressante que je voulais demander, tu vois. C'était fait pour. Ah, les mauvaises blagues font toujours oublier les bonnes histoires. C'est ça, ouais, absolument. C'était pour demander. Je ne sais plus. Non, j'ai oublié. Eh bien, écoute, je te propose de réfléchir à ça. Et quand j'enchaîne sur l'espèce de pseudo-sujet que je vous ai plus ou moins préparé avec le postérieur. Ça vous va ? Ça vous va ? Oui, ça me va. Très bien. Vas-y, chaud. Voilà, très bien. Quel est le sujet ? Ah oui. Attention. Ah oui, il y a de la musique qui arrive ? Je sens. Hein. Je sais pas. Non, je crois pas, non. D'accord, très bien. Non, c'est pour mon kiff. Ah. Oh là là, Vianney, il nous fait dire n'importe quoi là. C'est... Oui, okay. Donc en fait, ce soir, on t'a invité, Thomas, pour parler de l'humain à travers la SF et la fantasy. Mais donc, avant ça, je vais vous rappeler rapidement les définitions globales du genre. Donc la science-fiction, c'est un genre littéraire ou cinématographique principalement, qui consiste à raconter des histoires basées sur les progrès scientifiques. La fantasy, quant à elle, est un genre littéraire ou cinématographique principalement, qui consiste à raconter des histoires avec des éléments de surnaturel et mythologique. Est-ce que c'est chiant ? Oui, c'est chiant. Voilà, très bien. Mais maintenant, que me direz-vous ? Ah ben oui, mais la fantasy, la SF dans notre culture, nanana, comment que ça se passe ? Eh bien déjà, on peut dire que chaque région, chaque culture a quand même une base mythologique. On pense aux Grecs, on pense aux Indiens, on pense aux Japonais, bref à tout le monde. Des légendes, il y en a dans tous les sens, qui sont souvent basées sur des créatures extraordinaires, des dieux, des sorciers, des personnes avec des pouvoirs, qui dépassent tout. Des contes, il y en a également a priori dans chaque culture. Aujourd'hui, les films qui font le plus d'entrées, ce sont principalement des films avec des codes liés à la science-fiction, la fantasy, on pense aux super héros avec beaucoup de pouvoirs qui se rapprochent énormément de la mythologie. Enfin, du moins qui ont des codes lus. Pour tout ce qui est jeux vidéo, on parlait de The Witcher qui est un carton absolu, mais Skyrim et Breath of the Wild sont aussi de très très grosses ventes. Et on a également tellement de romans de SF, de fantasy qui fonctionnent que voilà. Petit rajout aussi. Les plus grands chefs-d'œuvre cinématographiques sont a priori, selon plusieurs sites, l'espèce de liste plus ou moins qui fait à peu près une centaine de films, qui est repris un peu partout, qui est évidemment hyper subjectif, mais n'empêche que près de la moitié des films sont des œuvres dites de genre, avec également de l'animation japonaise et tout. Style Voyage de Chihiro, donc encore une fois, fantastique. Ils sont la base des histoires qu'on raconte à nos enfants, on leur raconte des histoires à base d'ogres, à base de créatures, de sorcières et tout ça. Bref, ces deux genres-là sont partout, omniprésents, et pourtant, en France, c'est toujours considéré pour les ados attardés. Donc j'ai une question, est-ce qu'on n'est pas des gros cons par hasard ? Voilà, vous avez 2 heures. Bon, allez-y, déjà, je reprendrai, oui. Je reprendrai après, mais allez-y si vous avez déjà éventuellement. On a l'aval du maître qui donc nous considère comme des gros cons. Et du coup, bah, lui aussi, quelque part, parce que lui, en plus, il en écrit, donc c'est dommage. Nous sommes tous des gros cons. On est tous des gros cons. C'est... Non, ma question, évidemment, c'est alors que, donc, comme je viens de plus ou moins d'essayer de le démontrer, c'est comment dire, une culture. Qui est partout, qui est en fait dans notre imaginaire, même le principe d'imaginaire en fait, comment ça se fait que ça soit aussi décrié? On a du mal avec l'imaginaire en France de toute façon, hein, ça c'est une évidence. Alors on est au pays de Descartes, hein, donc le cartésianisme c'est vraiment quelque chose qui nous rattache à la fois à notre culture et à la fois aussi à notre littérature. C'est-à-dire que ça nous a appris à devenir des lecteurs extrêmement exigeants, mais qui ne veulent plus basculer dans ce qui est justement en dehors des codes du réel. Ouais, ils veulent des faits, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et ben, en littérature, c'est ce qui aboutit à des trucs aussi chiants et lamentables que pour moi, le nouveau roman, par exemple. Hein. Merci, Michel Butor, et, pff, Nathalie Sarraute, faut se taper tout ça. Enfin, son théâtre, encore ça va, mais franchement, non, on a atteint un degré justement de littérature blanche, alors celle de vraiment, alors de, littérature de, blanche. Alors la littérature générale. Moi je vais en française. Plus, je suis très très néophyte moi dans le domaine, donc je vais poser plein de questions. La littérature générale, voilà, généraliste, ouais. Généralisante, basique, enfin, voilà, okay. celle qu'on trouve dans une librairie générale, généralisante, comme le Fayère par exemple, en forme du livre. Ils ont des rayons. Qui regorge de ce genre de littérature du quotidien, j'allais dire quoi, voilà. Mais c'est comme les romans de gare peut-être ou non, ce genre de choses là ou... C'est des romans d'auteurs qui racontent leur nombril, leur vie. Mais bon, ce sont eux qui ont les prix Goncourt, les prix machin, les prix Bidule. Arrête-moi si je me trompe. En gros, c'est tous les romans avec des titres un petit peu genre, je sais pas, le jour où mon cœur s'arrêtait de battre. Ouais, voilà. Je pensais à Pars vite mais reviens tard, mais ça marche pas, c'est un polar. Mais, en fait, c'est une littérature de masse, exactement, comme... Les murs de ma vie sont des fenêtres de l'âme. Ça, le serment de la chute de Rome. Exactement celle qu'elle décrit, justement, aussi, parce que c'est une littérature un peu... parfois élitiste aussi d'une certaine façon et qui refuse bonjour Télérama voilà et qui refuse tous les genres de l'imaginaire en fait qui se dispute un petit bout de rayon quelque part dans une librairie, voilà, hein, ça a tendance à évoluer ça aussi, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression, mais que c'est de moins en moins le cas, où les rayons de science-fiction, de fantasy, tout ça prennent de plus en plus de place, ou en tout cas deviennent de plus en plus grands dans les librairies. Bah, c'est simple, parce que les gens qui ont été biberonnés au Seigneur des Anneaux, à Harry Potter, ce genre de choses, bah, ils sont en train de devenir adultes. Et puis, bah, c'est eux qui commencent à aller travailler, à être journalistes, à être présentateurs, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ils sont en train de commencer. Ou même de c'est travailler. Générationnel, en fait. Quoi, exactement, c'est générationnel. Donc, cette génération qui a lu et vu Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, bah, ils n'ont pas envie de quitter ces mondes-là. Ils ont envie de continuer à en parler, à aller au cinéma, voir ce genre de films. À trouver ce genre de livre, voilà. Et on pourra en reparler dans une future émission parce que c'est une trop grosse digression, mais c'est exactement la même génération qui fait qu'aujourd'hui le jeu de société et le jeu vidéo sont en train d'exploser. Exactement. Tout à fait. Parce qu'on a été biberonné à ça, quoi. Et que je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Sinon, je propose d'enchaîner. Eh bien, enchaîne. Parce que du coup, alors, j'ai lu très très rapidement derrière le chat, ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec la définition. Je suis moi-même pas tout à fait d'accord. La définition de quoi? De science-fiction et fantasy que j'ai donnée au début. Le chat, je vais enchaîner. La science-fiction, vous connaissez celle de Norman Spinrad? Mais vas-y, je t'en prie. Juste celle-là. La science-fiction, c'est tous les livres où il y a marqué science-fiction dessus. Parfait. Ouais, on l'a défini un peu comme on veut. Je vais. En fait, je suis moi-même pas d'accord avec ça. C'est juste que c'est les définitions qu'on trouve sur Internet. Voilà, après, si vous n'êtes pas content, en effet, oui, c'est possible. C'était pas tout à fait le centre de ce que je voulais dire. En fait, moi, j'ai deux propositions de ce que sont la science-fiction et de ce qu'est la fantasy, en fait. Et c'est pour ça que je voulais prendre le spectre de l'humain, en fait, à travers ça. C'est que pour moi, et donc du coup, je vais essayer de le développer avec vous ce soir. Ah, c'est formidable. J'essaie de teaser un petit peu. Ah ouais, non, mais là trop d'attente. Un petit peu, comment dire. moi, je pense que la science-fiction parle avant tout, en fait, d'humanité et la fantaisie de pouvoir. Oh là là. Vas-y, rappuie parce que ça n'a pas marché. Non, d'accord, ok, très bien. Non, mais je t'ai vu appuyer dessus. Hein. Parfait. Alors, donc, il n'y aura pas de jingle. Que je répète, la science-fiction parle d'humanité et la fantasy de pouvoir. Pour moi, ce sont les deux centres en fait du genre, enfin des deux genres. Bref, vous m'avez compris ce que je voulais dire, même si je le dis très c'est mal. C'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis, vous voyez. Voilà. Je n'enchaîne pas. Ah, quelle horreur. Avec la suite. En gros, si j'explique, qui dit humanité, on va dire évidemment en avoir ou pas. Ça veut dire la questionner, ça veut dire la chercher, la définir, la rejeter. Tu parles d'humanité, pas dans le sens historique, on va dire, mais dans le sens moral, en fait. Moral, ouais, existentiel, okay. Exactement. En fait, tout ça, l'humanité dans toute sa définition la plus large possible. Alors, oui, c'est un peu un fourre-tout, en effet, mais je pense que ça peut être un fourre-tout qui peut avoir du sens. Si on occulte, au final, les quelques rares œuvres de science-fiction qui font que parler de gros vaisseaux et de robots, mais qui sont, en fait, à mon sens, assez rares, mine de rien. Moi, j'en connais très très peu. J'en connais très peu aussi. Qui parle que de ça et pas plus. La science-fiction, en fait, elle nous parle d'œuvres qui va parler donc à travers l'alien, de l'étranger, à travers des robots de notre descendance, de ce qu'on va laisser, d'exploration du monde à travers l'espace, d'intelligence artificielle, donc qui va questionner même le principe de notre cerveau. Qu'est-ce qui fait qu'on réfléchit ? Qu'est-ce qui fait qu'on réfléchit ? Qu'on a une conscience. Sur l'intelligence. C'est quand même assez. Il y a une belle abîme. Je disais descendance, évidemment, de divin, avec le thème de création, le thème de manipulation humaine, etc. Je pense qu'à chaque fois qu'un auteur nous parle d'une race extraterrestre, qu'il crée une race extraterrestre, en fait, il parle d'un pan de l'humain qu'il va extrapoler, il va aller chercher des pistes. Et plus son talent est grand, plus, à mon avis, il est capable d'aller chercher loin et donc de partir de ce qu'est l'humain primitivement. Mais au final, on y reste, ce qui est un petit peu obligatoire vu que on peut parler que de ce qu'on connaît. De toute façon, tu le vois bien dans les œuvres de SF, quand des humains vont sur d'autres planètes. Alors c'était la science-fiction déjà il y a 20 ans, 30 ans, etc. Mais ils parlaient anglais sur ces planètes-là, ou français, je veux dire. Enfin, il n'y a pas de mode de traduction, ou alors c'était de la magie déjà. Dans la série Stargate, d'ailleurs, pas dans le film, mais dans la série Stargate, on leur a posé la question, et ils ne s'en cachaient pas, ils disaient oui, mais en même temps ça aurait été trop compliqué, voilà. On voulait axer nos histoires sur autre chose, et oui, on part du principe qu'ils parlent anglais, et c'est marre, quoi. Ou alors c'est qu'ils ont un symbiote dans le ventre et qu'ils les traduisent. Oui, c'est ça, voilà. Il y a quand même quelques races, ils font l'effort. Enfin, ça reste évidemment bénin par rapport au, quoi, je crois, il y a 10 saisons dans la série principale, par rapport au tout truc, ça reste bénin, mais il y a quand même quelques races où ils font une espèce d'explication, où ils se mettent un petit truc derrière l'oreille pour dire qu'ils comprennent et tout. Ouais, voilà. Ouais. Évidemment, c'est extrêmement facile, mais. C'est ça. Mais, ouais. Et la fantasy, par contre, c'est pas ça. Non, pour moi, la fantasy parle de. Alors, oui, non, pouvoir. La fantasy parle de pouvoir. Vas-y. Moi j'ai lu un livre, je voulais vérifier avant de dire une connerie, j'ai lu un livre qui s'appelle Futur. Donc futu.re en fait. Voilà. De Kukowski. Voilà, c'est de la science-fiction, si je ne m'abuse. Oui. Il n'y a pas de technologie particulière là-dedans. Non mais ça parle de futur, non ? Non mais du coup ça va parler de quoi ? En fait, ça parle d'une humanité qui a surgrossi et qu'il faudra contrôler de manière à avoir un enfant par famille. Et c'est le contrôle des naissances. Voilà, en fait, le contrôle des naissances pour réguler la population. Mais du coup, ça interroge sur le côté sociétal de l'humain. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, on va parler d'un point de vue de l'humanité. Mais... donc là, en l'occurrence, son système de caste et de société, je t'en prie. Mais c'est dans une forme de SF, justement, qui parle, en tout cas, qui met au centre de son discours le pouvoir, justement. C'est-à-dire, l'anticipation, on le fait souvent, le post-apocalyptique aussi, mais la dystopie surtout. Donc dystopie, c'est la contre-utopie, en fait. Donc c'est un monde qui va le plus mal possible, en fait, contrairement à 1984. Tu me corriges juste au titre, c'est vrai que je n'aurais pas dû dire le pouvoir, j'aurais dû dire précisément la recherche de pouvoir. La fantasy, mais c'est vrai que c'est pas la même chose, je te remercie de... Évidemment, les deux peuvent tout à fait, se mélanger, se répondre, mais en tout cas, voilà... Deux propositions, celle de la science-fiction, on pourra y revenir après. Je vais revenir rapidement également sur celle de la fantasy. Je disais donc le pouvoir, et l'idée qu'on se fait de la fantasy, c'est Tolkien en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'image qui restait ancrée. Les hobbits, même, les elfes. C'est ça. Les même la Sword and Sorcery, au final, reste quand même vraiment ancrée dans cette espèce de monde médiéval, avec différentes races, des objets magiques. Et voilà. Et l'histoire, pour moi, d'une œuvre de fantasy va nous parler de cette recherche de pouvoir. Que ça soit à travers un anneau unique, un ancien dieu, une prophétie, un mec pauvre qui est récupéré par un maître assassin et qui va apprendre à assassiner pour reprendre le contrôle de sa, de sa destinée. C'est cliché, mais ça marche très bien. Conan le barbare, c'est exactement ça. C'est une recherche de vengeance. Il va chercher le moyen de pouvoir se venger. Comment dire, par rapport au meurtrier de ses parents, et les exemples pullulent. Je pense que vraiment, tout le film, le nœud de la fantasy, c'est là, c'est cette recherche de pouvoir. On va avoir d'un côté des puissants qui cherchent à la contrôler, à la garder, et de l'autre, souvent les héros, qui vont chercher soit à s'en emparer pour eux, dans ce cas on est sur de l'anti-héros, soit à essayer de casser les codes, on va être sur des œuvres un peu plus révolutionnaires, etc. Typiquement, l'Empire contre les rebelles. Dans Star Wars. Dans Star Wars. Qui est de qui Star Wars qui est de la fantasy. Hein, c'est en fait, voilà, j'allais dire il faut lancer le débat. De la fantasy. Ouais. Je veux dire. Non mais toute l'œuvre est centrée sur la force. Mm-hmm. Ouais voilà. Le pouvoir par excellence. La force et les chevaliers Jedi, c'est des espèces de magiciens et tout. Enfin voilà, les vaisseaux sont là que pour. Enfin il y a pas de. On se déplace de planète à planète en quelques heures. Les planètes font vaguement deux villes. Mm. Oui c'est ça ouais. Vas-y. Tu parlais de la force, mais bon, après, c'est vrai que ça peut s'apparenter à un pouvoir magique, comme tu dis. Mais c'est aussi un thème fondamental de la science-fiction des années 40, 50, etc. C'est-à-dire que, en fait, cette thématique-là, c'était la thématique du mutant, qui s'est développée à cette période-là, dite de l'âge d'or de la science-fiction, où tout le monde écrivait son histoire du mutant avec de la télékinésie, de la télépathie, etc. Enfin, on peut faire tous les trucs en I à la fin. Ça fait vraiment partie de cette culture-là. Et je pense que, justement, la force qu'on retrouve dans Star Wars vient de cette culture, justement, des années 40-50 américaine, et puis, enfin, qui est ancré pour moi dans la culture de l'imaginaire justement américaine, quoi. D'accord, la base est science-fictionnelle. Bah, pour moi après. Mais après ça évolue vers. D'autant que dans l'épisode 1, c'est clairement dit, c'est-à-dire que c'est pas la force ne vient pas de nulle part, c'est des espèces de petits atomes, on ne sait pas trop ce que c'est, qui viennent. Bah, du coup, il y a une espèce de pseudo-explication scientifique. Voilà, elle peut rester pseudo, hein, je veux dire. Ouais, complètement. Qui est quantifiable en fait. Ouais. On n'a toujours pas prouvé la télépathie, on n'a toujours pas prouvé ce genre de choses, donc ça reste des spéculations. L'un n'empêche pas l'autre. Si on prend Brandon Sanderson, qui est un auteur de fantasy. Clairement, lui, il met très très régulièrement en place une force magique. Par contre, les sorciers, du moins les personnes qui vont y avoir accès, en fait, c'est un maître de ce qu'il appelle la hard magic. En gros, ce sont des systèmes magiques ultra précis que le lecteur peut comprendre parfaitement. Typiquement, vous finissez une œuvre de Brandon Sanderson, vous êtes capable de créer un système de jeu de rôle derrière. Parce que c'est ultra carré, c'est ultra logique, ça a beaucoup beaucoup de sens. Donc, il apporte une méthodologie dite scientifique, sur un peu comme dans Hunter x Hunter d'ailleurs. Exact, bah merci, c'est exactement. Ah ouais, bien sûr, je vois complètement de quoi vous parlez. Donc Hunter x Hunter est un manga qui était il y a le kiff du moment de l'épisode 3. Voilà, qui était mon kiff du moment de l'épisode précédent. Oui, non, mais je sais, et mais dedans, je pour le rappeler aux gens. Il y a un système qui s'appelle le Nen, qui est très très codifié, que on va découvrir en même temps que les protagonistes principaux. Est-ce qu'ils ont chaud, les Nen? Je l'ai mal formulé, mais ouais. Je vois où tu veux en venir. Est-ce que tu voudrais nous parler de Shonen? Oui! C'était la blague. Ouais, voilà. Pardon. Je me pose beaucoup la parole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient. Peut-être notre auteur? Principalement, moi, j'aime bien poser des questions. Auteur, ouais. non, c'était intéressant. Moi, je trouve que tu as bien cerné, tu es d'accord avec cette notion, cette proposition de recherche du pouvoir dans la fantasy et de d'humanité dans la science-fiction pour séparer les deux genres, ou est-ce que ça te parle ou pas? Que le pouvoir soit un motif récurrent et omniprésent dans les œuvres de fantasy, ça me paraît d'une évidence absolue. Hein, il suffit de prendre tous les classiques du genre et de voir quelles sont les conséquences de l'intrigue. J'ai vraiment cherché des contre-exemples et pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Enfin, Le Seigneur des Anneaux, comme tu dis, est un exemple archi connu, évidemment. Et on peut revenir à Sapkowski, par exemple. Sapkowski, je l'ai entendu dire sur une table ronde, alors c'est ancien, c'est pas totalement ses mots, mais bon, l'idée est là, c'est-à-dire qu'il disait, bon, c'est quoi la fantasy ? Bah, c'est l'histoire d'un type un peu désabusé, hanté par un objet ou par une idée, et qui gravit une montagne, et puis à la fin, il lance un anneau dans un volcan. Voilà, et c'est tout. Donc, effectivement, ce pouvoir, il vient de là, c'est-à-dire qu'on fait, on agit dans un monde de fantasy, parce qu'il y a un pouvoir qui peut être plus fort que nous, qui va nous pousser à agir, alors à petite échelle ou à grande échelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir des envies de pouvoir de simplement dominer son quartier avec un petit peu de magie, mais on peut aussi avoir besoin de dominer un empire avec sa magie, si elle est en plus elle est puissante et qu'elle peut devenir de plus en plus puissante. Là, l'image de Sauron nous vient tout de suite, c'est sûr, de l'œil, etc., des orques qui naissent et qui jaillissent de la terre, etc. On va trouver plein de choses. Donc, c'est une échelle, le pouvoir en fantasy. Ouais. On peut être sur plusieurs barreaux. Et l'exemple de quelqu'un qui veut contrôler un quartier, ça existe en fantasy ou ça se limite à ça, qui ça se limite juste à un quartier. Ça existe. Ouais. C'est rare que ce soit l'intégralité de l'œuvre. Oui, voilà, c'est ça. Ça commence comme ça et puis après. Ouais, on peut trouver les œuvres de fantasy qui sont souvent cantonnées à une ville, par exemple. Ouais, ouais. Bon, où des choses se passent que dans des quartiers d'une seule ville. Moi, je pense par exemple à un roman un peu épisode comme ça aussi qui s'appelle Vastburg de Cédric Ferrand, bon, qui est publié... Vastburg. Vastburg, ok. Voilà, c'est vraiment une sorte de Sword and Sorcery, un petit peu comme ça aussi. Et ça se passe simplement dans une seule ville. Et donc, toutes les contraintes de pouvoir, évidemment, sont liées à ce qui se passe dans cette ville, quoi. Donc, ce que je dis, ça peut se passer dans une ville comme ça peut se passer dans un empire. Tout dépend de l'œil de la caméra, d'où il se pose, en fait. Quoi. Il se pose sur une ville, sur un empire, sur... peu importe, hein, sur tout un continent. L'exemple qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes, en fait, c'est Game of Thrones, où on a des luttes de pouvoir, d'ailleurs même sans magie, souvent, enfin, excepté dans les dernières saisons, mais au début, il n'y en a quasiment pas, et pourtant, tout est centré là-dessus, sur ce pouvoir, à diverses échelles, c'est-à-dire qu'on va avoir la chambre à coucher, le trône, nord, les relations entre sœurs, le mariage, etc., etc., etc. Et tout tourne autour de ça. Je trouvais que c'était particulièrement fort en fantasy. J'avoue que le terme humain est quand même est très très large pour la science-fiction, c'est un petit peu facile. C'était juste que je trouvais intéressant de lancer des pistes de réflexion, et puis surtout, moi ça m'aide quand je réfléchis aux œuvres, en fait, de les concevoir un peu comme ça, et de voir qu'est-ce que l'œuvre essaie de me raconter, en fait. Et donc en science-fiction, non, parce qu'il y a aussi une recherche de pouvoir, bon, souvent. Bien sûr. Enfin, pas que je pense. En fait, souvent, c'est encore une fois une impression. D'accord. Je n'ai évidemment pas tout lu. J'ai essayé de chercher beaucoup d'exemples et à chaque fois, ça marchait. Mais évidemment, je l'ai cherché dans cette manière de concevoir la chose, évidemment. Mais je trouvais que le pouvoir était souvent un moyen plus qu'une finalité. Vrai. Je pense à plus à un truc que je connais un peu plus, c'est au niveau des films et tout ça. Mais c'est vrai que tu prends par exemple Retour vers le futur, qui est c'est de la SF, quoi. Pas le deuxième, puisque le deuxième, il y a une recherche du pouvoir d'un certain personnage, mais surtout de famille, en fait. Le premier et le dernier épisode, le dernier, il cherche surtout, enfin non, même les deux, il cherche son but. Marty, c'est de retourner chez lui, en fait. Alors effectivement, derrière, t'as les thèmes de la famille et tout ça. C'était ça que je voulais parler surtout. Ouais. Mais c'est vrai que oui, t'as moins cette quête du pouvoir, en fin de compte, où l'objet de la SF, donc là, pour le coup, c'est la machine à voyager dans le temps, dans l'épisode 1 et l'épisode 3, en tout cas, c'est un moyen plus qu'une fin, en fait, en soi. Il y a souvent quand même ce désir de vouloir s'emparer de quelque chose, quoi qu'il en soit. Oui. Ça, c'est évident. Qui au final, qui va avec le principe d'histoire même. C'est-à-dire qu'il faut que le... On pense à Jurassic Park, notamment, mais pour vraiment, le coup, c'est ça. C'est réussir à avoir du pouvoir sur la vie et sur la création, sur... Voilà, c'est ça. Je trouve que pour moi... Alors, encore une fois, on est là sur des réflexions personnelles, surtout du ressenti. Mais pour moi, Jurassic Park va surtout nous interroger, nous, par rapport au fait de créer des choses. Le complexe de Dieu. Je trouve que l'interrogation est là. Évidemment, il y a le pouvoir, la machine comment dire, de manipulation génétique qui est au centre de ça, mais c'est vraiment pour moi un moyen. Je sais pas si je suis très clair. Voilà. Non. Très bien. Cool. Si, si, c'est parfait. C'est parfait. Alors, nous lisons le chat actuellement. Que se passe-t-il de formidable? Qui a une réaction? Armel, est-ce que tu peux nous lire ce qui se passe? Donc, Srinom nous dit: c'est un peu le cas dans les séries de super-héros en ce moment. Ça se passe dans la ville où ils vivent 95% du temps. S'emparer de quelque chose ou empêcher un antagoniste de s'emparer de cette chose. J'y ai pensé aussi quand on parlait de ça, mais pour le coup, je trouve que ça touche un peu moins à la fantasy. Mais par exemple, Daredevil, c'est clairement ça. C'est Hell's Kitchen, ça se concentre à cette petite ville-là et il y a un parrain qui, le Kaïd, donc qui veut avoir le pouvoir sur la ville. Et voilà, mais c'est clairement ça. Ouais. Du coup, est-ce que les super-héros. C'est de la fantasy. Est-ce qu'ils sont un sous-genre de la fantasy? Souvent, ils ont été écrits par les mêmes à la base que ceux qui écrivaient des romans dans les pulps du début du XXe siècle. Hein. On a le cas, par exemple, avec l'exemple tout bête, hein, c'est le papa du Capitaine Flamme, tu vois, Edmond Hamilton, qui... le Capitaine Flamme, il avait son pulp, c'est lui tout seul, c'était le premier qui a eu son pulp. Le pulp, rappelons ce que c'est. C'est un magazine... Voilà, au tout début du XXe siècle, du coup. C'est ça. Ouais. Des magazines très, très peu chers, qui sont en papier pourri. Voilà, exactement. Qui sont faits avec des morceaux de bois, alors qui se dégradent très, très rapidement, ce qui fait que, c'est des magazines de mauvaise qualité. Donc, voilà. Et donc, il y avait... plein de pulps très très différents sur plein de thématiques différentes. Voilà, il y avait des polars, il y avait de la science-fiction, de la fantasy, enfin voilà, des trucs, ça. Et le premier comme ça héros presque enfin, littéraire, pas avec des images évidemment du coup, qui a eu son pulps à lui tout seul, c'est le Captain Future, donc qui est devenu pour nous les Européens le Capitaine Flamme, quoi, voilà. Et il a été créé par Edmond Hamilton, qui a aussi fait énormément de romans, de grands romans comme Les Loups des Étoiles, qui est resté un classique. Le Loup des Étoiles, qui est un exemple typique de SF qui a beaucoup influencé Star Wars. D'ailleurs, pour une bonne raison, hein, c'est que l'univers de Edmond Hamilton, il a été repompé complètement dans Star Wars. Et pour une autre bonne raison aussi, hein, puisque sa femme, qui s'appelait Lee Brackett, c'était la scénariste... Alors oui, on peut faire... Non, on fait pas. Non, mais je cherchais, une contrepétrie, un truc. Vu mon œil s'illuminer. Bah ouais. Lee Brackett, non, ça me fait penser à Braguette, mais j'étais pas... Vas-y. C'est le nom américain, tu sais. Et Lee Brackett, en fait, qui était une scénariste connue aussi à Hollywood, elle écrivait des romans de SF fantasy, hein, Le Grand Livre de Mars, par exemple. Et c'était la scénariste de L'Empire Contre-Attaque. Co-scénariste. Excellent. Voilà. Mmh. Et c'était la femme d'Edmond Hamilton. Je veux dire, elle a récupéré plein de choses dans son œuvre et dans l'œuvre d'Edmond Hamilton pour Star Wars. Donc, c'est pas étonnant que toutes ces cultures finissent par se percuter, fantasy, science-fiction. Le terreau initial est presque le même, en fait. C'est toute cette pop culture du début du XXe siècle qui fourmillait d'idées et puis fourmillait de grands espaces, qu'ils soient magiques ou technologiques d'une certaine façon, hein. Les deux finissent par se confondre aussi. Donc, c'était un peu ça en fait ma volonté, c'est-à-dire que la réflexion, c'est est-ce que Star Wars c'est vraiment de la science-fiction qui vient très très fréquemment. En fait, c'est qu'un avis personnel, hein, quand je prends cette grille de lecture là, ça m'aide à la classer en fait. Ouais, enfin, puis on a déjà eu ce débat en off, on est tous à peu près d'accord pour dire que Star Wars c'est pas de la science-fiction, très très peu, quoi. Mais en fait, à partir de là, on peut réfléchir à plein de choses. Enfin, tu parlais c'est à débattre. Est-ce que Captain Flamme c'est vraiment de la science-fiction? Bah, on peut légitimement se poser la question. Il y a clairement des vaisseaux, il y a de la manipulation génétique et tout ça, mais au final, quel est le thème vraiment? La science-fiction, pour le coup, au départ, il faut vraiment couper le mot en deux, puisque le mot est en deux mots. Hein. Enfin voilà, il y a science et fiction, c'est de la fiction qui met en scène de la science. Voilà, alors on n'a pas dit de quelle façon. Ça peut être mettre en scène de la science, mais hyper hard, c'est-à-dire j'ai vérifié toutes les équations, je sais que c'est vrai, donc il y a la littérature de SF comme ça, évidemment. Et puis il y a la science mise en scène... simplement comme un vaisseau spatial, on va pas vérifier si tel boulon est à sa place. Hein. Ouais. Je peux voyager à 20 fois la vitesse de la lumière. Voilà, ça fait partie de la science. Target ou Star Trek, en fait, typiquement. Star Trek faisait ça, ouais. On sait tous, pour ceux qui ne le savent pas, hein, qu'on ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Faut utiliser donc des trous noirs, ce genre de trucs, pour essayer de légitimer un peu ce truc-là. Le truc sur lequel on ne sait absolument rien, comme ça on peut tout inventer. C'est ça, oui, bah voilà, absolument. Ouais, c'est ça. Donc oui, oui, il y a des, ouais, il y a des œuvres de science-fiction qui tirent plus sur la science et d'autres plus sur la fiction. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ah ouais, bah alors, exactement. Mr. Fumble Bob cite Arthur Clarke. Arthur C. Clarke, quoi, qui ouais. a fait, qui a écrit 2001 notamment en parallèle de, enfin, du film de Kubrick, du coup 2001 l'Odyssée de l'espace, tout absolument. Tout à fait. Qui est très très documenté d'ailleurs, le enfin 2001 l'Odyssée de l'espace est assez taré, hein, regardez-le même maintenant, enfin ce mec a prévu des trucs qui n'existaient pas, genre il y a des écrans plats dans, en 16/9 dans ah oui, le non, film, bah, ce qui n'existait oui. pas à l'époque, ça fait partie de tout un tas de trucs, enfin c'est assez 2001 est assez taré sur tout un tas de points. Globalement il faut voir 2001, enfin, oui. Il faut surtout le revoir en fait régulièrement. La citation oui en est effet la comment dire la fameuse citation, il y a un point où la science est tellement avancée qu'elle passe pour de la magie. Oui. Qui est un thème récurrent dans tout un tas d'histoires de super-héros, de Stargate, hein, c'est la base, ouais. hein, d'ailleurs, Stargate, ouais. c'est ça. Hein, c'est... Et la définition de Pratchett était pas mal aussi, si vous, tu le connais celle-là, de Terry Pratchett, qui ouais. est un auteur de fantasy humoristique, hein, où il disait que bah, la science-fiction, c'est de la fantasy avec des boulons. Oui. Donc on en est là, quoi, justement. Oui, pour dire, coup, ouais, c'est Star Wars, c'est, ça. Et ça rejoint la... ça. Ah ouais mm. Et ça rejoint la citation de Clarke, pour moi aussi, à la perfection. Et pendant longtemps, on a, de toute façon, même au niveau des collections, en France, confondu la science-fiction, la fantasy, ça a fini par se séparer justement avec l'arrivée d'Harry Potter et des Seigneurs des Anneaux, la fantasy s'est émancipée, j'allais dire, où elle était alors que des sous-genres dans les collections de science-fiction. Hein. D'ailleurs, je viens de repenser à un truc, Conan, c'est pas, à la base, c'est pas un monde post-apocalyptique, justement. Il n'y a pas cet aspect-là. Non, m'a raconté ça une fois, j'étais vachement étonné, mais c'est peut-être pas vrai, du coup. Comme quoi ça se passait vachement loin dans le futur et tout. Alors, c'est l'hyperboré, effectivement, ça peut se passer très très loin dans ouais, le futur. Ouais, on sait pas. C'est possible, mais c'est pas vraiment ça. Enfin, ça n'a pas été écrit comme ça, quoi. Non, pas dans mon souvenir, mais ça fait longtemps que j'ai pas relu Conan. C'est vrai, il faudrait relire. En tout cas, dans les films, non. Non, parce que clairement ça se passe dans ce mystérieux temps où l'Atlantis serait. Je me souviens plus exactement de la phrase exacte, quoi, mais c'est ça. En gros, elle est pas submergée. C'est ça, quoi, c'est plus ou moins là et tout. Okay. Mais il faudrait relire pour le coup, je suis d'accord. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas relu Conan, je devrais parce qu'il y a les BD qui sont sortis et ça m'a donné envie de replonger dans les œuvres d'Howard. Mais bon, il y a typiquement des auteurs qui ont fait ça en littérature. Je pense à Jack Vance par exemple, hein, qui est une de mes. Référence quand j'écris mes bouquins aussi. Il a fait des choses comme Rialto le Merveilleux, une histoire qui se déroule très très loin dans l'avenir, où justement le soleil est en train de s'éteindre et où la magie est arrivée sur Terre. Excellent, ok. Voilà, enfin je veux dire, c'est des mondes qui existent aussi. Ouais. J'ai une question troll, hein, on va dire, mais qui peut peut-être amener à de la réflexion. Mais toi, en tant que tel, tu écris de la SF, tu écris de la fantasy. Tu préfères lequel genre ? La romance. Bonne réponse. Non, c'est vraiment dur de devoir choisir ouais, bien sûr. Un genre. Alors, il y a une dénomination qui est arrivée. Assez récemment, j'allais dire dans les années 2000, c'est que justement pour éviter, pour montrer que la science-fiction, la fantasy, ça fait un peu aussi partie de la même famille que le fantastique, ce genre de choses, on appelle ça les littératures de l'imaginaire. Donc moi j'ai tendance à dire qu'en fait, plutôt que de la science-fiction, plutôt que de la fantasy, j'écris des littératures de l'imaginaire et j'écris peu importe sur la frise ce que j'écris finalement. Ça reste des littératures de l'imaginaire. Tu fais pas de compartimentage, quoi. Ouais. Bah, je préfère pas trop. Je sais que certains aiment le faire, préfèrent le faire, etc. Moi, je me donne pas de limite de thématique quand j'écris. Donc, si j'ai envie d'écrire du post-apocalyptique, j'écris du post-apo. Si j'ai envie de faire de la fantasy, j'écris de la fantasy. En ce moment, c'est plus de la fantasy que j'ai envie d'écrire, d'ailleurs, depuis quelques années. Mais bon, c'est, alors, c'est pas grave. Ou du post-apo avec de la fantasy, comme on y revient. J'allais dire, tu te sers du genre que tu veux pour écrire ton histoire, sachant qu'il y a un genre qui se prête plus à l'autre. Mais là, tu dis que tu as envie d'écrire de la fantasy. Ouais. Pourquoi ? Parce que tes thèmes se prêtent à de la fantasy ou parce que tu préfères, on va dire, l'imaginaire de la fantasy et que du coup, tu veux écrire des histoires là-dedans ? En fait, moi, j'aime la richesse que propose potentiellement la fantasy. C'est-à-dire qu'on peut créer tout de A à Z. on peut se faire plaisir de A à Z, c'est-à-dire qu'on n'a pas de préacquis. C'est-à-dire que quand on écrit de la science-fiction, il y a des choses qui existent, hein, c'est notre société, elle a vécu, elle vit, etc. On a des choses qu'on connaît, on a des préconçus, même au niveau technologique, au niveau sociologique, au niveau... En fantasy, on peut inventer ce qu'on veut. Si j'ai envie d'inventer une fleur à trois têtes qui a des pouvoirs magiques, je peux le faire. Ça a l'air trop cool. J'en sais rien, mais en tout cas, je peux le faire. Moi, c'est pour ça, en fait, que je dis, quand j'écris de la fantasy, j'écris de l'exotisme. Moi, ce qui me plaît dans la fantasy, c'est l'exotisme. C'est de pouvoir, justement, changer totalement... Voyager. Ouais, voyager et faire voyager, créer... en toute impunité ce que j'ai envie de créer quoi finalement quoi. N'importe quelle société finalement on peut faire une société et la faire tenir debout alors qu'elle tient sur rien. Et puis en fin de compte, ce que tu disais aussi, c'est que pour la science-fiction, c'est notre monde et tout ça. Et effectivement, la science-fiction peut même devenir caduque à certains moments, puisque des connaissances qu'on avait il y a 50 ans, parfois ça a été démonté maintenant, des théories qui ont été complètement annulées et qui, du coup, la science-fiction peut plus vieillir. On va dire plus mal vieillir, on va dire que de la fantasy quoi. Ça, c'est clair que la science-fiction est extrêmement sujette à l'obsolescence, comme les machines qu'on crée sont sujettes à l'obsolescence. On retrouve dans certains récits de science-fiction qui datent des années 50-60 encore, enfin ça se passe dans les années 2300 et ils tapent encore des rapports à la machine à écrire. Donc vous voyez, c'est vraiment ce genre de petits trucs qui rendent très vite la science-fiction assez kitsch. Ce qui en fait ça donne une patte aussi. Ça donne une patte. Oui, et il y en a qui en jouent maintenant, qui utilisent. C'est le rétro-futuriste, où ils utilisent des anciens trucs pour faire un monde futuriste. Voilà. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas trop le choix. Je pense notamment à Ridley Scott, qui a fait par exemple son Alien dans les années 70, avec des gros boutons dégueulasses et tout. Et qui maintenant, alors il s'en fout, donc il fait ce qu'il veut. Mais logiquement, il devrait rester dans cette optique-là, des gros boutons et tout, qui sont totalement. Enfin, on n'imagine pas trop faire un vaisseau futuriste comme ça quoi. Mais oui, de toute façon, enfin, pour rebondir, le Seigneur des Anneaux n'a pas vie en fait. Non, c'est vrai que la fantasy est moins sujette au vieillissement. Après, la fantasy est aussi la plus sujette à rester sur ses acquis. C'est-à-dire que comme elle ne vieillit pas, de toute façon, elle n'évolue pas non plus aussi vite qu'un genre comme la science-fiction. Et puis ça reste des batailles de pouvoir, des trucs assez classiques, on va dire. Souvent, oui, voilà, il faut vraiment. Pour être extrêmement original en fantasy, je pense que c'est extrêmement difficile. Alors qu'en science-fiction, il y a toujours de nouvelles idées qui naissent par rapport à notre société qui est toujours en pleine évolution. On voit Black Mirror, par exemple, la série disponible sur Netflix, où ça parle de sujets de société actuels et qui, effectivement, il y a 20 ans, n'aurait pas pu exister. Et puis dans 20 ans, on regardera ça en se disant « Ah, à l'époque, on pensait ça comme ça. » Enfin, oui, exactement, c'est vraiment de l'actualité. Lord Fumble, il dit à peu près ça. De l'obsolescence, formidable. Oh, ce Laird Fumble, quel homme, quel homme, quel homme, j'osais pas le dire. En plus, il est barbu maintenant, dis donc. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien cette bannière des cultures de l'imaginaire plus que ce cloisonnement qui finalement est assez restrictif en soi, quoi, voilà. Et j'aime bien faire le contraire de ce qu'on me dit, tu as écrit de la science-fiction, histoire de cloisonner encore plus le truc, tu as écrit quoi comme genre de science-fiction donc du post-apo, t'en as écrit aussi? J'ai écrit du post-apo qui d'ailleurs se passe beaucoup à Rennes. Oh, excellent. Ça s'appelle Alone. Alone. Ça s'appelait A comme Alone, après c'était Alone contre Alone. Il y a eu deux tomes en fait qui ont été réunis en une intégrale. Ça s'appelle juste Alone maintenant, voilà. Plus ça va, moins en Admo, c'est bien. La prochaine fois il ne restera plus que le A. Oui, c'est la novlangue dans 1984. Ouais, on réduit le. Ah non, on ne dit plus novlangue. Ouais, j'ai vu ça. Ah, oula, de l'exclu là, je ne suis pas au courant là, c'est quoi. Il y a une nouvelle traduction de 1984. Ah ouais. Je crois que ça prête à débat. Donc, ils sont pas d'accord. Ils ont changé le terme novlangue. Ah oui, ils ont changé le terme de novlangue. Je sais plus comment. Ça se dit maintenant, je crois. Mais pour y apporter quelque chose ou pas? Néo-langage. Moi, j'avais pas vu ça. Je sais pas. Néo-parlé, je crois. Ouais, je crois. Néo-parlé, il me semble. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon, reste encore sur. Oui, ça me choque pas des masses. Mais après... J'aimais bien le terme novlangue parce que c'est très simple à dire, c'est très rapide. Oui. Après, je suis un vieux con. La novlangue, c'est ça. Donc, c'est le fait de supprimer, on va dire, des mots soi-disant inutiles pour rendre la langue plus claire et plus directive, on va dire. Mais voilà, mais c'est évidemment c'est l'État dictatorial qui impose ça. Et du coup, ça, l'idée, c'est que ça enlève de l'imaginaire chez les gens, en fait, et qu'on ne peut plus. C'est ce qu'on fait les académiciens d'ailleurs en France pour déféminiser la langue française, c'est-à-dire que il y avait des mots qui existaient et puis on s'est rendu compte en fait qu'ils existaient, qu'on a voulu les réinventer. C'est-à-dire peintresse par exemple, personne ne sait que ça existe, peintresse. Peintresse, ah oui, ouais, une peintre, notation. Une peintre en fait. Voilà, ouais, tout à fait. Peintresse, ouais. C'est un mot qui existe réellement. Ouais. Plein de mots comme ça ont été enlevés par les académiciens, ont été ôtés des dictionnaires parce que certaines nobles choses ne pouvaient pas être faites par des femmes. Non, mais la langue française n'est pas du tout machiste. C'est pas, alors, c'est mais alors, pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout. Hein. Soyons clairs. Hein. Mais bon, pour montrer qu'effectivement, 1984, ce genre de choses qui nous montrent qu'en supprimant des mots, on peut changer la société, bah, c'est exactement le cas et c'est exactement ce qui se passe. Et je suis en train de me dire. Alors, il y a une proposition du chat, c'est ça? Non. Comment 1984 oui, qui... oui, c'est l'art oui, qui dit quelque chose d'intelligent. Ouais. C'est un peu bête de changer le terme quand il est rentré dans le langage courant. Je suis assez d'accord. Là, pour le coup, il a peut-être les informations, mais comme on n'a pas le pourquoi exactement, toute la base du pourquoi en ça a même été changé. Est-ce qu'il n'y a pas plus fun que de retraduire novlangue? Moi je pense qu'il y en a qui doivent s'éclater. C'est ouais, j'avoue. Est-ce que c'est pas un peu le kiff? J'avoue qu'il y a quand même un concept mental. C'est ça. C'est ça. Non mais sinon je repense à 1984 j'y pense parce que mis à part quelques c'est normal, mais c'est à chaque fois qu'il y a des exemples précis d'objets, de choses comme ça qui pour faire comme si c'était futuriste, parce que 1984 n'a pas été écrit en 1984 et pour nous c'est du passé, mais mis à part ça, le récit reste tellement d'actualité sur énormément de points, et en fait on ne parlerait pas de ces écrans qui te regardent directement qui peuvent faire penser à des webcams et tout ça, mais c'est pas on devine en lisant que c'est pas ça, que c'est vraiment l'écran qui te regarde, donc ça c'est quelque chose qui est tout un tas de trucs comme ça qui disent oh là là, à l'époque on pensait comme ça, c'est un peu absurde et tout, mais on enlève tout ça, mine de rien 1984 reste extrêmement d'actualité et très peu daté en fait, alors qu'il a été écrit il y a hyper longtemps quoi. Donc, dans ce genre de récit, c'est plus qu'un cadre, c'est les idées qui sont importantes, voilà. Et c'est les idées qui sont déployées qui font la force du récit. C'est typiquement vrai, tu vois, dans 1984 et dans des. Alors moi, je l'aime bien cet exemple, c'est Fahrenheit 451 de Bradbury. Oui, que j'ai lu pour le coup aussi. On a des pompiers qui brûlent des livres. Ouais. Mais alors maintenant, avec tous les progrès technologiques, les livres, si on les brûle, c'est pas grave, puisqu'on peut les conserver sur des clés USB, comme ça. Absolument. Et tu as vu le film? Oui, j'ai vu le film. Parle-nous-en, parce que moi, je l'ai pas vu. De Truffaut? Oui, aussi, mais je pensais surtout à celui qui est sorti il y a deux semaines. Deux semaines, c'est un téléfilm, je d'accord. Crois. Exactement, c'est un film sorti chez Amazon. Oula, je vais dire une bêtise. Pas chez Netflix, en tout cas. C'est OCS, je crois. Oui, ça doit être HBO, et du coup, oui, c'est HBO. Fahrenheit 451, du coup, revu en... C'est excellent, j'ai pas eu le temps de le filmer. Finir parce que je devais sûrement jouer à The Witcher, comme quoi c'était pas si mal que ça. Mais du coup, il n'y a plus de bouquin alors. Si, parce que c'est dans un futur assez proche, c'est dans une vingtaine d'années en gros. D'accord. Ça reprend vraiment la base. C'est juste qu'il change l'ordre de certains événements, mais globalement, c'est la base du livre. C'est la base. Et en effet, du coup, tous les livres sont accessibles sur Internet, en numérique. Voilà. Tous les livres, c'est-à-dire, je crois que ça en fait 10. D'accord, donc derrière il y a un contrôle. Et refait. Okay. C'est-à-dire qu'on vous a enlevé tout ce qui est chiant et tout, et en fait tu vois des passages où ils rajoutent des images. Ok. En fait c'est genre la baleine, c'est un dessin de baleine pour Moby Dick, excusez-moi. Parce que du coup il y a trois exemples, il y a la Bible, il y a Moby Dick et le troisième c'est un truc genre le voyage jusqu'au phare ou un truc comme ça. Oui, c'est pas du Charles Dickens, je suis sûr. Non, globalement. C'est plutôt malin, en plus que ça interroge d'autres, beaucoup de choses. Évidemment, ça joue avec les codes... des réseaux sociaux, voilà, merci. Ah, c'est cool, c'est intéressant. C'est cool, ils en ont pas fait une série comme ils font d'habitude. Non. C'est un film. Et les ça, deux ça fait acteurs, plaisir. Les deux acteurs principaux, c'est. Et ben voilà, j'ai oublié. L'acteur D'accord. qui joue dans Black Panther, qui joue le méchant. Ah oui, c'est Joe. Ouais, bien sûr, lui, ouais. Il y a pas Jordan. Si, c'est ça, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Absolument. Et son collègue, c'est Boardwalk Empire. Celui qu'on a dit, I Will Find You. C'est Zod. The Shape of Water. C'est terrible. The Shape of Water. Man of Steel. Ouais, bien sûr. Bref, voilà, donc c'est Michael Shannon. Merci. Ah, là. Ah, exactement. Ouais, c'est eux deux, donc les deux personnages les principaux. Ouais, cool. Ah, c'est rien cool, putain, trop ça, bien. Ah oui, j'avoue. Ça, ouais. Cool. Après, parce que Michael Shannon, voilà. S'il a bien démontré quelque chose dans Shape of Water, c'est que c'est quand même un putain d'acteur. Quoi. Ah, oui, il est trop bon. Et puis même Michael Jordan, j'aime énormément les deux aussi. Jouent donc, très bien. Ouais. À côté, bon. Ouais, je trouve qu'il y a un petit. Après, c'est vraiment très personnel. J'ai trouvé qu'il y avait des problèmes de rythme qui faisaient que j'ai préféré faire autre chose que regarder la suite. Je vais regarder la suite. Le livre est mortel, hein, oui. En tout cas. Il est hyper. Enfin, il est court, il est facile à lire et puis ouais. il est super. Le film de Truffaut, je sais que je l'ai vu, j'en ai pas un souvenir impérissable, mais j'avais trouvé ça sympa, honnête, quoi. Je trouvais génial le film ouais, de Truffaut. Ouais. Mais alors, déjà à l'époque, je le trouvais super kitsch, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est presque ça. C'est ce qui m'a marqué, moi, flippé, quoi. Donc, moi, j'avais bien aimé ce film, mais après, si tu m'écoutes, celui qui m'a volé le DVD. Peut me le rendre. Mais annonce personnelle ce soir. C'est ça. Je vais apporter une petite conclusion personnelle, ce qui ne vous empêche absolument pas de, comment dire, de continuer. Je vous avouerai que je vous ai joué un petit tour, enfin non, pas vraiment. Je suis parti sur un délire de définition parce que ça me semblait être une bonne entrée en matière. Je vois que certains se sont excités et ont balancé tout leur savoir. Comment dire, sur le chat, on les en remercie. personnellement, je suis on ne peut plus d'accord avec toi. On parle évidemment de littérature de l'imaginaire. La science-fiction et la fantasy ne sont que des étiquettes. Mais je tenais à ce qu'il y ait cet échange aussi pour qu'on se rappelle de quelque chose, c'est que ça reste des thèmes universels, extrêmement importants, extrêmement, primordiaux, en quelque sorte. Quand on réfléchit à tout ça, en fait, il me semble évident que l'importance donnée à ces genres sont très éloignées de ce qu'ils devaient être en France. On sait depuis longtemps que l'apprentissage via l'imagination et le jeu est infiniment plus efficace que de bête par cœur. Et pourtant, au lieu de nous apprendre à explorer l'infini, à comprendre la biologie avec les dragons, la religion avec Star Wars ou l'histoire des rois avec Game of Thrones, on nous demande d'apprendre par cœur des dates vides de sens, de considérer la Révolution française comme un sommet de démocratie et Napoléon comme un grand homme. D'apprendre des tables de multiplication sans exemple, la géographie sans mythologie, sans titan ou autre tortue étrange, et surtout la biologie sans dragon. Et moi, je trouve ça extrêmement dommage. Merci, Armin. Non, c'est vrai, t'as complètement raison. C'est, voilà. c'est beau ce que tu nous dis là. C'est beau ce que tu nous dis là. Ouais. C'est chaud ce soir. J'ai une question parce que du coup, comme j'ai pas mal fait à manger, j'étais pas trop là tes fois et tout. Est-ce qu'on peut recommencer? Non, juste une question. Est-ce qu'on sait qui tu es? Oui. C'est okay. Bon. On a fait sa bio, on a par moi. Heureusement. Mais j'ai raté cet instant-là et je me suis dit, ça a vraiment été un raté. T'as raison. À part moi, j'ai toujours un doute. Mais bon, Oui, bon, ça après. Je propose quelque chose parce que ce serait dommage de ne pas le faire. Un invité devait être là ce soir qui ne peut pas être là, qui reviendra pour une émission future. Mais il m'a quand même laissé son questionnaire. Alors je vais un peu improviser ça. Je me dis que ça peut être sympa. On va faire un petit interlude, pas un jeu, mais on va faire un petit interlude. Voilà, c'est l'interlude. merci. Je vais. Alors, ça va surtout s'adresser à. On a dit qu'on utilisait ton pseudo ou pas, qu'on s'en fout. André. Alors, Marcel. Oui, bah, Marcel, Jean-Robert. Ok. Donc, Michel. Thomas Géa. Donc, ces questions sont plutôt adressées à toi. Après, si vous avez les réponses vous-même, puisque c'est des questions qui sont axées sur la science-fiction et la fantasy, avec des petits traits d'esprit de temps en temps. Mais par exemple, si je te pose la question, qui est le plus vieux entre l'univers du guide du voyageur galactique ou Mad Max, qu'est-ce que tu vas me répondre? Oh bah l'univers de H2G2 quoi, enfin de Douglas Adams. Voilà. L'univers du guide du voyageur galactique. Ouais. T'as une idée de la date ou pas? Je dirais Ouais, 65, 66, quelque chose comme ça. 1978 à la radio, ouais. Ah ouais, et 79 ouais. Le premier roman. Ouais, et en fait, la question n'est pas évidente parce que Mad Max, le film, est sorti en 79 en Australie et que ça joue vraiment à quelques mois près avec H2G2. J'ai trouvé ça assez. J'ai toujours du mal à situer Douglas Adams de toute façon dans le temps. Donc, mais bon, je savais que je me trompais pas trop. Non, ça va, c'est pas trop loin. La question, alors un peu plus what the fuck, on va dire. Qu'est-ce que la lithopanspermie? Alors j'ai quatre propositions. Une méthode d'acupuncture. Il y a forcément une blague. Ah bah oui, une méthode d'acupuncture. Pas tant que ça, mais on y reviendra. Enfin, vas-y. Alors réponse A. Donc la lithopanspermie. Est-ce que c'est une méthode d'acupuncture née dans les années 2000 en Indonésie, dont je passe les détails pour pas choquer les hommes autour de cette table. Est-ce que la lithopanspermie c'est le fait de se masturber en direction de la lune? Est-ce que c'est une bonne idée hein. Est-ce que après est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas. Est-ce que la lithopanspermie attraction lunaire. Est-ce que ça définit le transfert d'organismes vivants dans des roches d'une planète à une autre de façon naturelle? Alors oui, voilà. Ah, on se demande laquelle c'est. Donc. Est-ce que la lithopanspermie, c'est une pratique sexuelle décrivant le fait d'éjaculer dans l'interstice d'une grotte? Alors, la 3, mais il y a quelque chose de la 4. Oui, c'est vrai, quelque part, oui. Oui, ouais, si on regarde un des derniers aliens, justement, je pense que... Oui, très juste, mais c'est ça. Donc, la lithopanspermie définit le transfert d'organismes vivants dans des roches d'une planète à une autre de façon naturelle. Alors, il faut savoir que j'avais lu ça dans un bouquin récemment et que, en fait, c'est assez étonnant. Quelques jours plus tard, il y a une news qui est tombée sur le Huffington Post ou je sais pas quoi, qui parlait de ça, comme quoi les poulpes seraient des extraterrestres. Oui. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là. Ah, si. Ouais. Alors, ça vous a fait quoi, vous? Ça m'a fait rire. Ouais. Moi aussi, carrément. Mais ouais, voilà. Mais après, l'article était suffisamment bien écrit pour qu'on ait des petits doutes. Quand ouais, même. Enfin, après, il y a des tas de théories. Sur... Mais même la vie en général, hein, c'est une vraie question. Ouais, Pokémon pose la question. Première saison. Pokémon y répond. Oui, Pokémon y répond. Ils viennent de l'espace. Il y a une théorie qui dit qu'on est gouverné par des reptiles. Hein, c'est vrai. Et que la Terre est creuse. Voilà. Et plate en même temps. Alors, ouais, d'ailleurs, en termes de Terre creuse, lisez Satani. Ah oui. Voilà. Ah, un album sur les Terres creuses. Ouais. Comme j'en mais, en BD. Hein. Tout con, mais comment Jules Verne, c'est ce qu'il a écrit aussi, non? Ouais, tout à fait. Voyage au centre de la Terre. Elle est creuse, la Terre. Ah ouais, complètement. Parfait. On en apprend des choses ce soir. Où est né Isaac Asimov? Réponse A à Petrovichy. Réponse B à Carburopétain. Réponse C à Diezoreich. Ou réponse D à Gazoil. Bon, à Petrovichy. Hein. Voilà, merci. Ouais. En 1920, si vous voulez savoir. Ah, je ne l'avais même pas noté. Donc c'est 1920, Isaac Asimov. Quel est le véritable nom de l'auteur de Terre brûlée en 1956? Est-ce que c'est Michel Sardou? Réponse A. Est-ce que c'est Samuel Hude? Réponse B. Est-ce que c'est Peter Graff? Réponse C. Ou John Christopher? Réponse D. Oui, c'était juste écrit pour Terre brûlée, Michel Sardou, on est d'accord. Bon, bah, John Christopher. Et... je suis content de moi. C'est un pseudonyme, John Christopher. Ouais. Mais son vrai nom, du coup, c'est Samuel Hude. Ouais, je m'en souvenais pas. Voilà. Je l'ai eu, je suis content. quel est le titre de la première nouvelle de Ray Bradbury? Réponse A, le même que l'épisode 7 de la saison 2 de la quatrième dimension. Réponse B, le même que celui d'un roman qui en sera d'ailleurs une suite. Réponse C, le même qu'un film érotique de 2006. Ou réponse D, le même que le dernier film Spider-Man. Donc la première nouvelle de Bradbury. C'est quel film en 2006? 1, 2 et 3. Toi, tu dis 1, 2, 3? Oui. D'accord. Non. En fait, que peut-être toutes les réponses sont bonnes. Homecoming, c'est ça le... Non, en 2003, tu dis J'ai dit... La quatrième, c'était quoi? La quatrième, c'était le même que le dernier film Spider-Man. Oui, donc c'est Homecoming. Donc Homecoming, du coup. Ah non, mais peut-être que toutes les réponses sont bonnes. Possible. C'est pas impossible. Ouais. Enfin, vous me faites plaisir. C'est juste Homecoming, du coup. Un site érotique, un film érotique. Oui. Homecoming. Homecoming. Alors là... Ouais, c'est ça, c'est Homecoming, du coup, la première nouvelle de Ray Bradbury que je n'ai pas lu, hein, j'ai juste fait ça sur Wikipédia, on va pas me demander d'être intelligent non plus. Et donc, dernière question, vrai ou faux, en 1969, le réalisateur marseillais Robin Davies tente d'adapter King Kong en créant la suite du film de 1933 intitulé Putain Kong. Ça peut être que vrai, donc... Effectivement, c'est totalement faux, bien sûr. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, c'était le petit interlude. Merci à toi. C'est parfait. Tout seul ensemble, interlude. Merci beaucoup. Voilà, c'était un jingle pareil, fait à l'arrache, en fait, qui valait finalement pas le coup. Une fois qu'il est passé, je me dis que non, en fait. Mais, mais c'est bien qu'on ait entendu. Parce que du coup, maintenant, on sait que non. On sait que non. On sait qu'il faudra plus le faire, ouais, voilà. C'est ça. En fait, on va continuer avec moi, d'ailleurs, puisque nous allons tout de suite passer, après ce formidable instant de fantasy et de science-fiction, merci à tous, nous allons passer à un petit jeu. C'est l'heure du quiz sous-marin. Amusez-vous bien. Est-ce que quelqu'un peut me sortir de là? Vite. Je me sens mal, je me noie, faites quelque chose. Arregrac, rarregrac, greu. Voilà, merci. Donc, vous, ceux qui étaient là lors de la première émission s'en souviennent. Oui, tu as, Vianney, tu as quelque chose à dire? Pas encore. D'accord. Donc, si vous étiez là à la première émission, vous vous souvenez de ce fabuleux jeu que j'avais fait, donc ce quiz sous-marin. Et donc, je rappelle les règles, hein, il s'agit d'un simple blind test enregistré sous l'eau par mes soins. Tout le monde joue, que ce soit autour de cette table ou sur le chat. Et comme Xavier, ici présent, baigne dans les mondes de la SF et de la fantasy, eh bien, ce sont 6 musiques de films de ce genre que je vais tenter d'interpréter ce soir. On rappelle juste un tout petit truc, c'est qu'il faut laisser un tout petit peu de temps latence pour que le chat, comme il y a un temps de latence avec le chat, qu'il puisse avoir le temps de répondre avant que nous formulions nos réponses, ou en tout cas à peu près en synchro. Et surtout, ne répondez pas pendant, laissez bien le... Parce qu'en fait, oui, ils entendent la musique dans notre futur. C'est ça. Et ben, parti, c'est parti, premier extrait, allons-y, premier morceau. J'ai pas commencé par un très très dur. C'est bien, c'est bien. Le début est chaud, hein. Même moi je l'avais sous les yeux, j'ai pas réussi à deviner. Donc, c'est pas facile. Hein. Bon, ils l'ont, je pense, sur le chat aussi, ça va vite arriver. Ouais, nous en parlions il y a un instant d'ailleurs. Donc. C'est bon, Jurassic Park. Juste, c'est ça. Ouais, voilà. Homecoming, l'histoire d'une maison mutante perverse. Ah oui, bah oui. Indiana Jones, alors, eh bien, c'est faux. C'est pas très bien. J'arrive à piéger les gens, ça me fait plaisir. Ça. On est, c'est... Après, de mémoire, c'est le même compositeur. C'est le même compositeur, absolument. Mmh. Il s'agit de... Bon, vous l'avez tous? Oui, on oui. y va. 1, 2, 3, c'est Star Trek. Non, c'est Star Wars. C'est un truc, hein. Oui. Espace, ultime frontière. On dirait la soupe aux choux, en fait. C'est ça, c'est la denrée, en fait, qui est venue enregistrer chez moi. Absolument. petite pensée à tous ceux qui écoutent cette émission dans le métro ou ailleurs et qui saignent actuellement des oreilles. Le chat nous informe que tous les morceaux de John Williams se ressemblent sous l'eau. Mais c'est vrai, mais oui, très juste. Faudrait tester. Ah, mais c'est ça, a été fait. Hein. Il y a des gens, des Américains, une étude très très sérieuse. Allez, morceau suivant, comme le deuxième, c'est parti. Bel organe. Merci. La fin était très longue puisque c'était la fin du morceau. Est-ce que ça a été un moment précieux pour toi? Je ne vois pas de quoi tu parles, mais oui, tout à fait, tout très à bien. Fait. J'espère que ça a été un moment unique. Mais oui, et d'ailleurs, ceux qui connaissent la réponse sauront de quoi tu parles. Excellent, excellent. C'était la blague. Est-ce que tu vas dire qu'on va tous se retrouver? Et former une communauté. Exactement. Ouais, mais alors attention, parce que franchement, si on mange trop, on aura un anneau gastrique à la fin. C'était la blague. Cette blague était vraiment marrante. Le Seigneur des Anneaux. Je pense qu'il voulait ajouter un A à la place du A, oui. Sinon ça marche pas très bien. On saigne des oreilles. Vas-y, bah réponse du coup, on va voir c'est si c'est ça. C'est le blanc saigne. Ouais. Ah oui, elle dure longtemps cette note. J'étais tout bleu à la fin. Parfait. C'est Avatar. C'est ça. Absolument. Et bah allez, enchaînons, morceau suivant, ne perdons pas plus de temps. C'est drôle. Ça semble un peu plus compliqué, ouais, là. Aucune fucking idée. Moi non plus. C'est vrai? Ah, je vous ai eu. On va peut-être pas Non, on va pas subir le supplice de réécouter ça. Je sais pas si sur le chat ils ont une réponse. Mais en tout cas, nous allons sans plus tarder écouter la réponse. Bah oui, forcément. Je n'ai absolument pas honte. Oui, absolument. Et je vais passer pour un con, mais c'est quoi? Alors, c'est Retour vers le futur. Ah. Du coup, ça fait 20 ans et du coup, j'étais trop jeune. Et voilà, c'est ça. Et bah, sans plus tarder, enchaînons. Moi, le prochain. J'avais déjà 20 ans. Le prochain devrait être un peu plus facile. Allons-y. J'ai. Ok. Pas mal. Parce qu'il y a de la variance quand même. Eh ben, bien sûr. Je dois être trop jeune, du coup. Oui, dans ce sens-là. On en a parlé pendant l'émission. Oui, alors c'est vrai. À plusieurs reprises. Et c'est un compositeur qu'on a déjà entendu dans ce quiz d'ailleurs, qui fait toujours les mêmes musiques. C'est ça qu'on a dit. Sous l'eau. Sous l'eau, voilà. Ouais. D'autre côté, ce mec a fait 90% de ce qu'on écoute en culture geek. Absolument. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Oui, sur le chat, ils ont trouvé. Eh oui. Donc Brownie a trouvé. On peut balancer la réponse. C'est parti. Ah, mais c'est ma sœur. C'est Harry Potter, absolument. Ce thème-là est magnifique. Ouais. Oui, par contre, même si t'as pas vu les films, écoute au moins la BO qui est mortelle en lisant les bouquins. Ouais, ouais. J'ai pas vu tous les films non plus, je me suis lassé, mais. Ouais. Non, c'est vraiment une petite tuerie cette BO. Alors, John Williams n'a pas fait tous les épisodes, mais pour moi, le premier et le troisième film en termes de BO sont des petits bijoux. Enfin, c'est absolument incroyable. Personnellement, je dirais même que c'est ceux-là qu'il faut revoir en fait. Le 1 et le 3, ouais. Je suis assez d'accord aussi. Passons à l'avant-dernier morceau ça de va. Ce quiz formidable. Formidable. C'est le Connemara. C'est pas le plus facile. Hein. Oh, je me noie avec... C'est l'homme de l'Atlantide. C'est ça, absolument. Là, c'est quand il a la tête dans son slip. En tout cas, c'est lui. C'est lui qui l'interprète, en tout cas. Je n'ai pas assez. Tu l'as pas? Non, je... Ah ouais, sur le chat, on propose la petite sirène. Alors, c'est pas la petite sirène. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des bruits d'eau que c'est la petite sirène. C'est Titanic ? C'est pas Titanic non plus. La deuxième moitié. C'est le même réalisateur, par contre. Ah là là, allez, on peut balancer la réponse. Cameron. C'est parti. Ah bah, tu vois, je me posais. Terminator. Ouais. Non. Ah ouais. J'étais pas sûr, j'étais vraiment, vraiment pas sûr. C'est vrai. J'avais une image, j'étais pas sûr et bien joué. Ah, on fait moins les malins. Putain, mais moi je connaissais même pas la musique originale, quoi. Sérieux? Ah, j'ai vu les films aussi, mais alors, franchement, ça mérite un morceau de cash. Allez, on va arrêter. Ah oui, oh oui. On va arrêter ce supplice et passer au dernier, sixième et dernier morceau. C'est parti. Ah, Ah oui, c'était court, c'est vrai, j'avais oublié que c'était aussi court. Alors, est-ce que vous l'avez... Star Trek. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il... Ah oui, pardon, tu peux... Attends. J'ai oublié de couper. Pardon, excusez-moi. On s'en fout de la fin, c'est pas grave. D'accord. C'était le début du jingle, bref, on s'en fout. Donc vous l'avez pas... C'était moins évident celui-là. On peut balancer la réponse tout de suite et en finir. Alors pour Vianney qui dubitatif, il s'agit de Jurassic Park du coup. Ah bah pareil, voilà. J'avais 6 ans. Tu l'as pas revu depuis ? Non. Mais il a le droit. Et je les ai acquis de manière tout à fait absolument illégale il y a peu, donc je devrais pouvoir le refaire. Ah, formidable. Mais j'avoue que j'ai vraiment du mal à me lancer. Je ne les ai jamais vus. C'est vrai ? Excellent. Jamais. T'as lu le bouquin ou pas ? Ah ouais, de Michael Crichton. Ouais. Et il est bien ? Ah ouais, c'est très bien. Moi j'adore Michael Crichton. Ok. Il y en a un par exemple qui est vraiment génial, c'est Sphère. Le film est pourri. Ah. Ouais, le film est vraiment nul. Le livre est délicieusement claustrophobe. Moi j'aime bien la merde, hein, on est d'accord. J'ai bien aimé Sphère. Ouais, mais quand t'as lu le bouquin avant, franchement. Oui, c'est possible. Dustin Hoffman, c'est l'époque où il cabotine beaucoup, là. Tu sais, il fait des trucs. Ah oui, oui. Il n'y a pas Samuel L. Jackson dedans ? Si. Non. Tu veux dire, il y a une théorie, c'était Weinstein le producteur ? Ah. Ouais, non, mais si, enfin, ouais, je l'avais revu récemment, il y avait 2-3 clichés, bon, voilà, mais lui-même, oh, ça allait, ça. Bon. D'accord, et donc, je savais pas que c'était lui qui avait écrit le bouquin, du coup, mais ok, excellent. Ouais, c'est Crichton, ouais. Trop bien. Eh ben, parfait. Merci à tous d'avoir. D'être restés, en fait, pendant ce jeu. Ça me fait. Non, mais ça là, me fait très plaisir. Notre réalisatrice ne vous le dit pas, mais on a perdu 50% des. Alors, si jamais je peux vous proposer quelque chose à vous, auditeurs, qui êtes sur YouTube, tout ça, allez juste écouter. Alors, pas l'épisode entier, parce que globalement, c'était raté, c'était la première. Mais écoutez ce jeu et écoutez surtout. Je crois le dernier extrait de Valentin pour ce premier extrait du quiz sous l'eau là, c'était fabuleux. Il a failli se noyer et mourir au moment où il l'a enregistré. Et c'est très drôle. C'est vrai. Un jour quand on n'aura pas la flemme, on le découpera en épisode et vous pourrez y accéder facilement. Quand on n'aura pas la flemme, par contre. C'est ça. Est-ce que alors qui est mieux que de découper dans un coffre. Bien sûr. Est-ce que par hasard c'était la blague. Eh parfait. Je te propose peut-être de garder la main, petite question improvisée. Est-ce que tu as éventuellement un kiff du moment, quelque chose du moment dont tu voudrais nous parler ou... Alors c'est un livre. Ah, j'ai le droit ou pas ? Étonnant. Bien sûr. Alors ça s'appelle Des sorciers. Non, je blague. Non, en plus c'est un roman historique. C'est même pas de la SF, mais ça pourrait être un poil fantasy. Alors fantasy IE, je dirais, comme ça, pour atténuer l'effet fantasy. Ouais, d'accord. En fait, c'est juste parce que c'est une histoire fantasy. Qui se passe... exactement, fantaisiste un peu. C'est une histoire qui se passe dans la Byzance du XIe siècle. Et en fait, c'est une succession de lettres d'un nain eunuque qui s'appelle Nicétas. Et en fait, ce nain eunuque, il adresse des lettres à un philosophe. Il y a encore beaucoup de blagues à faire avec ça. Oui. Il adresse ses lettres à un philosophe qui a vraiment existé, donc qui s'appelle Michel Psellos. Voilà. Alors, le philosophe a existé, mais les lettres et le nain n'ont pas existé. Non, c'est ça. Non, en fait, ce Michel Psellos a écrit des chroniques, et en fait, il imagine que ces lettres, justement, ont été retrouvées un petit peu dans ses chroniques. Mais en fait, ce sont des lettres d'amour que ce nain envoie à ce philosophe. Voilà. Et en fait, ces lettres sont un gros prétexte à nous raconter en fait cette Byzance du XIe siècle et notamment la vingtaine d'années du règne d'une reine qui s'appelle d'une reine qui s'appelle Zoé Porphyrogénète. Attention, j'ai réussi à le dire. Balèze, balèze. Le règne d'une reine, c'est compliqué. Par contre, le Porphyrogénète, ouais. ça passe tout seul. Bah, en fait, parce que moi, je me suis dit, il faut que je retienne Porphyre. Et puis après, Zoé Porphyrogénète. Porphyrogénète, t'y arrives très bien. Ah, on dirait un plat de cuisine. Oui. Tiens, je te sers des Porphyrogénètes. Bah, alors voilà, voici la porphyre aux genettes du patron. Ouais, tu peux trouver plein de façons de réussir à le dire, tu vois. C'est vrai. Hein bon, et puis en tout cas, ces lettres, d'une part, sont magnifiquement écrites dans cette Byzance, en fait, qui est une Byzance complètement décadente et où, d'un moment à l'autre, un règne peut s'arrêter. Donc en fait, on est en 115 pages. C'est une sorte de mini trône de fer condensé en 115 pages. Ouais, c'est hyper court. Ouais, c'est ça. Et où on se rend compte en fait que la réalité du trône de fer, Eh ben, elle est peut-être moins pire que celle de la réalité historique de cette période-là. Parce que les faits sont des vrais faits. Ah ouais, ce sont des vrais faits. Il n'y a que la forme qui n'est pas... Exactement. Et non pas des vrais faits. Mais non. Tout à fait. Mais il y a quelques potions de sorcière dedans, dans mes souvenirs quand même. Hein, parce que cette reine est une adepte un petit peu de la sorcellerie aussi. Et alors c'est superbement écrit, il y a beaucoup d'humour aussi. C'est un auteur, enfin une autrice qui s'appelle Anne Karen, qui habite à Bruxelles mais qui est française, hein, et qui a un sens de l'image, je trouve, assez incroyable. Moi, c'est le genre de bouquin, tu t'arrêtes sur certaines phrases parce que c'est trop beau, quoi. Ah ouais. Quand même. Et t'es un peu jaloux, quoi. C'est-à-dire, pour ceux qui lisent de la fantasy, en plus c'est vachement bien. Il y a ce côté fantasy historique justement qui pourra plaire notamment et même en termes d'écriture à ceux qui ont lu des auteurs comme Jean-Philippe Jaworski ou même Justine Niogret par exemple qui a fait Gueule de truie ou Mordre le bouclier. Voilà, c'est ça, Mordre le bouclier. Voilà, on a vraiment ce sens de l'image allié à cette faculté très très avec cette faculté à recréer un cadre historique qui a là pour le coup réellement existé, mais enfin c'est un petit bouquin, hein, sans casse-page, c'est magique, quoi. Tu restes sur le cul de A à Z, quoi. C'est, enfin, moi c'est ma grosse claque du moment, j'avoue que... Et c'est sorti là récemment, c'est ouais. ça. Ouais, alors j'ai pas dit le titre, c'est sorti en mai d'ailleurs. Ça s'appelle Rouge encore du baiser de la reine, parce qu'évidemment il y a ce petit nain eunuque qui est vraiment à la botte de cette reine, hein. C'est vraiment son confident et tout, hein. Il fait tout pour cette reine là, hein, y compris la masser, machin, tout ça, bref, pas de problème. C'est écrit donc par une femme qui s'appelle Anne Karen. Et c'est publié aux éditions Kidam, que je ne connaissais pas vraiment jusqu'à présent. Mais bon. Il faut dire que si on regarde juste la couverture, on pourrait typiquement penser plutôt à ces fameuses collections blanches avec des titres un peu proutes. Du coup, moi je l'ai lu parce que tu me l'as conseillé, je l'ai dévoré. 115 pages, ouais. C'est. Pff, ah oui, c'est. C'est intense. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est, en effet, c'est en quelques mots, en fait, il arrive à faire appel à notre imaginaire. qu'on a tous en fait de certaines choses collectif exactement, imaginaire collectif d'un lieu. Donc Justine Niogret, je trouve que là où elle est très très forte, c'est en effet un égout ou une ferme au Moyen-Âge. En quelques mots, elle nous pose le truc et on voit tout de suite ce qu'elle veut nous dire. Et donc là l'autrice, c'est Byzance, quoi. Donc c'est des couleurs, c'est des sons, c'est des odeurs, c'est fou. C'est du sexe, du foutre. Merci. Aussi, hein, oui, voilà. et l'odeur qui va avec. Ah, le titre de l'œuvre, peux-tu le rappeler, s'il te plaît, alors, Xavier? C'est Rouge encore du baiser de la reine. Rouge encore du baiser de la reine. Ouais, ce tandem mongeon. Alors, encore, c'est à l'ancienne, donc c'est sans E. Voilà. C'est les éditions Kidam. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage de kiff du moment. Bah écoute, c'était un vrai plaisir, c'était un vrai kiff. Donc, c'était quoi, du coup, comme rubrique? C'était. Le kiff du moment. Alors, cela m'arrangerait particulièrement que mon collègue et comparse Valentin revienne d'un pas trop longtemps. Il peut pas, il est en train de picoler. Car dans le frigo. Sinon, je vais me faire moi-même le lanceur de ma propre rubrique, ce qui est assez étonnant, mais je peux m'y essayer. Ou alors, on peut discuter de tout et de rien. Surtout de rien. Ouais, en fait. De rien. C'est bien parce que tu peux le... Voilà, balancer du rien comme ça, comme ce que je suis en train de faire, ce que je dis n'a vraiment aucun intérêt et j'ai même du mal à le dire pourtant. Mais bon, on va pouvoir se la tenter, à mon avis, on n'a pas besoin de Valentin pour ça, il ne sert décidément pas à grand chose, et donc on va passer à... La rubrique de Vianney. De qui? De Vianney. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'Imaginarium. Imaginarium, c'est un jeu qui nous est proposé par un duo d'auteurs français. Le premier se nomme Florian Siriex, il s'agit d'un jeune auteur qui a déjà officié sur Deal Gentleman Collectionneur et Au Capitaine. Le second auteur devrait vous dire quelque chose si vous êtes un tant soit peu versé dans le milieu du jeu de société, puisqu'il s'agit de Bruno Catala, l'un des auteurs les plus prolifiques du milieu et, entre autres, auteur de King Domino ou Five Tribes, et co-auteur de Mr. Jack, Abyss ou encore du sublimissime Seven Wonders Duel. L'éditeur de ce jeu n'est autre que Bombix, une maison d'édition qui a du goût, puisqu'elle vient de l'endroit qui a permis ceci. Ou encore des choses comme ceci. mais surtout, surtout, ceci. Ceci, je t'aime. Je mangerai Kyo dans toute l'île et vilaine avec du Laribo, du Laribo. Espèce de seul. Donc, il s'agit bien sûr d'une maison d'édition bretonne, qui est donc forcément d'exception. On lui doit notamment les jeux Timeline, Takenoko ou encore Captain Carcass. Mais qu'est-ce que c'est donc au juste qu'Imaginarium, me direz-vous ? Eh bien, Imaginarium, c'est un jeu jouable de 2 à 5 joueurs et dédié à un public plutôt initié. Entendez par là qu'il sera compliqué d'y jouer avec votre grand-mère, qui ne joue qu'au Scrabble, mais qu'il n'est pas non plus nécessaire d'avoir écumé l'intégralité de la ludographie de Bruno Catala pour pouvoir s'en sortir. Dans une partie d'Imaginarium, les joueurs incarnent des machinistes fous qui vont tenter d'amasser plus de richesses que leurs adversaires en fabriquant et démontant toutes sortes de machines. C'était l'instant résumé. Le jeu se présente donc comme un jeu de cartes de développement. Entendez par là qu'il faudra, en partant de rien ou presque, trouver une manière efficace de se développer, hein, en récoltant diverses ressources et bonus. Pour causer un peu techniquement, dans Imaginarium, il y a 3 types de cartes. Les objectifs, qui sont visibles de tous et qui nous rapportent des points selon certaines conditions. Les personnages, qui une fois acquis, permettent aux joueurs d'acquérir des aptitudes bien spécifiques, des petits pouvoirs, qui vont orienter leurs futures décisions stratégiques. Et enfin, le cœur du jeu, les cartes machines. Parmi celles-ci se trouvent donc des machines qui permettent de produire, transformer, voler ou encore protéger des ressources. Ressources qui nous serviront à acquérir à leur tour des cartes, et si vous avez un peu suivi, vous aurez compris le schéma classique du jeu de développement. Acheter pour mieux produire, pour ensuite mieux acheter, et ainsi de suite. L'idée ici, par contre, sera de le faire le plus vite possible. Alors les petits PD, ça va ? On se prend pour Schumacher ? Puisqu'il s'agit avant tout d'une course au point. Il faudra bien faire attention à ne pas vouloir rentrer dans des combinaisons de machines extrêmement puissantes si cela demande trop de temps à mettre en place. C'est tout simplement pas le but du jeu. Puisque le but du jeu reste évidemment, et bah de gagner ! Tu jettes un œil dans ton rétro au cas où je serai déjà derrière toi au deuxième tour. Ça sert à rien que tu te tapes un tour gratuit, hein, ma poule. Mais c'est pas tout. L'originalité d'Imaginarium réside en 2 points et le premier est mécanique. À chaque tour, les joueurs choisissent d'effectuer un couple d'actions. Le problème, c'est que tous les couples ne peuvent pas être choisis. C'est simplement pas un jeu de liberté en fait, Calice. Il s'agit là d'une... Je n'y arrive pas à enchaîner avec les trucs québécois, c'est trop dur. Il s'agit là d'une mécanique assez originale qui impose un tempo étonnant et offre un sentiment de frustration plutôt bien équilibré. Bon. Après 3 minutes de ma chronique sans en avoir parlé du tout, pas même en introduction, vous vous doutez peut-être du second point que je vais aborder. Vous aurez donc peut-être noté que contrairement à ma première rubrique sur The Mind, je n'ai parlé ni d'illustrateur ni d'illustratrice. Et pour cause, l'un des plus gros marqueurs identitaires d'Imaginarium réside dans ses illustrations, sublimement réalisées par Felideus Bubastis. Felideus Bubastis, donc, c'est un illustrateur espagnol qui a déjà officié par le passé sur le jeu Captain Carcass et sur la dernière édition de Walk the Plank. Il semblerait toutefois qu'il se concentre plutôt sur d'autres milieux pour exercer son art, et je vous invite très très fortement à aller faire un tour sur son site internet www.felideus.com. Il y a du vraiment magnifique. Des illustrations très originales, qui représentent des sortes de machines animales ou d'animaux-machines, hein, c'est difficile de trancher, qu'on pourrait un peu rapprocher des fameuses machines de l'île de Nantes. Le tout offre un rendu complètement hallucinant qui dépeint ce que Bombix qualifie d'univers... Steam onirique ? Hein ? Il s'agit d'un univers Steam onirique. Ah ! Du Steam onirique. Le fameux mélange entre un univers steampunk et un univers... onirique ? Eh ben ouais, putain, onirique. Bref, un truc qui dépayse totalement. Les illustrations se rapprochent de photomontages tantôt poétiques, tantôt effrayants, et peu de jeux aujourd'hui se démarquent autant graphiquement qu'Imaginarium. Il est franchement très agréable de voir que des éditeurs comme Bombix continuent de pousser le jeu de société pour l'amener sur des terrains artistiques différents. Et même s'il est certain que ce genre d'illustration ne fera pas l'unanimité, parce qu'elles sont inhabituelles et démontrent un réel parti pris, on ne peut tout simplement pas enlever à Bombix et Felideus Bubastis le fait qu'ils tentent de belles choses et ne se contentent pas de reproduire ce qui a déjà été fait. Je tenais donc à leur tirer mon chapeau. Nous tenons à préciser à notre auditoire qu'aucun chapeau n'a été maltraité durant cette chronique. Pour terminer, j'aimerais tout simplement vous dire qu'Imaginarium fait partie de ces jeux qui ne laissent pas indifférents. Par son adéquation mécanique et thématique assez forte, qui nous immerge en profondeur dans un univers hyper original, par une frustration intense de ne pas avoir fait assez d'action, de ne pas avoir fait tout ce qu'on voulait, ou encore grâce à ces fameuses cartes personnages qui bouleversent totalement la façon de jouer d'une partie sur l'autre. Pour toutes ces raisons, Imaginarium tape très fort et ne donne après la première partie qu'une seule envie, celle de rejouer. Ah oui, mais j'ai droit à ma revanche d'hier soir, dites donc. J'ai eu du mal à digérer vos 70 points là. Avec quel mot déjà ? Homicide. C'est tout pour moi pour cette chronique, et vous l'aurez compris, je vous invite très fortement à essayer Imaginarium si vous êtes ne serait-ce qu'un tant soit peu familier avec l'univers des jeux de société. J'avais prévu une petite fin écrite, mais étant donné ce qui s'est passé durant cette émission, je ne vais même pas la faire. Vous vous rendrez compte que je fais référence à quelque chose qui s'est passé dans l'émission, et je te laisse envoyer le dernier petit jingle. Qu'est-ce qu'il y a ? Faut deviner ce que c'est ça ? Si vous voulez. C'est toi qui l'as fait ? Oui. Alors c'était même pas... Ah, c'est drôle. Ça, c'est excellent. Je ne savais pas que tu allais faire ça ce soir, du coup c'est très drôle. Forcément, c'est excellent. Je sais pas ce que c'est. Alors cherchez un jeu de mots bien pourri avec le titre et le rapport avec le jeu de société. Avec Imaginarium ? Ouais. Imaginarium du Dr Parnassus, je sais pas. Si, qu'est-ce qu'on met dans... Où est-ce qu'on met les poissons ? Dans l'aquarium. Ouais. La vie aquatique. Et donc avant Arium, il y a... À quoi ? Du jeu. Man. Le jeu, c'est... Le jeu Aquarium, Imaginarium, tout ça. Avant Arium, dans le jeu, il y a écrit... Imagine à quoi ? Imagine. C'était... Imagine Aquarium. Imagine. De John Lennon. Ah ! Oh putain ! Oh la vache ! Est-ce que... Attends, tu peux le repasser ou pas ? Oui, mais je l'ai reçu l'extrait. Ouais, vas-y, remets. Moi, je pensais que c'était ce n'est qu'à nous revoir, mes frères. Ouais, on l'entend derrière. À la fin, je l'ai volontairement mise un peu pour que si on puisse reconnaître, mais je constate c'est que c'était trop court. Et puis, oui, c'était pas du tout alambiqué. C'était vraiment drôle de partager ce moment par la pensée avec toi quand j'ai enregistré, parce que j'ai beaucoup pensé à toi, Valentin, et j'ai pensé à tout ce que tu disais la première fois, que tu avais failli te noyer, tout ça. J'ai pas failli me noyer, par contre, ce qui est drôle, c'est que comme moi j'ai une longue barbe, à la fin de chaque enregistrement, il y a un long dégoulis. Est-ce que toi aussi, tu as utilisé la technique de la serviette que tu mets à côté pour, dès que tu as fini, tu te plonges la tête dedans pour t'éponger ? Pas du tout, parce que je suis un gros sale, je m'essuyais donc avec mon sweat ou mon t-shirt. Ah, merci beaucoup. Merci en tout cas. La culture geek. Faudrait que j'y joue pour me rendre bien compte du truc. Oui. Par contre, en plus, c'est pas images. Super long. T'as joué toi ouais, du coup, j'ai fait une partie avec ma femme. D'accord. Très bien. Des amis. Et c'était d'ailleurs un de vos gros coups de cœur de Cannes il y a quelques années. Alors moi je l'ai pas testé. Alors le festival de Cannes, qui rappelons n'est pas forcément un festival de cinéma, parce que moi ça m'a perturbé au début. C'est vrai. Il s'agit du FIGE, du Festival International des Jeux, qui se déroule à Cannes. Voilà, ouais, ça a l'air trop bien. Ouais. Cannes, il y a plein de trucs. J'invite les gens à y aller. Bien y aller. Ouais. Et oui, en effet, il l'avait repéré il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. 3 ans, en tout cas. Les dessins sont assez. Une fois, moi j'y étais pas. Et il me l'avait survendu. Et non, il me l'a justement pas survendu. Pour l'anecdote, je crois que au moment où ils l'ont essayé, donc je pense qu'on est en 2018, ça devait être en 2016. Au moment où ils l'ont essayé, je crois que Florian Siriex venait tout juste de se mettre à travailler avec Bruno Catala, puisqu'en gros, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, le jeu est plutôt parti de Florian Siriex, et puis a trouvé avec Bruno Catala, à mon avis, un certain ping-pong, et Bruno Catala a dû, avec son expertise et son expérience des jeux de société, pouvoir l'aiguiller pour trouver un petit peu les points qui... Enfin, corriger les points qui devaient mal fonctionner, et donc ils ont fini par faire le jeu à deux. Je confirme que c'était exactement à ce moment-là. Moi qui ai un esprit un peu hyperactif et qui aime pas du tout apprendre les règles, est-ce que comme The Mind on apprend ça super vite ou... Pas du tout, ma gueule. Ah oui, ça n'a rien à voir avec The Mind, ouais, c'est quand même plus... mais ça reste. Non, mais assez ça a l'air accessible quand même comme jeu. Alors, mais... oui, j'ai essayé de le présenter de manière relativement simple pour essayer justement de pas rentrer dans le détail des règles parce que ça m'intéresse pas et que je trouve ça terriblement chiant. Mais, et en plus, pas du tout radiophonique. Mais du coup, faut savoir qu'il y a quand même une dizaine de pages de règles qui font plus qu'un A4 puisque c'est un format carré. Ah oui, d'accord. Et alors même si ces pages sont extrêmement aérées, extrêmement illustrées, bourrées d'exemples et tout ça, c'est quand même un jeu, c'est ce que je disais en préambule, c'est un jeu fait pour initier. Quoi. Ouais, et t'as un détail des pouvoirs aussi dans la règle. En plus. Mais ah oui, okay, c'est un jeu où tu as besoin d'un détail des pouvoirs. Tout à fait. Voilà. En fait, ça, parce que la mécanique du jeu, tu l'as plutôt bien expliqué. elle est relativement simple. En fait, c'est tous les petits détails qui sont problématiques. Ouais. Et dans une première partie, tu vas forcément vérifier oui, ça. Bien sûr, bien sûr. Il y a quand même beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de petits points de règle. Le jeu s'explique pas en 2 minutes. Voilà, c'est ça. Moi, je l'ai expliqué plusieurs fois, du coup, là, ces derniers temps. Il s'explique à peu près entre 5 et 10 minutes. Tu te fais 2-3 parties, t'es rodé, mais. Ce qui reste une suffit. Ah oui, une suffit quand même. Au bout de 4-5 tours de jeu, t'as compris exactement comment faut jouer. Alors, par contre, tu t'es peut-être raté sur tes 4 premiers tours. Mais... Tu t'es sûrement raté parce que. Tu l'expliques peut-être. Oui, c'est évident. Ouais, même si c'est mal expliqué. 4-5 tours de jeu, normalement t'as compris comment ça marche. Bon, après, sauf si tu joues pas au même jeu. Mais ça donne envie, hein, cela dit. Ce qui est fort, c'est que tu peux jouer à un autre jeu si tu oublies que. Et ça, c'est très facile. Si tu oublies que le but, c'est de faire des points ou de l'argent. Je sais plus quel. Le but, c'était pour ça que j'ai mis 2 extraits de Taxi pour insister. Ouais. Le but, c'est que c'est une putain de course. Et je l'explique tout le temps. La dernière explication que j'ai faite, j'ai dû dire au moins 12 fois. N'oubliez pas, le but du jeu, c'est pas de faire un super développement, c'est d'aller plus vite que les autres joueurs. Je l'ai répété 12 fois pendant la partie. Et je peux vous assurer qu'à la fin de la partie, il y a une des personnes qui m'a dit eh ben, en fait, j'ai oublié, je m'éclatais bien, je faisais mon petit développement, ben, j'ai terminé dernière. Et parce que t'as trop envie, en fait. Tu fais plein de trucs, tu t'échanges des ressources, tu te développes, prends une nouvelle machine qui est meilleure que la précédente, tout ça. Tu fais des super combos. Sauf que, en fait, bah, c'est bien mignon, mais si toi t'es en train de faire des super combos, bah, moi j'ai peut-être déjà 20 points, t'en as 3, quoi. Et après, certes, si la partie se jouait en 70, t'irais peut-être plus vite que moi à 70, mais la partie se joue en un timing très serré. Et en assez peu de points, en 20 points, justement, je crois. C'est que... ça. Donc, c'est 20 points, une partie, une fois que tout le monde a les règles et que tout le monde est bien, bien à l'aise avec, c'est quoi, 20 minutes, une demi-heure? Ah non, c'est plus proche. Ça va dépendre du nombre de joueurs parce que c'est toujours pareil, un jeu dépend du nombre de joueurs, mais c'est entre 40 minutes et 1h30, ça va dépendre du nombre de joueurs. Ah oui, c'est assez dense quand même. 1h30, je pense que. Enfin, ça va dépendre. Mais 5 joueurs, je pense que. Au moins 40 minutes, déjà, ça donne une idée. C'est ça. Je pense qu'on est avec des joueurs expérimentés qui maîtrisent et qui réfléchissent pas trop, tu peux peut-être descendre à 1h15, mais enfin, ça demande quand même de tracer. Et le but de ce genre de jeu en général, c'est pas de se speeder, c'est aussi de prendre son temps. Ironiquement. Excellent. C'était la blague. Et voilà, merci. En tout cas, il est très très beau. Et ben oui, effectivement, j'ai vu quelques. Et alors, c'est drôle parce que du coup, vu que tu relances, je me suis obligé. J'en ai parlé parce que je salue de folie le choix artistique éditorial. Par contre, c'est un choix auquel je n'adhère pas du tout. J'ai essayé de ne pas le laisser transparaître, mais ça ne me parle pas, ça me laisse complètement froid. Il y a un univers qui se dégage, et c'est ça qui est super. Hein, c'est que du coup, bah, au moins c'est tranché, quoi. C'est un parti pris. Je préfère ça que les trucs hyper conventionnels qu'on a déjà vu 70 fois. Ouais, bon, ça fait un peu penser à des affiches. Mais tu parlais des animaux, enfin des machines de Nantes, là, mais ça fait penser un peu à ça, à des affiches, des vieilles affiches, en fait. C'est assez compliqué à décrire, mais il y a un aspect un peu de vieux cirque, en fait. C'est ça, de vieux cirque, absolument, c'est ça. Et pour le coup, je trouve ça assez stylé. C'est pas forcément le truc que je veux avoir chez moi, mais je trouve ça assez stylé. Alors, je vois que je profite de voir que le chat Audrig nous demande si on parle de jeux de société ce soir. A priori, c'était le moment, l'instant jeu de société. L'instant qu'il arrive au bon moment. Hein. Qui vient de se terminer. Voilà. voilà. Absolument. Quoique, peut-être, je sais pas, peut-être qu'un des kiffs du moment de mes camarades ou de moi-même seront également un jeu de société. Qui sait? Moi j'en ai pas donc. Moi je sais, mais. Mais on va arrêter de parler de jeux de société, on va parler tranquillement de films. On va parler tranquillement de films avec. Écoute, Armel hein, qui va nous parler. Ah, mais film. Oui! Mais oui, c'est vrai! Oui, c'est à toi, oui, c'est qui vrai. Va nous parler d'un film sorti il y a une petite année maintenant. Et oui, tout à fait. C'est donc la rubrique d'Armel. C'est la rubrique Retour vers le film. Vers le film, absolument. La rubrique d'Armel. Donc ça, c'est la rubrique d'Armel qui va nous parler donc d'un film sorti il y a un an, qui est donc la rubrique d'Armel. On s'est peut-être un petit peu craqué. Non, pas du tout. Dans les titres non. Tes divers jingles, c'est possible. Absolument pas. Tu as une question. Oui, il faut t'expliquer. Oui, non, en effet. Non, c'est même pas ça. Est-ce que tu vas nous parler de l'Armel des 12 singes? Excellent. Cette blague était vraiment marrante. Donc pour rappel, on est en quelques minutes, je vais vous parler d'un film qui est sorti l'année dernière, que j'ai vu l'année dernière et que du coup je me force avec de très gros guillemets à revoir pour en tirer une autre expérience, me dire voilà un an après, qu'est-ce que j'en tire. Alors avant, on va rigoler parce que certains d'entre vous ne savent pas de quel film on va parler. Je vais vous faire un petit speech et vous allez essayer de deviner. Est-ce que vous êtes prêt? Moi je suis prêt. C'est évidemment je sais. Un pitch un petit peu parce que mal mené. Ouais, si je puis dire. Moi je sais pas de quoi tu vas nous parler. J'ai une idée mais c'est peut-être pas ça. Ça marche. Alors c'est l'histoire d'un chien. Donc un c'est pas ça. Un chien avec un transit un peu particulier et son maître et sa copine le laissent tout un week-end Et du coup, il va passer le week-end un petit peu tout seul avec le meilleur ami de son maître. Ce meilleur ami qui est assez inquiet et qui fait des allers-retours à la police parce qu'il semblerait que son maître a disparu. Est-ce que vous voyez de quel film je parle ? Moi, je sais, mais du coup, bah, je savais. Voilà. Si, ok. Si, si, j'ai oublié cette histoire de chien. Si, si, c'est ça. Le vagabond. C'est, il est un peu... Cet homme a un embonpoint certain, celui qui va... Ok, donc c'est oui, bon, je l'ai. Tout à fait. Est-ce qu'ils l'ont ? Alors, donc c'est un film qui est sorti pas précisément l'année dernière, mais en gros, enfin quoi que. C'est sorti précisément l'année dernière, oui, mais pardon, pas mais précisément pas il y a un an pile. Voilà, ouais, c'est ça. Mais on n'est pas très loin, je crois. C'est, c'est chaud. À 10 jours près, je crois qu'on est bon. Hein. Et en fait, je. Non, c'était le 15 mai, je crois. En fait, tu vois, je n'aurais pas su parce que j'avais une idée du film, mais effectivement, en mettant en relation, c'est ça. Mais sinon, c'est trop dur. Oui, oui. C'est vraiment trop chaud. Je vais donc c'est Get Out. Évidemment, c'est pas du tout une histoire de chien. Non. Le chien est un truc totalement secondaire dans l'histoire. Ça, voilà, c'était juste. Mais c'est bien joué, bravo. Pour vous, pas vu. Pour vous faire galérer. Non, pardon, il est sorti le 3 mai, le 3 mai 2017. Donc je triche un peu, ça fait précisément 13 mois. Non, rien, moi. C'est ça. C'est un film qui a été accueilli par la critique mondiale comme un chef-d'œuvre, un pamphlet magnifique contre le racisme, une merveille d'écriture. Alors, pour vous situer rapidement ce qu'est Get Out, je vais évidemment essayer de. Rien spoiler, c'est normalement ça devrait être jouable. Oui. On suit un couple, comment dire, une américaine blanche de peau ouais. et un américain noir de peau qui s'en vont donc chez les parents de la copine. Tout se passe plus ou moins bien, sauf qu'on découvre là-bas que quand même le racisme ordinaire, bah il est là. Et puis il y a des trucs un petit peu chelous, il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui se comportent bizarrement, voilà, voilà. Et puis il va se passer des trucs et des machins, il va rencontrer des gens, il va se passer des choses. Voilà. Bref, je ne peux pas trop vous en dire plus, à part qu'évidemment, c'est un film qui tourne autour de la question du racisme. Racisme. Alors, qui a été réalisé aussi par Jordan Peele, un noir, en effet, du coup, un noir, tout voilà, à fait. C'est son... ouais. Je vais vous lire quelques critiques. Ouais, alors, est-ce voilà. que je peux faire une petite parenthèse avant ou pas ? Je sais pas. Juste pour. Avant les critiques ou après ? Non, pour dire dans quelles conditions. Parce que moi aussi, je l'ai vu il y a un an et on en a parlé, nous deux. Ouais, je pense, déjà. Bah, je pense que c'est peut-être mieux mais... si tu le dis juste après les critiques. Bien sûr, c'était juste pour mais remettre y a ça en contexte qu'on, et qu'on avait un avis assez divergent sur ah, le ouais, truc. Ah ouais, complètement. Et que, ouais. voilà, pour ceux qui connaissent ma chaîne, n'est-ce pas ? Et qui ont vu le Cinéma Shop, vous connaissez mon avis. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Je l'avais mis deuxième, je crois. Non, je l'avais mis quatrième sur une liste de 20 films. Ça reste quand même une bonne place. Quatrième ou troisième, mais quatrième. Alors, le cahier du cinéma. Parle de mélange d'outrage et de réalisme, habile et furieusement malin. Avoir à lire, un thriller horrifique réjouissant qui, faute de renouveler le genre, utilise une thématique ethnique qui renouvelle l'utilisation d'un casting noir dans le cadre d'une production hollywoodienne. Film actu. Ce qui est arrivé de mieux au film d'horreur ces deux dernières années avec It Follows et Don't Breathe, un premier essai éblouissant marqué au fer rouge. L'écran fantastique. Pardon. Ne commettant aucun faux pas, esthétique ou narratif, Jordan Peele signe là un thriller à la frontière de l'horreur et du fantastique original et mené de main à maître. Les Inrecuptibles. Puissamment réflexif, sous ses dehors de petites grenades jouissifs, Get Out est irrigué par une véritable morale du regard qui n'a rien à envier à celle de Michael Haneke ou de Steve McQueen. Libération. Le coup de force de Get Out repose tout entier sur un déplacement, presque un reversement du regard au profit d'une perspective racisée. Cette fable carpentérienne à la mise en place chirurgicale fait ainsi naturellement de l'œil son principal motif. Je vous invite à la relire. Ouais, c'est chaud à celle-là. Comprendre. La forme est très empoulée. Voilà. En fait, c'est trois phrases fou, hyper pas. Détaillées pour ouais. dire globalement oui. « Ah, c'est chouette, ça a renversé les positions. » Merci. « Je suis critique de cinéma dans un grand journal. » Je connais le 69. Voilà. Marie-Claire, à la fois ludique et politique, malin et flippant, le film rejette la bienséance et s'impose comme une œuvre antiraciste fondamentale. Télérama. Ça, c'est bien écrit. On l'attendait. Oui, oui. Entre Blaxploitation et Frankenstein, cette série B aborde avec une exquise perversion l'inextinguible rivalité raciale qui perdure aux États-Unis. Cette série B. Roulette. Non, mais. Bon, bref, vas-y. Et je vais juste finir c'est par. C'est pas vous... faux, hein. Je vais vous citer une. Comment dire ? Je vais vous citer une citation, parce que moi, c'est bien parler à France. De Philippe Muret qui dit : L'époque autorise les esprits les plus conformistes à se croire subversifs et les puissants à se proclamer opprimés. Al. Oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Bref. Petite remarque sur le chat, Get Out aurait eu, c'est sans doute vrai, l'Oscar du meilleur scénario, j'ai pas vérifié, mais sans doute tout à fait possible. Très bien. Très bien. Moi, ça ne me choque pas. Donc. C'est bien pour une série B. Oui, c'est, ouais. Donc, j'avais vu. Pas précisément, enfin quoi que c'est possible que j'avais vu ces critiques là, je suis allé voir ce film vraiment en m'attendant à un super truc, mais genre un super film. J'ai été un gros fan de films d'horreur durant tout mon lycée. J'ai arrêté en gros quand la mode est passée au saw porn, enfin quand il fallait faire du charclage et tout, et ça me gore quoi. Ouais, du gros gore. Ça me parlait beaucoup moins. Du coup, j'ai arrêté de suivre. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses qui sont sorties de ça, mais j'ai arrêté de suivre. Entre autres, Darkwater, la version japonaise. Je vous invite à voir ce film. Il est absolument c'est terrible. De la balle. Je confirme, c'est vachement bien. Ouais, c'est vachement bien. J'ai aucune idée de quoi on parle. Merveilleux. Je n'ai pas pu prendre l'ascenseur pendant un mois. Ouais, mais je comprends pourquoi. C'est un film d'horreur japonais. C'est non, très bon. En vrai, j'ai entendu parler comme quoi c'était énorme et tout. Mais je dis bien japonais parce qu'a priori, il y a eu un remake américain. Après, je me fais pipi. Qui est peut-être chouette, j'en sais rien. Je n'ai pas voulu le voir. Il y a eu un remake américain de Old Boy soi-disant aussi, alors oui avec la vue. Je l'ai pas vu, non, je suis non, content d'ailleurs. Oui, moi aussi. Donc bref, tout ça pour dire que je suis allé voir ce film. Oui, ça va je sais pas aussi. Allez vous faire les fesses. Bref, je suis allé voir ce film en m'attendant à voir un chef-d'œuvre. Bon, ça n'a pas marché. Je suis sorti de film, j'étais pas content, je me suis moqué énormément du film et des noirs. Ah bah oui, d'autre côté il mérite. D'accord. Attention, alors on va être clair tout de suite. Si jamais il y a des vannes racistes qui dérapent, d'ailleurs, c'est qu'on est tellement pas raciste que quand on fait des vannes, on se moque des racistes. Okay, c'est faux. D'ailleurs, il y a un roux dans l'équipe. C'est vrai. Absolument. Ce qui excuse à peu près tout. Du coup. C'est voilà, ça. Voilà. Allez, instant gênant passé, tu peux reprendre ta chronique. Non, je n'ai pas passé du tout une chouette séance. J'en suis sorti là avec un très mauvais souvenir. J'étais pas content du tout. J'ai utilisé des termes forts et excessifs comme ce film est nul à chier, c'est une merde, etc. etc. Des termes que j'ai quand même relativement vite regretté, surtout après en effet avoir échangé avec toi, Valentin, qui avait beaucoup aimé ce film. J'ai rapidement compris que c'était pas du tout contre le film en fait que j'étais en colère, c'était contre les critiques. J'étais très en colère contre les critiques et surtout contre toutes ces personnes qui étaient en train de me dire ah là là, ça m'a tellement fait réfléchir sur le racisme. T'es sérieuse meuf ou mec? C'est ça te fait réfléchir sur le racisme? C'est genre il te faut ça pour que tu te mettes à réfléchir sur le racisme? Ok, il est où le bouton de destruction est-ce de la planète qu'on arrête tout, parce que là, manifestement, il n'y a plus de solution de sortie. Tu fais référence, là, par exemple, à ce que tu nous as lu, là, ou pas à ce genre de choses-là? Non, à parce d'autres... Que, parce que pour le coup, tout, c'est, pas vraiment, retours, c'est pas vraiment ça que j'en ai entendu qui ressortait, pour le coup. C'était que ça pointait du doigt, mais... En fait, je trouve que... Alors, attends, je vais essayer de la retrouver. Sans faire réfléchir... Avoir à lire, je trouve, est une critique, moi, qui m'a beaucoup plus parlé après recours, donc je vous la lis. Un thriller horrifique réjouissant qui, faute de renouveler le genre, exactement, utilise une thématique ethnique qui renouvelle l'utilisation d'un casting noir dans le cadre d'une production hollywoodienne. C'est exactement ça. Exactement. C'est un chouette film. Je fais le parallèle avec Black Panther d'ailleurs, que je n'ai pas super aimé, mais qui tout le monde dit ah ça renouvelle le genre et tout machin. C'est pas forcément, c'est pas vrai puisque ça utilise tous les codes des films de super-héros, mais la thématique raciale qui est derrière, qui est sous-jacente, est vachement intéressante et je trouve très bien traitée dans Black Panther. Et c'est exactement pareil pour Get Out, c'est qui ça. Est hyper classique dans sa construction, mais qui fait appel à des thèmes. C'est vrai que Black Panther, ça relève. Ça, qu'est-ce que tu disais? Je disais que c'était hyper classique dans sa construction, Black Panther. Ouais, avec, ouais. Ça renouvelle effectivement le film et l'histoire de super-héros pour ceux en fait qui n'en regardent et n'en lisent jamais. Parce c'est que ça, exactement. Oui. Donc oui. C'est à peu oui, près oui. Le grand public, quoi, en gros. Enfin, c'est vrai. Hein. Bah, ou de moins ça en moins, hein, mine de rien, parce que public, le grand public, finalement, les Marvel, je pense que le grand public les a à peu près vus. Hein. Ouais, mais. Je suis pas sûr que le grand public ait vu tous les non, Marvel. Non, bien sûr que non, mais c'est pas là pour le coup. Non, mais tu vois, je veux dire, ça se trouve, ils en ont vu deux, trois. Alors, là, je sais pas, moi je dis ça, je suis pas spécialiste. Je mets avec toutes mes pincettes de blanc qui ne peut pas se mettre dans la position d'un noir et tout ça, machin, il y a pas de souci. Donc si je dis des conneries racistes, je suis désolé, tout ça. Mais Black Panther, pour le coup, effectivement, il a il a hyper bien marché, notamment auprès de la communauté noire. Et je doute que tous les gens qui sont allés voir Black Panther aient vu tous les films Marvel précédents. Je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de noirs qui sont allés le voir parce que c'était un film de super-héros black et que ils ont pas vu Iron Man parce qu'ils en ont rien à foutre de Tony Stark, mais que Black Panther, bah, ça leur parle parce que ça les touche, ouais, en fait. Et donc du coup c'est logique. Et voilà. Tout à fait. Et Get Out. Et revenons à Get Out. Mais bien sûr. Voilà, donc Jordan Peele, le réalisateur, en fait, suite à tes conseils, j'ai regardé quelques interviews de lui, et clairement, à aucun moment, son but était de faire un chef-d'œuvre, un film révolutionnaire et tout. Non, il a envie de traiter le racisme en faisant un film d'horreur avec ses codes à lui. Et pour le coup, bah, c'est plutôt pas mal. Donc là, je l'ai revu il y a 2 semaines. J'ai passé un chouette moment, c'était rigolo. Plusieurs questions se posent, parce qu'il par exemple, quand même pas mal, je trouve, de second degré. Enfin, c'est rigolo, je trouve, pour ça aussi, c'est que c'est rigolo volontairement aussi, je trouve. En fait, c'est presque plus une comédie qu'un film d'horreur. On est d'accord. Que l'horreur. Oh. Voilà, là encore, ça m'a saoulé parce que il est vendu comme ça, et non, c'est pas un film d'horreur. Il y a des scènes un peu chaudes à la fin, et pas dans le sens sexuel. mais en effet, visuellement, c'est du cliché, quoi. C'est voilà, c'est passé déconseillé au moins de 12. C'est non, c'est interdit au moins de 12 ans. Moi, je pense qu'un déconseillé, déconseillé au moins de 12 ans, c'était carrément suffisant. Ouais. Mais c'est juste de quoi? Non, comme enfin, moi, je trouve que ça mérite son statut d'interdiction. C'est possible, ans, après, ouais. C'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis, vous voyez. J'ai eu le sentiment d'avoir presque une espèce de film d'horreur familial, en tout cas, quelque chose qu'on pouvait regarder. Un soir, évidemment, peut-être pas avec les plus petits, on va pas déconner, mais, mais voilà. Non. Et comme tu disais, en effet, adressé comme Black Panther à un public noir, en tout, qui n'est pas questionné, qui n'est pas, comment dire, je n'ai plus le synonyme à questionner, mais vous avez compris. De là c'est où ça je que je dis, c'est ça que je dis, c'est plus ça que je dis. C'est insupportable. Donc j'ai passé un agréable moment, mais au final, même en essayant d'être objectif, eh ben, sans plus... Sans plus, je trouve que le rythme pêche un peu. Les blagues ne sont pas toutes si fines que ça. Plusieurs fois, j'ai l'impression que le film faisait quand même des gros clins d'œil, genre, t'as compris ? Ouais, t'as alors compris là, tu es en train de nous faire des gros clins d'œil. Un truc très radiophonique. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais moi, ça m'aide à me mettre dans le clin d'œil. Clin d'œil. T'as compris de quoi je te parle et tout. Alors moi il y a eu 2-3 trucs en termes de réa et de son et de trucs qui m'ont assez bluffé, où j'ai trouvé ça malin et où ça m'a complètement pris dedans. Il y a un moment où en fait elle dit plonge en anglais, enfin c'est sink, S-I-N-K, oui. Et en fait il y a un truc avec l'hypnose et tout ça, je vais pas rentrer dans le détail. Et t'as un moment, en fait, il faut avoir des grosses basses chez soi, vraiment avoir. Il y a un truc où sa voix change et il y a une espèce de bass drop, donc un gros son de basse qui arrive. Et puis ça lié à l'image, moi je sais que sur le moment, au cinéma, ça m'a complètement plongé dans le film. Au même titre excellent. Que le personnage, absolument. Tout à fait. C'était la blague. Et c'est une blague, mais tout à fait sincère aussi. Il y a 2-3 idées derrière qui sont super cool. Et l'intro qui est mortel, qui est un plan séquence ou un long plan plutôt. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Valentin, c'est quelqu'un quand il dit quelque chose et qu'il veut être drôle, il est drôle. C'est assez. Mais c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis. Non. Mais voilà, non, mais l'intro de Get Out, rien que pour ça, c'est mortel. C'est limite un court métrage. Enfin, c'est trop bien. Bref. Oui, en fait, d'ailleurs. C'est un très très long plan qui aurait pu être un plan séquence. Je pourrais reprocher que le personnage qu'on suit parle tout seul. Peut-être un peu longtemps, mais c'est une obligation. Ouais, enfin, non, mais c'est juste pour chipoter, pour être chiant. Hein. Je suis clairement, c'est pour chipoter et être chiant. Et je suis d'accord que la scène dont tu parles, Sink, est tout à fait réussie. Ça a été fait partie de mes regrets, c'est que ça ne va jamais beaucoup plus loin, alors que c'est un chouette concept. Et globalement, toute la fin est un peu nique la science dans tous les sens. Oui, mais on s'en fout, ça. Bah, jusqu'à un certain point. Je sais pas, l'île du docteur Moreau, on en a rien à foutre que ce soit pas possible de changer des hommes en animaux, c'est pas grave. Ouais, mais le postulat, c'est pas le même. L'idée est... Oui, mais enfin. Non, mais, voilà. Non, mais en fait. Ce sera mon argument. Il y a plein de divers moments qui m'ont gêné. C'est dur d'en parler, bref. Oui, c'est ça, on va pas spoiler. À un moment donné, le personnage est... On peut parler de ça. La meilleure scène qui est pour moi... qui condense en fait tout ce que le réalisateur a voulu, c'est le personnage principal, Dikinon, qui est noir, et au milieu de plein de blancs riches, de blancs très riches, qui balancent tous les archétypes du racisme ordinaire qu'on peut imaginer. C'est ça, c'est-à-dire ils pensent ne pas être racistes, voilà. ils n'ont rien contre le héros, au contraire, ils l'invitent chez eux et tout machin, mais ils vont dire énormément de conneries sur leurs préjugés. En ayant l'impression d'être cool. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé qu'en plus, au-delà du racisme, ça se moquait de ces riches globalement, qu'en fait qu'au-delà de la couleur, c'était même plutôt le fait qu'ils étaient totalement déconnectés de la réalité qui était mis, et ça j'ai trouvé ça malin. Et à un moment donné, donc le personnage monte à l'étage et on ne sait pas pourquoi ils s'arrêtent tous de parler et regardent en l'air. Si après évidemment on comprend pourquoi dans le film, mais ça fait partie de ces moments où moi je suis sorti du film parce que ça n'a pas de sens. Très bien, on s'en fout. Ça fait que bon, c'est pas du tout mauvais. Je regrette d'avoir été énervé. Je suis énervé contre ces putains de critiques qui sont là pour faire du sensationnel. T'es énervé contre moi. Mot vulgaire. De quoi ? Critique. Ah bah non. Non, tu te casses, ça te pas pareil. Oui. Alors par contre, faut expliquer cette vanne parce qu'on l'a pas dit. Ah mais oui. Parce qu'en fait, critique, Michel, dont on a parlé dans les trois précédentes c'est émissions vrai, déjà. C'est vrai. Michel range la cave tous les jours à Critique. C'est ça. Critique, librairie rennaise qui édite aussi des livres, dont ça tombe bien le voilà. Bouquin de l'invité de ce soir. C'est vrai que ça tombe bien. Ah, c'est sûr. Absolument. C'est il y a pas de piston du tout. Non. Et donc librairie et maison d'édition dans laquelle tu travailles de temps en temps. Tout à fait. Ça t'arrive, voilà. Mais avec un autre nom. Bref, revenons vite fait juste au film. Get Out n'est pas du tout un mauvais film. Il vous fera passer un bon moment. Il vous permettra d'avoir un barème racisme ordinaire pour vos soirées en société. Car seul, à mon avis, des aveugles ou des racistes peuvent trouver ce film subversif. Donc globalement, si quelqu'un vous sort « Get Out m'a trop fait réfléchir sur la situation des Noirs en Amérique », tu vois, un conseil, « Get Out ». Oh, c'est beau ça. Bravo. Merci. Excellent, merci beaucoup Armel. De rien. Ouais, non, pour cette cool. Rubrique d'Armel, du coup. Ben c'est ça, absolument. C'est cool de voir qu'un an après, on commence à être un peu d'accord. Du coup, c'est cool. Bah, il faut un an à Armel pour. Il faut un an à Armel pour comprendre ce que tu dis. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais même. Et puis, Get Out. Je me souviens que tu. Alors, sur le moment, c'était dur, mais que ça a été assez vite. Sur la fin, on était en fait, c'est d'accord. Les critiques qui sont vraiment. Et puis, je suis. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que j'ai globalement moins aimé le film que toi. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Moi, je le reverrai volontiers. Et puis, enfin, c'est tout con, mais l'acteur qui joue aussi dans Black Panther, d'ailleurs. Oui. Je ne sais plus son nom, je suis désolé, mais il a Michel. Il joue dans Black Mirror, le deuxième épisode de Black Mirror aussi. Daniel. Et tout à fait. André Shannon. Shannon. Non, Michael, pas Michael non, pas Shannon. Patrick. Je parle du héros. Il y a, en tout cas, on le voit sur l'affiche pour ceux Robert qui regardent le live en direct. Garrett. Tout à fait. Merci. C'était ça un gros point que je voulais. Il y a excellent acteur. Qui joue Gimli trop bien, il y a lui. Oh, est-ce que vous pouvez fermer vos gueules? Je vous aime beaucoup. Et oui, madame, c'est un prénom. Madame, j'ai oublié comment elle s'appelle, qui joue comment dire l'une des servantes. Oh putain, non mais là je suis désolé, mais c'est ça que je dis. C'est tout ça que je dis. Parce que là c'est dramatique. Alors mais attends, le mec là on sait plus. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis. Est-ce que t'as l'affiche avec son nom par hasard? Mais bref, le héros du film qui a une, enfin, il oui. A une, comment dire, présence, un truc. Une présence. J'ai de la sympathie extrême pour ce monsieur-là qui a une bonne tête, qui a l'air très très d'accord. Sympa et qui est choupinou comme tout. Et donc je voulais dire qu'en plus de lui, il y a une actrice qui joue donc une j'espère servante. Qu'il écoute pas. Ah oui, dans le film, la servante s'en sort ouais. Très très bien et qui ouais. Plusieurs fois nous fait ouais. Une prestation glaçante. Où on sent en effet qu'il se passe quelque chose de très très malsain, où elle sourit un sourire extrêmement malsain et qu'en ouais. Plus elle pleure en même temps. C'est ça, ouais, elle joue super bien. On devrait pouvoir essayer de vous mettre l'image à un moment donné. Quelque chose, enfin voilà, c'est expliqué après du pourquoi, du comment, et réussir à jouer ça, c'est vraiment, c'est ça. Vraiment bien. Bien joué de sa part, quoi. C'est énorme. Il y a de belles performances d'acteurs dedans. Okay. Globalement, il y a cela donne envie. Il y a pas de faux bons d'ailleurs. Il y a des acteurs qui font le taf, juste, mais il n'y a pas de mauvais acteurs. J'ai trouvé que le frère cabotinait peut-être un peu plus, mais c'est dans son personnage, donc ça pose pas de soucis. C'est quoi la servante? C'est la servante écarlate. Ah, servante écarlate, ok, d'accord. Non, c'est la servante dans la maison où ils sont. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Armel. De rien. Pour cette oui. Petite rubrique d'Armel. C'était formidable. Et mais ce serait-il pas Vlatipa? Le kiff. Absolument. du moment. Mais le kiff du moment de qui? Le kiff du moment de quoi? Mais le kiff du moment de Vianney. Oui. Eh merde, eh ouais, il fallait, ma feuille. Il faut être devant son micro pour parler dedans. Bon bah voilà, ça va être mon kiff du moment. Je vous rassure, je vais pas vous faire chier trop longtemps parce que je pense que globalement, je vais saouler tout le monde autour de cette table. Je me suis dit que les kiffs du moment c'était cool parce que ça permettait de partager son kiff du moment. Là, c'est mon gros kiff du moment. Et donc c'est ça. Il s'est raté en plus sur la touche. Ça vous le savez pas, mais à côté de l'accordéon, il y a un truc pour arrêter le son. Et vous voulez juste arrêter le son. Ne dévoile pas les coulisses comme ça. Donc, du coup, voilà. il se trouve que samedi 26 mai 2018 à 20h45 avait lieu le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions. Sérieux ? De football. Non. Alléluia. Allez, Guingamp. En avant. EAG. EAG. Je vous rassure, je vais pas vous parler de ce match ou quoi que ce Merci. Soit. Juste. Ah non, tu vas pas nous parler d'un acte précis pendant le match. Si. Que j'ai vu. Eh ben, ça tombe bien, on va en parler en direct, ça va être parfait. Ouais. Parce que moi, j'ai un avis dessus. Parce que tu as pensé que c'était un troll et non, je le pensais sincèrement. Et donc, du coup, voilà. Donc, en gros, c'est un match pour faire la petite historique, parce que c'est quand même intéressant d'en parler. Le Real de Madrid a gagné 3-1 contre Liverpool. Et il faut savoir que, grosso modo, à la 61e minute, rentrait un joueur qui s'appelle Gareth Bale. Ceux qui connaissent le football connaissent forcément. Ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que c'est un des plus gros transferts de l'histoire du football qui est passé au Real de Madrid pour plus d'une centaine de millions d'euros. C'est un des sans, n'en parlons pas. Moi, je connais Christian Bale, qui a joué Batman. Eh bien non, il s'agit de Gareth. Dommage. Est-ce qu'il y en a 6, Gareth? C'était la blague. Excellent. Et du coup, à la 61e, il rentre, et à la 64e, il y a ce que va vous faire passer tout de suite ma très chère Jackie à la technique, qui est préparée comme une petite fofolle, qui a sous les yeux le dossier avec le zéro hang. c'était un des superbes lancements ce soir qui marche bien. Ah ouais, il est je ne pouvais pas résister à vous mettre. En fait, c'est très très long. C'est très très long. J'aurais voulu le mettre entier, c'est trop long. J'adore. Ah parce que ouais, ça dure encore plus longtemps. Ah oui, c'est très long. J'adore ces commentaires espagnols qui sont. C'est des fêlés. Ils commentent trop bien et ils ont une vraie. Enfin, je trouve qu'ils ont une vraie émotion dans la voix. C'est des. Au Brésil, c'est un peu pareil, je crois. Ouais, carrément. Ouais, ouais. C'est une culture du football. C'est des pays qui ont la culture du football et donc qui sont pas comme tu sais en France où ils vont. Là, et sinon, hier soir, j'ai bu un coca. Oh, le but. Et je l'ai loupé. Ouais. Moi, le coca? Sinon, le coca était plutôt pétillant. Il était light. Donc voilà, à la 64e minute, il y a un exploit de Gareth Bale, un exploit comme on en voit rarement, à tel point que je pense aujourd'hui que c'est probablement le plus beau but du monde sur une compétition de football. Quand je me suis renseigné, parce que du coup j'ai voulu voir pourquoi ça a été exceptionnel, dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2002, il me semble. Alors, c'est parfait, transition magnifique. Mais je sais, c'est fait. Transition magnifique. Tu vas pouvoir te préparer, mais c'est pas tout de suite. du coup, effectivement, la dernière fois, donc pour raconter la petite histoire, je vais quand même rester un tout petit peu sur ce but. Donc, il s'agit d'un retourné acrobatique. Pour ceux qui ne connaissent pas le football, le retourné acrobatique, c'est le geste, c'est le truc que tout le monde rêve de mettre dans un match. Il s'agit de tourner le dos au but et de sauter en l'air et de se retrouver en gros parallèle au sol. Et deux, avec son pied, réussir à mettre le ballon dans le but. Alors, dans Captain Tsubasa, ils font ça trois fois par match. Hein. Voilà. Ouais, ils vont même et ils ont 12 ans. Voilà. Ouais, sur le but. Donc, geste. Oui, c'est vrai. C'est ça. Est-ce vraiment aussi extraordinaire? Ils le mettent sur la transversale pour qu'en plus un autre joueur le récupère après. C'est une passe décisive, en fait. Ouais. C'est assez extraordinaire. Ils sont pas hors-jeu du tout. Voilà, c'est ça. Le concept du hors-jeu n'existe pas dans Captain Tsubasa. Donc ton Bale, là, au bout d'un moment, ça va... Un peu nul à côté de Tsubasa. Mais ça, de toute façon, je ne dirai jamais le contraire. Tsubasa est trop fort. Ah oui. Mais du coup, donc voilà, geste roi, juste pour mettre là-dessus, c'est incroyable. Ce qui est incroyable, il y a plein de choses qui font que le but est assez fou, c'est que le mec est rentré 3 minutes juste avant. Déjà, c'est quasiment du jamais vu de mettre un geste comme ça en étant rentré 3 minutes juste avant, en plein milieu d'un match, que c'est une finale de la Ligue des Champions, donc c'est la compétition. Il n'y a pas de compétition avec un niveau plus élevé dans le monde. La Coupe du Monde à côté, c'est un niveau en dessous. Ah ouais? Ouais. Oui, oui, pour plein de raisons. La Coupe du Monde, en fait, c'est des nations et ce sont des joueurs qui ne jouent quasiment jamais ensemble. Là, on parle d'équipes qui se voient toutes les semaines, qui jouent toutes les semaines, qui ont au minimum un match par semaine. Donc l'alchimie est jamais. Bah, du coup, c'est un niveau incroyable. Et surtout, la grosse différence, c'est que. C'est mieux que les sélections, hein, c'est sûr. Bah, oui. Et les sélections, en plus, tu es tributaire de ta nation. Ah, oui. Alors que le Real de Madrid a tous les meilleurs joueurs du monde, enfin, j'exagère, mais a une palanquée de meilleurs joueurs du monde parce que le foot business, tout ça. C'est en gros, dans une nation, tu ne peux pas payer quelqu'un pour qu'il change de nationalité. Au Real de Madrid, tu peux payer quelqu'un pour qu'il vienne jouer à Madrid. Voilà. Et coup, tu as les meilleurs joueurs que tu veux. Et Bale a été transféré. Avant, il jouait à Tottenham. Lui, il est gallois. Oui, ouais, tout à fait. Ah oui, effectivement. Et je peux te dire que des joueurs gallois qui ont marqué l'histoire du football, il n'y en a qu'un seul autre. Ryan Giggs. Voilà. C'est ça. Oui, bien sûr. Oui. Ryan. Donc, ouais. Bref, tout ça pour dire ce but est vraiment. Je suis intéressé. Je vous invite vraiment à le regarder. Donc, Real Madrid-Liverpool 3-1 du 26 mai 2018. Je vous invite vraiment à le voir. C'est, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est de la folie. Et donc, comme disait très justement Valentin, on reviendra sur le but après. Mais oui, mais c'est tu veux ça, en parler maintenant ? Non, vas-y. vas-y, je te laisse suivre. Non, parce qu'après on va switcher, donc vas-y. Bon, d'accord, parce que, non, mais effectivement, j'ai la dernière occurrence, c'était en 2002, je sais plus par qui. Bon, alors attends, je vais enchaîner. Vas-y, du coup. Vas-y, c'est pour ça. Et, du coup, il faut savoir que, effectivement, je voulais en parler aussi ce soir, les grands buts sont pas souvent dans les plus grands matchs. C'est aussi pour ça que ce but est incroyable, c'est que c'est une finale de la Ligue des Champions. On parle pas du match de merde, encore une fois, c'est le plus gros match qui existe dans une saison. Il y a des buts magnifiques qui ont été mis, mais c'est vrai que ça a moins de classe de mettre un but magnifique contre Evian Tonon-Gaillard quand tu t'appelles le Real Madrid pour un match qui est un match amical. C'est clair, c'est vachement moins classe que de le mettre en finale. Et donc ce but a d'autant plus de valeur. Et c'est très rare de voir des très beaux buts en finale. Il y a souvent des beaux buts parce qu'on voit du beau football, mais des très beaux buts, c'est rare. C'est souvent des buts d'école, des buts bien construits, des beaux gestes, des trucs incroyables, c'est rare. Et donc, la dernière fois, c'est l'histoire du Real de Madrid, hein. C'est un club qui a marqué l'histoire du football par plusieurs choses. La dernière fois, c'était effectivement en 2002 contre le Bayer Leverkusen. Et donc, faut vous dire un truc, j'ai oublié de le dire avant, le but que Gareth Bale met cette année, c'est le but de 2-1. C'est-à-dire, c'est le but de la victoire. C'est le but qui va permettre au Real de passer devant et de gagner le match. Et donc, en 2002, il y a 1-1. Ça doit être à peu près au même moment, c'est à la 60e, c'est à l'époque des Galactiques au Real, c'est la plus belle équipe que le monde n'aura jamais faite. Il y a Roberto Carlos sur le couloir gauche qui va centrer un ballon à Zinedine Zidane, ah oui, qui, va mettre probablement le plus beau but du monde avant le but de Bale cette année. Voilà. C'est incroyable et c'est un match qui est aussi en finale de la Ligue des Champions. C'est hors norme et en fait le Real vient de mettre probablement les deux plus beaux buts de l'histoire en finale de Ligue des Champions. Et je parle hors contexte de finale, hein. Les deux buts sont vraiment incroyables. Et donc, je voulais juste vous faire écouter pour faire la comparaison. Alors, le son un peu plus pourri parce que c'est 2002 et tout ça. Mais juste écoutez ce commentaire. Si vous ne comprenez pas tout l'espagnol, je vous le redirai après. Le mec qui commente ça, je pense qu'il est en train d'avoir une gaule, mais monumentale. Gaule. Non, mais vraiment, vous allez entendre excellent. Ce qu'il dit. Je peux vous dire qu'à mon avis, à ce moment-là, il est en train de chialer. J'ai fait allemand LV2, moi. C'est parce que Zidane est français, une gaule. Mais il va faire un AVC là. Il termine en disant une phrase qui, moi, ça me. Enfin, bref, j'avais dit voilà, moi, ça me touche vraiment. C'est fou. Il balance ça à l'antenne, incroyable. Donc là, il est en train de dire je me mets debout, je quitte mon chapeau, enfin, en gros, je te salue, mon grand, quoi. Et à la fin, il termine par dire « Viva la madre que te parió, que vive la femme qui t'a mise au monde ». T'imagines pour que le mec soit à ce point-là ému. Ouais, après, ils ont un côté très comme ça, très, très maman. Ce qui est aussi, surréaliste à ce moment-là de l'histoire, c'est que le Real attend sa finale, attend sa Ligue des Champions depuis des plombes, et en ayant construit une équipe qui valait des pèses. Ils avaient les meilleurs joueurs du monde. Ils avaient David Beckham, des gens que vous connaissez forcément. David Beckham, Ronaldo, le Ronaldo de l'époque. Le vrai Ronaldo, ils avaient Zinedine Zidane, ils avaient Figo, enfin, c'était la folie. Et du coup. C'est pas Figo lu ? Ah, parce que non. Zidane a joué avec Beckham dans la même équipe ? Ah. Beckham, Zidane, Roberto Carlos, ah oui, Ronaldo. Putain. Ben moi qui connais pas le foot, là, ça, tous les noms là que tu me dis, je les connais. Donc, ça en shonen, mais c'est de fou. Je te jure que c'est Captain Tsubasa. Mais oui, voilà. Sans déconner, ce moment-là, ça s'appelait le Real des Galactiques. C'était. Tu pouvais voir des matchs, il y a des matchs, alors du coup, anecdotiques qui n'ont pas eu d'impact. C'est le moment où, à un moment donné, comment dire, le jeune héros, tu vois, dans le shonen, il voit ses aînés combattre, il est genre c'est ça. Et il rêve d'avoir des cheveux oranges. Exactement. Mais ils ont déjà des... Je me demande s'ils y ont pas fait, alors non, ils ont dû faire une référence à la Juventus. Dans Tsubasa, il y a un moment donné où il rencontre Thuram, qui est représenté comme une espèce... À Turin. Oh, excellent. C'est possible, soit Turin, là je te fais confiance. Thuram à Turin. Et ça rend bien, parce que du coup, donc Thuram défenseur, Tsubasa qui évidemment donc est japonais, donc évidemment avec une taille de japonais, se retrouve donc évidemment c'est transposé dans un manga, mais il se retrouve face à un mur quoi. L'image est bien. Ouais, puis je pense qu'à l'époque, Thuram c'est un peu le patron. Ah bah oui, c'était un ou deux ans après la finale. Je peux parler du but comme ça, tu vas me défoncer allègrement et tout. Non, mais en fait, je trouve vont me haïr après. Je trouve ton point de vue assez passionnant parce que, et c'est important peut-être de le dire en préambule, tu ne regardes pas trop de foot. C'est ça. Voilà. Alors, je regarde pas trop de foot et tout machin. Non, si j'ai vu quelques matchs il y a un an ou deux, enfin, il y a eu un événement, je sais plus si c'était Coupe d'Europe, Coupe du Monde, j'en sais rien, je sais plus. Euro. Ouais, bah voilà. Et puis, Coupe du Monde 98, je l'ai forcément regardé. La monnaie, tu veux dire ? Oui, la monnaie. Il n'y a pas que moi ici à avoir vu le Mondial 98. Ah, c'est ça. Tout le monde l'a vu autant de fois. J'étais dans un bar bourré à Guingamp. Hein. Moi, j'étais chez moi, j'avais pas l'âge de pouvoir être bourré. Exactement, je l'avais pas encore. Moi, je l'ai regardé avec mes parents. C'était fou. Mais ouais, mais du coup, voilà, j'ai vu ce but-là. Je me suis dit, putain, ça a l'air d'être un but de ouf et tout. Je regarde le truc. Effectivement, le geste est beau. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, et c'est là où tout le monde va me haïr, c'est que j'ai pu m'empêcher de me dire que il y avait quand même si le mec s'est un peu orienté vis-à-vis du but pour viser et tout ça, que c'était quand même un gros coup de chat. Pour moi, j'ai l'impression que sans que ce soit à tous les matchs, que ce genre de geste est tenté régulièrement peut-être. Alors, et c'est là que non. En fait. Voilà, d'accord, bon bah ok. Donc à ce moment-là, c'est que sous-entendu que le mec était à peu près sûr de où il tirait. En fait, mais parce que la balle passe quand même, elle rentre pas. Elle est en Lulu quoi. Ouais. Ouais, mais après, je veux dire, voilà. Non, mais c'est là, que. Enfin, ça aurait pu jouer à un poil de cul, n'importe quelle variable peut faire que ça ne. Du mal, je pense, à rendre. Non. Ça ne... Moi, j'ai pas vu ça. Ils connaissent, ils s'entraînent tous les jours à ça. À quelques centimètres près de sa variable de vent, variable d'orientation du pied, n'importe quoi, ça aurait pu ne pas le faire. Et je me dis que. Mais du coup, tu pointes du doigt une composante, en fait, qui est la composante du sport. C'est-à-dire que. Quand tu t'extasies devant un geste de sportif, de toute manière, il y a ce qu'on appelle globalement souvent, pour pas dire que c'est de la chance parce qu'au final c'en est, de la réussite, c'est-à-dire qu'il a tenté quelque chose, il a eu de la réussite, il a eu de la chance. Il n'empêche que, certes, je suis d'accord, à 3 mm près, elle rentre pas, il n'empêche qu'elle rentre. Alors certes, il y a de la chatte, mais il y a surtout une putain de dose de technique, parce que je peux te dire qu'il n'y a pas grand monde dans le monde qui arrive à faire ça. Oui, mais et surtout, il en fait, alors, ne là voulait où c'est... pas la mettre précisément là. C'est ça, en fait. Contrairement à un joueur de billard, où il sait précisément où il va faire... Alors je vais te dire pourquoi. Vas-y. Et Xavier, peut-être, vas-y. Non, moi c'est juste que j'ai été pensionnaire dans un collège des Côtes d'Armor, tu vois, bon bref. J'avais plein de potes, et derrière, il y avait un stade de foot où on s'entraînait à faire du foot. Et en fait, ce qu'on préférait faire, c'était s'entraîner à faire des retours acrobatique. Donc moi j'étais nul à ça, donc je faisais juste les centres. Mais je faisais des centres pour des gars qui pouvaient mettre des retournées acrobatiques mais dans tous les coins du but en fait, parce qu'ils faisaient que ça toute la journée, s'entraîner aux retournées acrobatiques. Je pense que c'est le truc que font les gamins en fait. C'est le premier truc technique qu'on fait. Pour la beauté du geste. Ouais, mais tous mes meilleurs potes qui sont foutés, ils font que des donc retournées. Ils visaient vraiment. Ah ouais, et puis ils y arrivent. D'accord. Ils y arrivent, ils savent. Instinctivement, dans la tête, ils savent exactement où le ballon va partir. Alors, après, il y a effectivement de l'entraînement, il y a une grosse part de réussite, ça c'est clair. C'est clair, bien sûr. La cohésion d'équipe de. Non, et surtout, en fait, ce qui est cinglé, et c'est ça que tu n'as sûrement pas remarqué, ce qui est fou, c'est de le tenter, en fait. Ah oui. En finale de la Ligue des Champions, de tenter ce geste-là à ce moment-là du match à un partout, c'est juste impossible. C'est-à-dire que personne n'a les balls pour faire ça, sauf les plus grands joueurs du monde. Et donc déjà, tenter, voilà, si elle passe au-dessus, tout le monde va rigoler. Et le mec la met. Et il la met parfaitement. Parce que quand tu regardes et tu me disais qu'il ne veut pas la mettre là, la différence avec beaucoup de retournées, c'est que c'est pas un retourné qui est en force, c'est un retourné qui est dosé. C'est-à-dire qu'il ne se retourne pas pour mettre une énorme mine, il met le pied pour juste dévier la trajectoire, lui mettre un tout petit peu de lob et l'amener en fait à rechuter dans la lucarne. Ce qui est excessivement technique. Il ne cherche pas la puissance, il cherche la précision. D'accord. Ouais. C'est incroyable. Bah, c'est là, c'est, et donc, Jackie voulait intervenir. C'était ce qui me manquait. C'est très très court. C'est ça, de toute façon, on a déjà en parlé. C'est que on ne peut se rendre compte que ça que si on regarde régulièrement un sport, en fait, clairement, on se rend compte de la technique. Parce qu'en effet, si tu regardes juste comme ça du foot très loin, t'as l'impression que c'est de la schneck, les gens vont hasard ou tout ça, alors qu'ils s'entraînent tous les jours pour savoir parfaitement se placer. Mmh. Je te laisse le micro, à toi. Est-ce que c'est quelque chose d'incroyable parce que sans ça, sans cette retournée acrobatique, il aurait pu la mettre? Est-ce qu'il aurait pu la mettre de façon classique, ouais, avec ouais, le ouais, pivant, non. Non. Ce non. geste-là a fait que le but... C'est typiquement ça qui fait que le geste est incroyable, c'est-à-dire que s'il ne la met pas comme ça, il n'y a probablement pas but, en fait. Mmh. C'est... D'accord, ok. Oui, donc oui. C'était pas juste pour la... C'est pas du show, quoi. C'est genre, la balle arrive là, il la tente... Enfin, moi, bref, il la met. Et du coup, il permet de mettre... comment dire, 2-1. 2-1, et que ça... Puis tu mets ça en finale. Enfin, si on réécoute, on réécoutera pas, mais si vous réécoutez l'émission, le tout premier commentaire, il est incroyable, du commentateur espagnol, c'est-à-dire que au Real, aujourd'hui, le meilleur joueur et le joueur emblématique, c'est Cristiano Ronaldo. Le premier réflexe du commentateur quand il y a le geste, qui voit le geste par quelqu'un dans la surface, c'est de dire « Cristiano !» Et après, il dit « Ah non, Gareth Bale !» Parce qu'il y a quasiment que Cristiano Ronaldo qui est capable de tenter Excellent. Ça aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Et en fait, c'est Gareth Bale qui le fait parce qu'effectivement, lui aussi est un... C'est drôle. Voilà. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, où normalement, il n'aurait pas dû. C'est là, on est vraiment sur de la technicité qui ne peut être vue que si, que si tu sais regarder, ce qui n'est absolument pas mon cas. J'ai une petite analogie pour toi. J'adore les annales. Ouais. Tu connais le manga Hikaru no Go, Ah bah oui. Le manga, pardon, on n'a pas entendu. Le manga Hikaru no Go. Eh bah, tu vois, dans le manga Hikaru no Go, c'est des joueurs de Go, donc ils sont vraiment à table. Ah oui, voilà, c'est un manga sur les joueurs de Go, cette espèce de jeu de dames japonais. Et bah, le coup comme ça, tu vois, comme le retourne acrobatique, ils appellent ça le coup divin. Ouais. Enfin, c'est ça, en fait. C'est clairement la même chose. Et on est en train de tirer les pompes de Bale, mais ouais, c'est vrai, mais c'est le côté magique. Quoi. Ouais, apparemment, là, du coup, tu m'as convaincu. Enfin, je veux insister sur le fait que ta remarque est excellente et tout à fait vraie, c'est-à-dire que de toute manière, c'est énormément de chance, c'est énormément de réussite. Il a beau, je suis convaincu, il le refait 100 fois, il peut le rater 99. Oui, ouais. Mais il force sa chance jusqu'à un certain point. C'est ça, et le truc qui est dingue, c'est de le tenter. Et moi, je me rappellerai toute ma vie d'un. Alors, je suis pas trop le basket, mais j'aime bien écouter le sport à la radio. Et j'allais chez un pote et j'écoutais un match de basket féminin. Plus que le regarder parfois. Et donc dans ce match de basket féminin, le commentateur à un moment donné était en train de faire des commentaires, etc. Et il s'exclame parce qu'à un moment donné, il fait okay, bah, machin qui prend le shoot et il dit mais c'est incroyable. Il dit le mec fait texto, elle n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a pas le droit de faire ça, mais comme elle le met, on peut rien dire. Tu vois et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu te dis mais putain, mais pourquoi t'as fait ça? Mais parce que t'es un putain de génie. Si je le loupais, ça veut dire qu'il perdait le contrôle de la balle, c'est-à-dire que potentiellement été récupéré par l'équipe adverse et ça pouvait changer match. Et après, comme tu dis, on ne fait pas ça en match de finale. Pas ça dans le vide. On peut tout faire, mais c'est juste ça demande déjà une force de caractère incroyable et surtout putain, enfin, le mec ça fait 2 minutes qu'il est sur le terrain, quoi. Le premier ballon quasiment qu'il touche, il fait retourner puis il la met au fond, quoi. Bonsoir les copains, quoi. Enfin, mon analogie est peut-être merdique, mais je vais pas m'amuser à. Si je suis droitier, je vais pas m'amuser à écrire avec le bras à gauche lors de mon dernier examen du bac. On est d'accord. Pourquoi? Oui, c'est vrai, c'est un challenge, merde. Mais on est exactement là-dessus, c'est-à-dire que bah, si tu le fais, t'as intérêt que ça réussisse, quoi. Et donc voilà, et on terminera juste avec des petits extraits audio parce que j'ai envie de vous les faire écouter après, ça va être très rapide. Mais je voulais juste dire un truc, j'insiste sur le fait que ce soir je n'ai quasiment parlé que de ce but parce que je ne souhaite parler que de ce but. Voilà. Je ne souhaite pas m'attarder sur le reste de ce match parce qu'il y a des faits de jeu qui ne m'intéressent pas et qui n'ont pas à être débattus. Voilà, je le dis pour tous les petits. Non, mais en fait, on s'en fout justement. D'accord, ok. Il me semblait important de faire ce message pour ceux qui le comprennent. Très bien, parfait. C'est-à-dire, pas notre cas. Est-ce que je veux bien juste en fait, parce que comme j'aime bien les commentaires sportifs à la radio et tout, en France, il y a un commentateur sportif qui s'appelle Fred Hermel qui commente sur RMC, qui est un cinglé et qui est un fan du Real Madrid. Donc c'est très drôle parce que quand il commente des matchs du Real Madrid, il est comme un dingue. Et donc, je vous mets juste 2 extraits, ça va aller très vite. 2 trucs, le premier qu'il a fait. Et donc à chaque fois, c'est en écoutant un match du Real. Fais le premier. Caca, frappe de derrière. Tu penses trop. Caca, tu es nul. Caca, tu es nul. Caca, tu es nul. C'est lui. Ok, donc c'est ça, on se regardait avec Jackie, on se demandait si c'était celui-là. C'est, il est chauve, il est assez trapu et il, ouais, est, ouais, il est excellent ce mec. RMC, mais c'est pas l'équipe. Kaka est un joueur de football. Hein. C'est sur l'équipe 21 aussi qu'il est, c'est pour ça que tu, quand t'as dit RMC. Ah, c'est il possible, il doit être consultant à peu près partout. Je suis pas très fan de ce mec, mais comme commentateur, il est marrant. Ouais, il est drôle. Moi, j'en ai rien à foutre du bonhomme, par contre, j'avoue qu'à chaque fois qu'il commente un match du Real, en tout cas, je suis fan. C'est ça. Et donc, tu peux mettre le tout derrière. Alors, moi, celui-ci me fait beaucoup rire parce que t'imagines tellement. Je vous fais juste en contexte, le mec il n'en peut plus, il veut que son équipe marque, il n'en peut plus, il est tendu, c'est la 80e et il est au bout de sa vie. Chabi pied droit, à une minute de la fin du match. Chabi pied droit, Chabi pied droit, Chabi, Chabi Alonso, Chabi Alonso, Chabi Alonso, bah oui mais il attend. Bah oui mais il attend, c'est le mec il est trop au bout de sa life. Il est sur le terrain avec eux quoi. Et puis surtout t'imagines tellement, moi j'imagine tellement, je n'ai pas vu hein, ce fait de jeu, mais j'imagine tellement qu'il se passe rien. Vrai, genre. Et du coup le mec il est trop dans, il est là, Chabi, Chabi, Chabi, Chabi, tu sais il espère l'instant lumineux du joueur quoi, enfin bref voilà, ça me fait beaucoup rire. Il y a plein d'autres extraits, voilà. Et donc c'est, je mettrai le lien je pense parce que je les ai piqués donc évidemment sur YouTube ces petits extraits là. Je mettrai le lien des vidéos, franchement la vidéo du mec qui dit Viva la Madre que te parió pour le but de Zidane, elle vaut le coup d'être regardée en entier parce que je vous ai vraiment sélectionné un extrait, mais ça fait déjà une minute qu'il est en train de gueuler. Hein. Et c'est incroyable à regarder parce que tu dis putain, mais le mec il est. Ben voilà, il a eu son orgasme de la semaine quoi. Très voilà, bien. C'était mon kiff du merci. Moment. En vrai, merci c'était beaucoup. Super cool. Merci Vianney. Non, je trouve ça vraiment très bien parce que je me demandais pourquoi ce but était aussi exceptionnel. On va terminer en douceur dorénavant avec l'armée Armel qui va nous faire son petit. Le kiff du moment. Alors, pour terminer cette soirée, Armel, de quoi vas-tu nous parler? Qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment? Alors, Jackie, tu es prête? Quand tu veux, tu la mets, je vais commencer. Et je parle bien sûr de musique. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, maintenant, vous m'entendez bien parce que moi, je m'entends mieux. C'est la magie du retour. De la radio de retour. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chaîne YouTube. Mais avant, très rapidement, je voudrais vous parler de mon rapport à l'art. Quand je lis, quand j'écoute, quand je regarde, quand je touche ou quand je goûte, je suis à la recherche d'un frisson particulier. Allez vous faire enculer, surtout toi, Vianney. Je pense qu'on est tous plus ou moins, en tout cas, à la recherche de ce sentiment un peu particulier. Pour chacun, il est différent. On le connaît, on cherche à le comprendre, à l'analyser, parfois à le reproduire, surtout si on est producteur. On le souhaite et on le redoute. Alors, on est fatigué. Non, mais c'est juste que les producteurs qui se reproduisent. C'est bien qu'ils mettent la musique par contre. Ouais, ça c'est bien pour la fin en fait. Ça me fait penser à quelque chose. C'est le tout en haut de la deuxième colonne. Voilà, exactement. Tout en haut de la deuxième colonne. Eh bien, c'est parti la musique. Attention, t'as belle vidéo. Qui te fait vibrer, mon cher. Pourquoi on le souhaite et. Voilà, parfait. Pourquoi on le redoute un petit peu, ce sentiment? Parce qu'il crée une rupture avec les autres, souvent. Comment une œuvre nous fait vibrer profondément? Une œuvre qui nous fait vibrer profondément pourrait faire ressentir ça à d'autres? C'est rare, c'est ce qui crée beaucoup de débats. Le frisson est personnel et ne se transmet que difficilement. Certaines œuvres, considérées comme nulles pour certains, vont toucher la corde sensible de quelqu'un d'autre. Et du coup, on va devoir vivre avec le fait que personne ne nous comprendra et qu'on dira pour toujours que cette œuvre est nulle. On a tous, je pense, un exemple personnel comme ça. Et pourtant, parfois on rencontre des gens qui ont des tonalités de vibration en commun avec nous, sont nos amis, nos amants, nos familles, nos proches, bref. Et encore une fois, parfois on transmet cette recherche de compréhension via l'artiste. On se met à l'aduler ou bien à le détester selon ce qu'il nous a fait ressentir, et surtout selon notre manière qu'on a de le comprendre. Bref, on cherche. Je pense qu'on parle beaucoup trop de soi-disant faits objectifs, de manière de faire, de ci, de ça, pour parler d'une œuvre. On déblatère pendant des heures sur tel ou tel point en oubliant une chose, souvent, de parler de nos sentiments. On les exprime pourtant fortement, trop fortement, si bien qu'on les oublie presque parfois. En fait, on en parle rarement. Pourquoi telle chose a marché sur moi? Pourquoi non? Ça a de la valeur, en fait. Parce que ça nous touche directement, et c'est ce qui fait qu'on est soi-même. Cette question est essentielle, nous confrontons à des œuvres, à de l'art, dans le seul but de ressentir quelque chose de personnel, d'intime. Et pour moi, c'est ce que fait cette chaîne Alt 236. Putain, la transition de musique était parfaite. Dont on a écouté le fond sonore, exactement, d'accord, qu'on trouve dans la plupart des vidéos. Et comme ça, un petit peu planant. Donc Alt 236, qu'est-ce que c'est? C'est anciennement le raccourci clavier pour l'infini. Mais Windows a décidé que non, maintenant c'est un Y bizarre. pas de chance, mais à la base c'était ultra stylé. Ouais, mais du coup là, comment on fait l'infini? Je sais plus, j'ai pas vérifié. Mince. A priori, il va pas changer. On prend 8 et puis on le met à l'horizontale et on le rescanne et puis voilà. Donc l'auteur de cette chaîne YouTube nous emmène à travers une voix off à explorer des œuvres de genre quasiment, donc fantastique, fantasy, science-fiction, beaucoup d'horreur. Pardon. Mais en tout cas, tout le temps mystérieuse. Il y a pas de problème. Forte, avec un passif, une histoire ou comme il le dit lui-même, une mythologie. À travers 3 formats, il explore notre relation à l'art. Il y a d'abord Mythologique. C'est une émission qui pousse en profondeur la mythologie présente dans certaines œuvres, comme Hellraiser, Bloodborne ou bien Berserk. Il va étudier l'œuvre dans tous les sens et ensuite en parler pour essayer de nous faire comprendre tous les tenants et les aboutissants qu'il y a autour. Alors, on va pas se mentir, ça spoil énormément, mais c'est pas grave. Moi, j'avais par exemple vu que le premier Hellraiser, qui est un film d'horreur des années 80, qui est super chouette. D'ailleurs, là, ça m'a fait permettre de le revoir. Et j'ignorais C'est un homme avec plein de clous sur la tête, non? Exactement, c'est pas ça? Pinhead, tout à fait. C'est un roman de Clive Barker. Et c'est un roman. Et je n'ai jamais vu le film, mais la musique est extraordinaire. J'ai jamais lu les bouquins non plus. Et donc, du coup, par exemple, dans une de ces chroniques mythologiques, il nous parle en long en large de la mythologie de ce film, parce qu'il y a près de 9 films, une tonne de romans, une tonne de comics. Donc l'univers a été extrêmement étendu, et donc il va nous en parler. Donc il nous spoil, mais en fait ça n'a aucune importance, parce que de la manière dont il le fait, on n'a qu'une envie, c'est de les lire derrière. De comprendre, en fait, parce qu'il va nous parler de sentiments, de ce que lui, il a ressenti à ce moment-là, en fait, de qu'est-ce que ça implique, et de manière pourtant très logique. Oui, je te coupe. C'est français comme chaîne ou anglais? Tout à fait. C'est français. Ok, c'est d'accord. Français, okay, ouais. Okay. Vous avez peut-être vu le mec, de temps en temps, il va, il file un coup de main dans la chaîne Beats, qui passe sur Arte. Ouais, ok. Une chaîne à voir, ouais, absolument. Ouais, c'est extra en plus ce truc-là. Ouais, c'est vachement bien. Ok, d'accord. Sinon, il y a les épisodes nommés Halt 236 qui vont à chaque fois explorer des grands thèmes de l'horreur ou du fantastique, c'est ce qui fait un petit peu moins. Et puis, il y a le syndrome de Stendhal. À chaque fois, il va poser des questions, ces questions vertigineuses qui nous mêlent l'espace d'un instant dans un état d'hébétitude cosmique. Et donc, à ceux qui se demandent ce qu'est le syndrome de Stendhal, c'est une maladie psychosomatique qui provoque des accélérations du rythme cardiaque, des vertiges, des suffocations, voire des hallucinations chez certains individus exposés à une surcharge d'œuvres d'art. Ah ouais. C'est peut-être un syndrome qui n'existe pas, mais ça on le saura jamais. Et ça n'a pas été. Ça n'a pour l'instant pas c'est été. Pas médicalement, ouais, ça n'a pas été médicalement prouvé, d'accord. Mais il y a de nombreux témoignages. C'est beau. Voilà. C'est beau. Ah oui, c'était court. C'était court parce que je pense qu'il n'y a pas. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va se vivre. Si ça se trouve, ça n'a pas du tout quelque chose qui va vous parler. Ce que tu nous dis, c'est que toi, cette émission-là, t'as particulièrement touché. Quoi. La chaîne, ouais. Ouais. Je l'ai bouffé. Et pas du tout. Hein. Non, mais non, parce qu'elle n'est pas très mini-zer. Connue. En fait, il a commencé il y a un an et demi, donc c'est relativement okay. Récent. Il a c'est un récent. Rythme de ouais, cadence. Je connais des gens en 10 ans, ils n'ont même pas eu 10 000 abonnés, donc c'est pas. Je aucune idée. Alors qu'il y en a en 2 mois qui font pas mal de vues en faisant mec de prison, mais après. Est-ce qu'on va vraiment en parler? Ouais, checker mec de prison sur YouTube. Non, mais checker en priorité ce que Scarlett vient de vous présenter ce soir. Ouais, vous en sortirez grandi. On vous prépare un dossier avec Valentin. Ouais, putain. totalement. Donc, Halt 236, c'est une chaîne YouTube. Et ça a été une putain de révélation. Et ben, j'irai sans merci hésiter beaucoup. M'abonner à cette chaîne et mettre la cloche et le pouce bleu. Et oui. Parce que, merci beaucoup. Merci. Kiff du moment différent planant. Très bien. Et eh ben parfait, et eh ben, mine de rien, on arrive à la fin de cette émission. Voilà, sans plus de manière. Merci à tous beaucoup. Merci notamment oui. À notre invité, exceptionnel invité, Thomas Géa, alias Marcel, alias Dupont, Xavier, Pierre, Georges, Henri. Merci. Nounours à chips. Bien sûr. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir, de t'être présenté. Peut-être reviendras-tu pour parler d'autres sujets, parce que je oui, sais, hein, c'est un plaisir, pour hein. En avoir déjà vu dans d'autres soirée, n'est-ce pas? Je sais que tu as encore plein de choses à raconter, notamment sur la manière d'éditer un bouquin. Il y a plein de choses intéressantes oui, à dire, dont beaucoup de gens ne se doutent pas. C'est super bien. Bref. Eh ben, je reviens quand vous voulez. Ah, cool. Parfait. Ouais, merci. C'est une bonne nouvelle. Merci à tous. Merci à Jackie, oui. Armel, Vianney. Merci à moi-même, parce que moi, je m'aime ouais, beaucoup. Merci à toi. Et n'oubliez pas, du coup, de liker la vidéo ou le petit podcast. N'oubliez pas de ça, faites-nous connaître, nous faire absolument. Des retours aussi. N'hésitez surtout pas s'il y a des choses qui vous dérangent, du rire. rythme, des trucs pourris, des trucs que vous trouvez pas intéressants, des blagues nulles, des trucs. N'hésitez pas, tous les retours sont bons, surtout les plus mauvais, parce que c'est dans les plus mauvais qu'on a le plus on de fait choses. La meilleure soupe. Voilà. Merci beaucoup, j'ai du mal à... C'était la blague. Ouais, allez. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et puis bonne soirée. On à se tous. Retrouve au mois de juillet on se du coup. Très bientôt. On vous dit la date sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ça. Ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons au courant. Ciao, ciao, ciao, voilà. Ciao. À bientôt dans un nouveau monde de l'inattendu.